Bienvenue dans la fucking kermesse. À la vie. Bonsoir à tous, c'est la fucking kermesse numéro 25. On aurait aussi pu s'appeler les Bashibouzouk Machines, mais on n'avait pas du con et du con, car Alexis et Julien ne sont pas là ce soir, c'est très dommage. On est où là? T'as pas dit en direct de quelle ville on était? On est en direct de... Garges-les-Bedottes. Garges-les-Bedottes. Merci Stan, j'avais oublié le nom de la ville. Bah voilà, on est sur une petite salle des fêtes, là, sur une colline, à côté du rond-point à gauche, si vous voulez venir nous rejoindre avec un petit pastis. On est bien, on est frais, c'est l'été, c'est super. Autour de moi, il y a le prince, le prince Aladdin, qui fait son retour. Ça va? Bonsoir. Alors, ça t'amuse toujours autant? Oui, c'est toujours un plaisir de revenir dans cette émission. Le retour perpétuel, c'est la blague dont on ne se lasse. Ouais, on va peut-être bientôt s'arrêter de la faire. Je pense qu'il y a 3 épisodes, ça aurait été bien. Effectivement. Il y a aussi Steven, toujours dans l'ombre. Et toujours. Pourquoi dans l'ombre, enculé? Bah, je sais pas, parce que tu parles pas beaucoup. Ouais, bah, d'accord. Et enfin, celui qui était venu il y a 10 émissions nous parler des Yétis à deux dos, revient maintenant pour nous parler des Gaulois à un seul dos. Bonsoir. Des Gaulois à deux casques. Bonsoir. C'est presque un plaisir d'être là. Et bien, c'est pareil pour nous. Et nous avons aussi du public. Et nous avons aussi, Baptiste qui a fait beaucoup de chemin pour venir nous voir. Donc, bonsoir à toi, Baptiste qui est derrière moi, que je ne vois pas. Tu veux que je fasse la foule en délire ou pas? Ouais. Non, ouais. Charlie et Lulu, ils s'y prenaient beaucoup mieux que moi, je sais pas comment ils faisaient. Mais, c'était un public en folie pour eux. Ah, ce serait vachement bien d'inviter Charlie et Lulu à l'FK. Ça serait une belle émission, je pense. Ils en auraient pas. Bah, ouais, je crois, ouais. Je pense qu'au stade de leur carrière, effectivement, c'est la prochaine étape. On va récupérer toutes les vieilles stars des années 80. Fais gaffe, parce que qu'est-ce que t'es en train de dire sur ta carrière, du coup? Oh là! Moi, je dis rien, moi, je constate tous les jours. C'est marrant et triste en même temps. Ce soir, on va parler de quoi? De Astérix et de Tintin. Faire un petit versus, car c'est le vrai esprit de la FK, nous le savons tous. Quand on a dit le thème de l'émission, AJ2 comme à Alexis, ils ont dit, ouais, on est super chaud, on va venir. Et ils sont pas. Ils ont dû casser la gueule quelque part parce qu'ils sont pas. Alors, Alexis m'a dit, en fait, c'est parce que lui, il était vachement chaud. Parce qu'il adorait Tintin, mais il avait lu que Tintin au Congo. Il a appris qu'Hergé était belge. C'est mon dieu. Non, il a lu les autres que Tintin au Congo. Il a dit c'est pas drôle. Donc Alexis. Oh, pourtant, il y en a d'autres qui sont drôles dans le même style. Mais... Ouais, c'est vrai. Si tu peux éviter de casser ton micro avant même de commencer. Ouais. Ça m'a. Et du coup, mais heureusement, on a gagné en change, en ayant Whoopi, parce que c'était un vrai spécialiste. On le sait, tu adores. Ah, c'était un mal. Tu as été Astérix, je crois, pendant très longtemps. D'ailleurs, tu l'as doublé dans beaucoup de. Ouais, bien sûr. Hein. Mais <c'est... rire> je sais pas ce que vous voyez. J'espère être en casting du prochain. On sait pas. T'es pas obligé de me suivre quand je dis n'importe quoi. T'inquiète, c'est pas grave. Franchement, t'as grave tes chances parce que. Ouais, c'est ça. Les critères aussi, au stade où ils en sont dans l'évolution de la série, c'est toujours une question de. Ça va bientôt avoir Astérix. Faut savoir attendre le moment. Tu vas être un bon sniper. C'est ça. Savoir choper ses invités, ses places dans. Guigui, je crois, j'ai très senti pour Astérix. C'est Dave le prochain. Il y aura peut-être Charlie et Lulu d'ailleurs. Ils pourraient faire du pont et du pont. On va comparer Astérix et Tintin. Les jumeaux, parfait. En long et en large. Et avant ça, un petit roule-plateau, une petite vie Patrick aussi ce soir, et oui. Un petit quiz et pas d'autodaf fécal. Non. C'est marrant ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est très marrant. C'est très marrant. Non, c'est pas marrant du tout, en fait. J'ai merdé, voilà. Mais à coup pas, c'est ça, tu me fous la honte devant tout le monde. Bah, si j'attends que t'aies un peu honte. Là, je reste un peu, tu vois. Ok. Et bon, voilà, c'est bon. Moi, je répète ce truc et je vais juste un peu dévoiler les coulisses, mais c'était hyper impressionnant. Je suis arrivé là environ un quart d'heure avant le début supposé de l'émission, qui finalement commençait une heure après, on s'en fout. Mais, du coup, il est arrivé comme ça en disant, ouais, attendez, je finis ma chronique et tout, je vais partir, c'est bon, j'ai un quart d'heure devant moi. Et puis il a écrit pendant un quart d'heure, il avait l'air hyper concentré. Je me suis dit putain, c'est beau de voir un homme au travail, un homme qui va être grand, qui va être beau. Finalement, au bout d'un quart d'heure, il a fermé l'ordi, il a dit bon, mais finalement non. Et finalement non, on va arrêter là. C'est magnifique. L'abandon. C'est encore plus triste. L'abandon d'un homme. L'abandon. Ça fait plaisir. Et du coup, on va commencer direct par le petit roule-plateau, hein, pour gentiment. Et ben allons-y. Allez. Voilà. Super. Ouais. Alors. J'aime bien chouer. Non, mais personne m'arrête, donc moi je continue. En fait, vous connaissez pas le principe. Arrête. Lancer l'émission, sinon. Mais je sais pas, moi, on me regarde avec des yeux tristes, un regard vague. Zaza, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, le roule-plateau? Il ravale sa peine. T'as pas de roule-plateau? Ça l'ambiance. T'as pas de roule-plateau non plus? Si. J'ai vite fait eu le temps de faire un truc en un mois. Ça tombe bien parce que ça aurait pu, on est pas passé loin du zéro en consommation culturelle, mais je suis allé une fois au cinéma. Ah. Et alors, le nouveau Fantomas. Non, Gangsterdam, c'est vraiment un film stylé. Non, je suis allé voir, j'ai rompu une promesse que je m'étais faite il y a un an. Ah oui, j'étais avec toi, Stavro. Tu m'as bassiné, oui, plus jamais. J'avais promis plus jamais. Plus jamais. En sortant de Suicide Squad, plus jamais de films de super-héros. C'est terminé. Et je me suis fait salement entraîner dans une séance de Wonder Woman. Ah la vache. Ah ouais, en plus t'as choisi Tu jouais toujours les films d'essai en plus, donc les films où tu peux être le plus d'art déçu. Et d'essai surtout. Ah, pas mal. Ouais, j'aime l'humour. Et alors, qu'est-ce que ça donne Wonder Woman? Eh bah, c'est pas dégueu. Wonder ouais. Woman. Genre, eh bah non, c'est pas dégueu. Si, la fin est dégueu. La fin est un peu scandaleuse, c'est à base de... On m'a dit que le début aussi et le milieu pas terrible. Ouais. C'est Snyder qui l'a fait? Mais le troisième, cinquième est pas mal en fait. Ah. Ok, d'accord. Globalement. Des blagues de fraction, j'adore. Pile poil le milieu en fait. Ça contredit exactement ce qu'il vient de te dire. Effectivement, on a quelqu'un qui suit, bravo, une petite étoile pour Whoopi. Moi je... Non, c'était pas dégueu parce que c'était un film de super-héros avec une héroïne. Où ça se voyait que c'était filmé par une femme et pas par un mec, tu vois, genre elle était pas du tout hyper sexualisée, on avait vraiment un personnage badass, plutôt bien retranscrit avec une histoire d'origine qui change un petit peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir et surtout c'est tourné vraiment pour faire la part belle à l'action. Moi je me suis dit Wonder Woman, on vient la voir pour être en soutif et en... c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté d'y aller, je me suis dit ça va être sympa et en la fait non, vache. En mais fait, en 2017 non. Il continue à dire ça. Mais justement je suis en train de dire que j'ai plutôt aimé le film parce que contre toute attente. Parce que c'était pas cliché. C'était pas cliché. Et c'était même, il y avait même des scènes d'action vraiment stylées. Et c'est les mecs à côté d'elle qui passent pour des teubés. La direction artistique avait pas l'air super belle. C'est pas rien. Ouf. Mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant surtout et assez subtil, c'est que t'as une façon de critiquer justement les codes de notre société actuelle alors que le film se passe pendant la Première Guerre mondiale. Mais en gros, de la domination du patriarcat, etc. Mais fait de façon subtile. C'est en fait, c'est pas en mode ouais, c'est de la merde ce que vous faites, c'est genre elle arrive et elle comprend pas pourquoi la société est organisée comme ça c'est et qu'est-ce qui se passe. C'est comme les lettres personnes mais avec un fouet quoi. Il y a des fouets dans les lettres personnes. T'as pas lu les annexes. T'as pas lu la version censurée. Non mais voilà, personne l'a vu autour de la table. Non. Non. Non, bah non. Ah non, vous non. Vous respectez trop. C'est le genre de promesse voilà. Que je romps pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le genre de promesse que je ne fais même pas comme promesse. Moi, je romps toutes mes promesses. C'est un style de vie. Les auditeurs le savent. D'accord. Pas vrai, j'ai envoyé mes images dédicacées, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui a posté sur la page. Bravo, d'ailleurs, on en parle. Si quelqu'un a pris un Stavro Tester, qu'il envoie un message sur Twitter ou Facebook, parce que je ne sais plus qui les a pris. Je cherche, je ne trouve pas. Donc, c'est mal organisé parce que c'est moi qui organise, hein, voilà. Mais si vous voulez le faire, bah dites-moi parce que je sais plus qui l'a fait. Voilà, et vous l'aurez. On passerait pour monter des clans. Et donc du coup, est-ce que tu vas renouveler ta promesse ou la rompre définitivement? En fait, je me dis qu'il y a Deadpool. T'attends 2. Wonder Man 2. Il y a Deadpool 2. Ah. Spider-Man Homecoming. Non, non, ça c'est mort. Oh, ça y est, le mec, il a des principes quand ça l'arrange, quoi. Ouais, c'est un peu pour ça. Non, mais Spider-Man, ça a l'air classique, quoi. Ça a l'air nul à chier. Deadpool, ça avait été rafraîchissant. Ça a été rafraîchissant parce qu'il disait fuck, quoi. C'est rafraîchissant quand t'as 16 ans. Ah, mais quand tu répètes fuck, est-ce que c'est toujours rafraîchissant? Non. En vrai, Savro, quand on est sorti de Deadpool, tu m'as dit que c'était pas mal. Ouais, ça va, mais c'est pas non plus rafraîchissant. C'était pas mal. C'était pas novateur en aucun point. C'était la même formule. Moi, je sais mais pas ce que ça de... veut dire quand on va voir un film et qu'on dit, oh, c'était rafraîchissant. Personne dit ça. C'est-à-dire que la clim était pétée. J'ai chopé un rhume. Vous êtes de mauvaise foi. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Pas trop, mais bon. Okay. Mais voilà, Wonder Woman, tu mets combien de Jean-Luc Reichmann? 7. Eh ben, c'est un très bon score, bravo. Bravo, c'est trop, bravo c'est, Wonder c'est Woman. Trop donné. Et toi, Stéphane, qu'as-tu fait ce mois-ci? Oh, plein de choses. Moi, je vais vous parler d'une bande dessinée, parce que c'est raccord avec le thème de l'émission. Astérix. Eh ben non. Oui, si, j'ai lu Astérix, c'était vachement bien. Non, je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Economics. Ah bah, si. Et oui. Ah chose, oui, je vois très bien ce que c'est. Ouais. C'est pas le nom d'un Gaulois dans Astérix. Je l'ai eu dans les mains ce week-end. Ah. Un peu plus tard. Ce week-end. D'accord. Et tu l'as lu? Alors, non, pour le coup, je l'ai à peine survolé, mais ça va. Oui, parce que c'est très long. Ouais. Mais vas-y, commence d'abord. Donc c'est une, c'est un comics écrit par, j'ai oublié les noms des types parce que je suis un connard, donc je les ai sur mon téléphone, par Goodwin et Dan Burr. Et en gros, c'est une bande dessinée qui vous permet de retracer l'histoire de l'économie. En bande dessinée. En bande dessinée. Alors, c'est loisir, il est obligé de nous chier dessus. Wonder Woman, ouais, non, c'est vachement bien. C'est bon. La proposition a l'air hyper foireuse, mais le rendu est plutôt cool. Le rendu en fait, est vraiment parce bon, c'est pour ça que je vais en parler. Ils arrivent à faire des petits gags, il y a des petits sketchs malgré tout, hop. Tu sens que tu t'es bien fait enfiler par le système, mais t'es quand même content parce que ça fait une petite blague rigolote. C'est ça. Et donc, je trouve ça pas mal. Ça permet vraiment de. Alors, c'est bien sûr, vous devenez pas thésard en économie en lisant ça, mais c'est assez complet. Ça permet vraiment d'avoir une idée de l'histoire de l'économie, des grands courants économiques dont tout le monde parle. J'allais dire dans les journaux, mais dans le monde diplomatique, mais mais voilà, tous les trucs genre keynésianisme et tout, où parfois on en entend parler, on sait pas très bien ce que ça veut dire. Je pense, je sais pas. Alors explique-nous. Non, on va pas. Ça va être chiant. Alors, on va faire une FK sur l'économie. Le break économique. Ah, j'aimerais bien qu'on fasse une FK sur l'économie. J'en ai déjà parlé. Ah, une FK sur l'économie. Juste. Non, on invitera Emmanuel Chin. Non, sur le prolétariat, ce serait cool, non? C'est cool. Ouais. Sur le prolétariat, on va en faire un peu pressé. On le vit tous les jours. On le vit tous les jours, le prolétariat. On va pas plus en parler. Une troisième partie sur Marx et puis pouvoir faire du prosélytisme dans la FK. Ça serait cool. Ce serait cool. Non, outre ça, c'est pas une BD qu'on lit, genre on a une heure, c'est pas un Tintin ou un. Ah non, un c'est steak, hyper ça. Massif. Ça fait 300 ou 400 pages, je sais plus exactement. Donc ça se lit chapitre par chapitre. Faut comprendre les maths ou pas? Non. Non, non. Et puis surtout, c'est des trucs, enfin, c'est. Contrairement aux BD, on va dire un peu plus classiques, ça tartine vraiment du texte. C'est-à-dire que l'essentiel du propos, ça restait quand même du texte, voilà. Et qui est hiérarchisé, on va dire. Les idées sont scindées vraiment en cases pour que ça puisse être un peu facile à comprendre. Ils te foutent effectivement quelques petits sketchs et des petits mecs qui vont faire des blagues au milieu, mais ça reste quand même pour l'essentiel. C'est un putain de bouquin à lire. Regarder, il y a rien quoi. C'est Financial Times avec 2-3 BD quoi. Ouais, si tu veux. Super. Ouais, c'est un peu ça. Ça a l'air sympathique. Non, en vrai, c'est bien si. Je sais pas si t'as envie de te comprendre un petit peu l'économie, mais que t'es pas spécialement calé. Moi, qui n'y comprenais rien. Alors, je sais pas si ce qu'on m'a raconté était vrai dans les peu de trucs que j'ai lus, mais effectivement, c'était limpide. On te fait passer des concepts que j'ignorais. Voilà, donc les concepts, c'est bien sûr, c'est de la vulgarisation. C'est un peu comme combien ça coûte avec Jean-Pierre Pernaut. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Et non, par contre, peut-être il y en a qui connaissent. C'est le même principe que Logicomics. Qui est un comics sur l'histoire de la logique. Donc voilà. Oh, ouais. Ça, et en salle de prof de philo, je peux te dire qu'on se fend la poire sur Logicomics. C'est un peu ça. Et quand tu lis Economics, tu peux te marier avec les profs de philo et les profs de SES. Donc c'est nickel. Wow. Ça t'ouvre un éventail de soirées absolument nulles. Interminables. Ouais. Non, donc voilà, si vous avez envie de vous former un petit peu à ça, ça prend, je sais pas combien de temps tu lis ça, mais en un mois, t'avais fini la BD. Tu lis combien de Jean-Michel Apathy? Des Jean-Michel Apathy, j'aime pas cette unité de mesure parce que depuis la réforme de l'Union européenne, je préfère compter en Emmanuel Macron et j'en mets 124. Eh, beaucoup, hein, parce que 124 Macron, ça fait donc 3 Jean-Michel Apathy, donc pas mal. C'est ça. Et toi, Oupi, qu'est-ce que tu as consommé? Moi, le mois dernier, je suis allé voir sur scène les Coathangers, donc les porte-manteaux. C'est un groupe de nana punk, c'est des Californiennes qui font des trucs assez cool. Alors elles ont des textes qui sont franchement nuls. Ça raconte globalement que elles ont du mal avec leur petite amie qui est souvent c'est du punk, soit quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est souvent soit mais c'est du punk un peu verni shopping, tu vois, ce genre de truc. Ouais. C'est-à-dire qu'on est un peu dans soit il a été méchant, soit il allait voir d'autres nanas, soit machin. Mais à la fin, elles sont tout le temps en train de gueuler comme des franchement ça gueule elles gueulent vraiment très très fort et n'importe comment. Elles ont une espèce de chanson complètement dingue où elles font des espèces de rythmes avec des comment on appelle ça, les jouets pour chiens, les machins. Oui, oui, c'est insupportable. Ah ouais, les jouets. Elles utilisent les pouic-pouic pour faire de la rythmique. Donc c'est à la fois punk et très expérimental dans la démarche. J'aime beaucoup. C'est très esprit punk. Hein. C'est vrai. C'est très esprit punk. Ça sent l'espèce de morceau composé parce que t'avais plus rien sous la main, mis à part ton chien que tu ne nourris plus depuis 3 jours, qui se nourrit en bouffant tes amplis. Il y avait un peu cet esprit-là. Et franchement, c'est un truc qui est assez cool. Elle vient de sortir un album qui s'appelle Parasite, alors pas Parasite, donc pour le coup, où elle raconte qu'elle ne veut pas devenir mère parce qu'elle ne veut pas avoir un fœtus dans son. Voilà, c'est un peu ce genre de chanson-là. Donc c'est avec des refrains un peu catchy. Ça reste californien dans ses fœtus. Non, c'était très très cool. Voilà, si vous avez l'occasion d'écouter ça, écoutez les Coathangers. Il y a des riffs assez cool et des textes un peu niais. Si vous aimez le punk, les pouic-pouic et les fœtus, c'est ça. C'est ça. C'est un combo absolument fantastique. Mes passions, la vie. C'est beau. Et combien tu mets de Bernie Bonvoisin? Oh là. Ça devient compliqué, je sais pas. Je pense que c'est trop variable selon ton humeur, selon la météo. Peut-être qu'on peut décider d'arrêter avec cette blague aussi. C'est vrai que j'aurais pu m'arrêter. Eh bien moi, puisqu'on me demande, ce que j'ai fait, c'est qu'il ne s'arrête pas. C'est juste avant l'émission, avec Steven, je suis allé au Flunch. Et pas n'importe lequel. Le Flunch de Beaubourg. Donc on se dit, tiens, un Flunch à Beaubourg, qu'est-ce que ça fait là? Mais en même temps, il y a Leroy Merlin à côté, donc ça semble assez cohérent. Tu vous fais un petit silo. Non, mais c'est expérimental, tu vois, ça reste raccord avec le centre Pompidou. Ouais, on va essayer de faire un Flunch, ce serait une sorte d'expérience. Il y a ni l'autre prolétariat, là. Ça se trouve, on n'a pas cherché, c'est signé quelque part. Bah, j'espère, parce que ce qu'on a vu, l'installation. On a vu, parce que franchement, on est, du coup, c'est en souterrain. On descend, on glade direct, enfin, Flunch en sous-sol. Ouais, au bout de 10 minutes, t'as même plus besoin d'être à Paris ni à Beaubourg, t'es hors du temps, tu flunch, quoi, simplement. Bon, bien sûr, c'est un déco de temps que t'étais pas allé chez Flunch. Enfin, longtemps, j'ai l'impression de retourner au self à la cantine avec le petit plateau, les entrées dégueulasses et tout. En plus, on était à 17h30, hein, donc. Ouais, c'était un peu déprimant. Ouais, c'est un microcosme particulier, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, 17h30, c'est une heure à la con pour aller au Flunch. Personne ne va fluncher à 17h30. Et bah si. Mais qui va là? C'est quoi? Attends, c'est des pères de famille qui ont perdu leur famille depuis 15 ans. Voilà, et qui exactement. Je les ai perdus sur l'autoroute des vacances il y a 15 ans. Où est-ce qu'ils sont? Chérie, es-tu là? Tu as mis les mots exactement sur l'espèce de dépression tranquille qui règne là-bas. Les gens qui voilà, d'avoir plus rien dans leur vie à part leur entrée à 2 euros qui est devant eux. Et, on a 1,90€. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Pardon. Tu sais, c'est et les légumes à volonté quand même, donc. 1,90€, t'as même pas encore bouffé. Et c'était, bah, c'est, en plus, putain. c'est vraiment les trucs de cantine avec la petite mortadelle, les charcuteries pas bonnes et tout, quoi, c'est. Et, on a, avant même de payer, on a vu des mecs ont failli en venir aux mains, parce que quelqu'un avait un plateau, et il y avait un truc pour poser le plateau à attendre, et l'autre voulait pas se pousser, donc, il dit, bah, je vais apporter mon plateau, il fait, c'est bon, on fait ce qu'on veut, je vais avancer par là, c'est bon, et, quand ouais, ça se traiter... Ouais, mais imagine, mec, déjà, t'es au Flunch à 17h30 en semaine, et il y a un connard qui vient de pousser ton plateau. Mais c'était vraiment ça, il leur fallait. C'est nul, putain, non, mais... c'est vraiment de la merde. Il leur fallait un truc pour faire une vie, quoi. Donc il a commencé à lui dire, ouais, bah, on va vous laisser passer devant si vous êtes si important que ça, et ça, ils se sont traités de connards. Ça s'est fini par si t'as des couilles on se verra à la sortie. Donc voilà, rendez-vous à la sortie du Flunch. En fait c'est le conservateur de Beaubourg. Le plot twist incroyable. Non, j'espère pas pour Beaubourg. Mais vraiment c'est assez incroyable. Je vous conseille si vous avez, parce que c'est trop cher pour ce que ça, c'est pas bon, hein, on peut le dire. On sent que t'as le seum quand même qui nous est pas sponsorisé. Non, tu viens, on leur chie dessus alors qu'on les a sucés pendant des semaines. C'était pas bon. Bon, ça, tant pis. Mais il y a un esprit, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment, moi, j'étais plus à Paris, j'étais dans le Flunch, je flunchais. Ah ouais, on a flunché là. On a flunché sec. Et, c'est que. Vous le referez pas. Si, mais peut-être en 8h du matin, tu vois. En prenant des notes pour, Non, on s'est dit qu'il fallait qu'on y aille avec un zoom pour enregistrer et interviewer les gens pour savoir pourquoi ils étaient là. Parce que moi, je suis allé pisser avant de manger. Et les mecs se connaissent. Les mecs se connaissent. Il y a des habitués du Flunch. Ah, salut, t'es là? Ah, t'as vu le truc, il marche toujours pas. Ah bah sérieux? Mais ouais, non, mais c'est les employés, c'est pas possible. Ah non, c'était des clients. Ouais, c'est clairement, ça a l'air d'être que des habitués. Triste. C'est comme un PMU en fait, mais en restaurant, quoi. C'est la version PMU du restaurant. Et ce qui est beau, c'est qu'ils se connaissent, ils se parlent dans les chiottes, et après, ils vont tous manger tout seuls. C'est les alcooliques anonymes qui viennent bouffer des haricots verts, quoi. Les flunchers, les flunchers anonymes. Probablement, ouais. Donc franchement, c'est pas bon, c'est un peu cher, mais ça vaut le détour, malgré tout. C'est une sorte d'expérience. Manger avant d'y aller, au pire, ou après, et aller vivre l'expérience là-bas du Flunch. C'est quelque chose. Et ils le disent à la fin, hein, dans un slogan qui a très peu d'espoir et qui ne dit rien. On ne peut fluncher qu'à Flunch. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est, en même temps, c'est con, mais c'est très vrai. Non, sérieusement. C'est plus profond qu'il n'y paraît. Sérieusement, moi, je me sentais pas très bien, en fait, dans cette ambiance. Moi non plus, j'étais vraiment où on était. Bah, c'est qu'en fait, c'est à toi qui disais bonjour, les mecs, c'est ça? C'est ça. Quand Nietzsche disait que la bim te regarde, il parlait sûrement du Flunch, hein, parce qu'au bout d'un moment, tu te sens presque à ta place et t'as pas envie. Ah, surtout, moi, je voulais vraiment tester ce Flunch de Beaubourg. Je me suis dit, ça va être un Flunch, mais tu vois, en standing, eh ben non, c'est en moins. C'est ouf. C'est vrai que les flunchs où t'as pu aller en province ont l'air moins déprimants. Les flunchs d'autoroute, tu suis allé il y a pas longtemps, ça passe, hein. Ouais, parce qu'il y a des familles, c'est les vacances, on est tous là. Ouais. Là, non, c'est, non. Bah, déjà, un flunch en sous-sol, c'est là-bas, c'est déprimant. Ah quoi. Ouais, déjà, ouais. Mais y a, sur une aire d'autoroute, il y a un espoir, tu vois, c'est une espèce de phare. Il y a le côté vraiment étape, tu vois, étape. Exactement. Du voyage. Ouais, là, c'est une progression initiatique. Là, t'as l'impression que c'est pas une étape, c'est la fin. C'est la finale, ouais, c'est ça. C'est l'arrêt au stand, le dépôt de bus. T'as atteint dans la lit de Beaubourg, quoi. Donc voilà mon gros plateau. C'était une belle expérience, je vous recommande. Flunch, là, je vois toujours sponsorisé. On est là avec plaisir, on vient. Non, par contre, il y a de l'espace pour enregistrer une FK à Beaubourg. Et ce serait une ambiance particulière, hein, une FK en plus public. Là-bas, du coup, il y a des roules plateaux. On a vu partout, il y avait que des roules plateaux autour de nous tout le temps, mais, c'était super. Non, moi ce qui m'a rendu triste, c'est que outre les pères de famille sans famille, il y avait pas mal de touristes. Ah ouais, et je me dis, c'est... t'arrives en France, t'arrives à Paris. Il y a un couple de Japonais avec leur roue plateau. Je me suis dit, putain, ils ont économisé pour venir à Paris, ils sont contents, ils y vont à manger là. Ils se retrouvent à Flush. Ils ont pas lancé 3 mois de salaire. Allez, chérie, on y va. On passe juste une semaine. Et tu repars cash. Mais les frites sont à volonté. T'as plus de thunes, ouais, c'est ça. Tu veux goûter, ouais. Le rêve occidental, quoi. C'est ça. Flunch. Et voilà. Je pense qu'on a quand même bien vendu. Donc, pensez à nous, Flunch. Pense à nous, Flunchy. Et sur ce, on va pouvoir se diriger vers le cœur du podcast, le gros, ce village des rêves. Enfin, y a pas de gros ici. Donc, on va pouvoir passer directement à Astérix contre Tintin. Tintin. Ça va cogner la bagarre. Astérix est là. Seul contre les dieux, contre l'odieux César. Ave César, t'auras pas l'Oscar. T'as l'air romantique, mais t'as remettre en toc. Arrête ton cirque, c'est pas toi qu'on croque. Pauvre légionnaire, tu rames, c'est la galère. Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba. Il n'y a qu'un homme, un Gaulois. Et bien. On fait des blagues à Rantaine qui sont super drôles, c'est très dommage pour vous. C'est vachement partial d'avoir choisi Astérix comme générique d'entrée. Oui, pas Tintin. Parce que il y aura une seconde version du podcast avec Tintin. Il y aura une version alternative. Il faut aller dans le flush de Beaubourg demander la version alternative du podcast avec Tintin. Voilà. Vous demandez au mec aux chemises roses dans les toilettes. Le code c'est non, ça ne marche toujours pas. Du coup, pour ce premier axe d'analyse Astérix Tintin, on va, avant de s'intéresser aux personnages en tant que tels, ou même à ce que véhicule l'œuvre, on va voir quel monde ils ont créé. On va passer en revue les deux mondes, c'est comme ça qu'on a intitulé l'axe. On aurait pu, ouais non, je vais me blaguer avec l'axe, mais c'est pas drôle. Alors, c'est non, toujours drôle. Ça, c'est... En hommage à Alexis. C'est vrai qu'il nous a quittés trop tôt. Du coup, ils ont le village gaulois, la Gaule même, ou même tous les endroits où va Astérix. Quelle image du monde ils véhiculent, enfin, quels les personnages qu'il y a secondaires, la façon dont ils représentent les décors ou alors les choses autour d'eux. Ah, on va parler dans les bails précis quoi. Ah bah moi je suis toujours sur la Brecht, de toute façon, on m'appelle comme ça. Brecht. Alors, par quoi je pense qu'on peut commencer peut-être par la famille Tintin, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Tous les personnages qui gravitent autour. Non. Bah quoi, on appelle ça la famille Tintin, non ? Ok. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Quand on... Mais je pense que je lance juste une idée de départ. Alors, la famille Tintin. C'est du coup le cas. Tintin n'a pas de famille. Mais c'est quoi Tintin ? Si, Milou. Faut vraiment qu'on dise, donc Tintin, c'est une bande dessinée. Ah, ok. Commencée en 1929. Bien. Dans le petit 20e. Toutes les bonnes choses. par Georges Rémy, dit Hergé. Et voilà. Oui. C'est une BD belge, du coup, il est belge. Sur un jeune reporter qui voyage à travers le monde et à qui il arrive des péripéties. Et il voyage avec Milou, un petit fox terrier, qui aime le whisky et qui est un peu raciste. On dirait mon père. Et de l'autre côté, on a Astérix qui a commencé en 61, Goscinny au scénario, Uderzo au dessin, qui présente des petits Gaulois qui résistent à l'envahisseur romain. Et très humoristique, pas vraiment historique, plus un monde un peu. Oui, là on est loin de économie. Voilà, on est assez Tintin, peu ça dans le réaliste, ouais. Alors que Astérix, pas trop. Voilà, c'est bon, ça, le petit topo te convient. Merci. C'est beaucoup plus clair pour moi. Tu vois de quoi on parle. Oui. Je suis content. Alors moi, il y a un truc que j'aimerais que t'expliques, c'est bande dessinée. Quand est-ce que ça a commencé? Comment? Quels sont leurs réseaux? Bande dessinée, c'est les Grottes de Lascaux. Ah, pas mal. Du coup, pas confondre avec Julie Lascaux, attention. Ok, ouais, c'est bon, ça a rien à voir. On peut partir maintenant. Ça y est. Plus tu me fais parler, plus je risque de dire des conneries. C'est ça. J'avais oublié ce détail. Alors, du coup, pour parler Tu voulais parler de la famille Tintin. Ouais, parce que du coup, sans parler de Tintin, parce qu'on y reviendra plus tard, il y a toute une galerie de personnages assez loufoques qu'ils suivent, le Capitaine Haddock, Tournesol, les Dupont et Dupont. Là voilà. On passe à Astérix. Et voilà la suite. Next. Non, il y a la Castafiore aussi. C'est vrai, pardon. Et Alan, ou Rastapopoulos. Bref, mais du coup, lâche pas, alors c'est, y a que moi qui parle pour l'instant. Bah, je sais pas, on a pas le temps. Bah, t'es en train de présenter une intro qui est interminable. Il y a un moment où il faut que tu t'arrêtes 3 secondes pour que le mec prenne le temps de parler. Alors, comment on pourrait décrire le monde qui nous a décrit, si j'aime bien répéter ce que je dis, dans Tintin? C'est plus du tout la même question, t'en as conscience ou pas? Le switch est total. Alors on va parler de la famille Tintin, ça c'est fait ou on passe à autre chose, c'est quoi? Non, c'est pas fait, bah, je lance un truc. Ah, donc le monde, c'est Capitaine Haddock, ça c'est un monde. Mais ça fait partie du monde qu'il nous a présenté. Ah, d'accord. Et ouais. Les personnages qu'il tisse montrent le monde. Leur réseau de personnages. Ouais. Voilà, exactement, merci. Quel est le réseau de Tintin? La famille Tintin. D'accord. Par exemple, voilà. Ouais. On aime bien te faire galérer. je pense que le premier personnage qui nous vient, en effet, c'est Capitaine Haddock. Ouais. C'est vraiment le personnage. Pour beaucoup, c'est le personnage presque principal des aventures de Tintin, à partir d'un certain moment. Ouais, ouais. Moi, c'est mon préféré, en tout cas, dans Tintin. C'est un loser magnifique. Bah, ouais. Il échoue tout le temps. C'est un... Mais avec classe. Avec classe. Panache, même. Mais au début, c'est vraiment un loser quand il arrive, du coup, dans le crabe aux pinces d'or. Ouais. Il est alcoolique, il a l'air d'être au bout de sa vie, bah, il a l'air de sortir du flash de Beaubourg, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faut préciser ça. Le Capitaine Haddock n'est pas là dès le début des aventures de Tintin. Ouais. Il arrive que dans le crabe aux pinces d'or, qui est le sixième. C'est le huitième, si j'en crois là. Oupi, c'est le maître du temps ce soir. J'ai imprimé Wikipédia, c'est beaucoup plus simple. Ah oui, ça demande beaucoup de papier par contre. Voilà, il a 200 volumes chez lui, c'est super chiant, donc autant que ça soit rentabilisé quoi. C'est le huitième si on compte Tintin au pays des soviets, qui a une espèce d'épisode zéro. Ouais, que Hergé a pas voulu republier d'ailleurs dans les années 60. Bref. Donc, le Capitaine Haddock, il arrive que plus tard. Au début, on a Tintin tout seul. Tintin avec Milou, dont on parlera peut-être un peu plus tard, mais qui d'ailleurs, Milou va s'effacer. Tintin qui est un journaliste solitaire qui voyage. Ouais, voilà, il voyage avec son chien, qui parle. Un journaliste qui va parler de moins en moins. Un journaliste qui n'écrit jamais rien, on peut le dire. Si, il écrit dans Tintin chez les Soviets, en Amérique. Ah ouais. Au début, il écrit un article et c'est pour ça qu'il part. Ouais. Bref. Les emplois fictifs, tout ça. C'est ça. Hautement subventionné par l'État. Et donc, Tintin se retrouve enfermé dans un cargo. Enfin, dans un bateau, dont le capitaine est le Capitaine Haddock. Le carabou de Jean. Et le... C'est comme ça qu'ils se rencontrent, du coup. Tintin prisonnier du navire où est le Capitaine Haddock. Voilà. Qui est prisonnier aussi dans le navire, du coup. Ouais. Et il va tomber sur le Capitaine Haddock, complètement ivre. Triste, il l'est très souvent, quand même. Ouais, il l'est très souvent, mais là, il est totalement mort. Ouais. Il l'est plus quand il rencontre... Après, justement, Tintin, il fait un peu office de parrain, quoi. Je sais pas comment dire. Bah, ça dépend. Sponsor. Ça dépend. Il y a, je sais pas si tu vois dans Objectif Lune, mais à un moment il l'incite à teaser justement parce que le capitaine a peur de l'accompagner et du coup il lui fait boire de l'alcool et il dit merci pour le whisky. Et du coup ça le motive pour quand même venir. Donc c'est pas un sponsor de ouf finalement. Ouais, parfois, c'est un peu un fils de... Mais c'est vrai que c'est à Tintin que dans le crabe aux pinces d'or, le capitaine Haddock promet de ne plus boire et d'arrêter d'être complètement défoncé. Et après c'est un des principaux leviers avec lequel Tintin arrive à motiver le capitaine Haddock, c'est de le faire boire dans des moments, dans des situations et un ça, peu. Ça c'est les bons potes. Dès qu'il est dans une impasse, hop, il lui file une bouteille et l'autre fait un truc n'importe quoi, mais il sauve une situation. Haddock, en fait. C'est la potion magique. C'est clairement la potion magique de Haddock. C'est très vrai. Elle est beaucoup moins magique, hein. En fait, on aurait dû. PMU, quoi. On aurait dû servir un whisky à Stavo au début de l'émission, là, quand il galérait. Ouais, bah c'est vrai que j'aurais dû faire ça. Et du coup, ce premier personnage, déjà, il présente une vision assez bizarre de l'univers, quoi. C'est un personnage hyper triste, pas très doué, mais qui a quand même des moments assez magnifiques, qui a un héritage auquel il essaye de se raccrocher et de dépasser, avec le François de Haddock et tout, là, qui était capitaine de la marine royale à l'époque. Ouais. Donc c'est vraiment enfin, ce premier personnage, en tout cas, qui est principal, il est pas super resplendissant, joyeux, ou, ça montre déjà que Tintin, c'est réaliste et assez, terre à terre au niveau des, ce que, un personnage comme ça, c'est pas dans Astérix, par exemple. Bah, ça contrebalance le scoutisme de Tintin, quoi. Ouais, c'est vraiment un peu c'est le contraste. C'est l'extrême inverse social, ouais, le complémentaire, ouais. Mais, là où il se retrouve, c'est quand même le capitaine Haddock, c'est quelqu'un qui a des valeurs et qui va se battre jusqu'au bout pour les défendre et qui a quand même, garant d'une certaine moralité malgré. Ça reste un type bien. Ouais. Ouais. C'est le mec Haddock, du game, il est chaotique bon, tu vois, alors que Tintin, il est loyal bon. Exactement. Vraiment, en termes de jeu de rôle, on est plutôt là. Exactement, c'est beau. Après, est-ce que vous voulez continuer la famille ou? Non, mais on peut. La femme et. On a fini sur le capitaine Haddock. Bah, je sais pas, moi. Je demande. Je sais pas, on a plein de trucs à dire, donc. Ouais, caractère marquant du capitaine Haddock. Il est pas que alcoolique. Ouais, c'est ça. Il balance des jurons, quoi. Voilà, il balance des jurons. Ah, mais ça, on en parlera peut-être. On parlera des jurons en eux-mêmes, mais ça fait partie vraiment de son personnage, c'est. Le chartier. Mais c'est même le personnage colérique, en fait. Ouais. Que Tintin n'est pas. Bah, c'est le ressort, en fait, c'est le principal ressort comique de Tintin, c'est celui qui revient le plus, parce que t'as d'autres personnages qui sont drôles, mais lui, en plus, il cumule toutes les formes d'humour que tu peux retrouver dans Tintin. C'est-à-dire qu'il a. Ouais, non, c'est pas faux. Quand tu penses aux autres, ouais. Il a l'humour en dialogue, il a aussi l'humour à la Buster Keaton, où il va tout le temps se péter la gueule, se prendre des trucs, l'humour de répétition aussi, parce que c'est lui qui va régulièrement ne pas s'entendre avec les personnages qu'il va croiser, les sidekicks un petit peu. T'as vraiment, il cumule un peu tout. C'est un jack of all trades. Ouais. Les autres sont très figés, lui, c'est une espèce de star, quoi. C'est le plus intéressant, c'est le personnage le plus creusé finalement. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, il va, donc, on disait, il est pas arrivé tout de suite, mais il va prendre une place fondamentale dans l'œuvre. Jusqu'à avoir deux albums qui sont consacrés, en fait, Le secret de la licorne et le trésor d'Orakam, le rouge. Voilà, ouais. Qui sont basés clairement sur son héritage familial et sur son histoire à lui, et c'est grâce à lui que ça peut avancer, quoi. Sans lui, il y aurait pas d'histoire. Ouais, mais tu vois, il a quand même, c'est un personnage à tel point important qu'il a un double album, qui est, je crois, c'est le premier double album d'ailleurs dans l'œuvre. Enfin, d'album suivi, quoi. Exactement. Exactement, merci Oupi. Premier album suivi, c'est sur le Captain Haddock. Et d'ailleurs, ce Captain Haddock, c'est le seul personnage qui a Et l'affaire tourne au sol. Qui a une filiation. Ah, oui, c'est ça que je veux dire. Parce que les autres n'ont pas du tout de. Ah, Tintin, il n'a pas de parents. Tournesol, il n'a pas de parents. Lui, il a vraiment un héritage qu'il passe son temps à chercher, en fait. Ouais, c'est ça. Il a vraiment tout le temps. Tu sens qu'il traîne une histoire, alors que les c'est autres. C'est vrai que même Tintin n'en a pas, quoi. Ah, bah non, mais Tintin, c'est celui qui a le moins de. Enfin, on en parlera tout à l'heure. C'est le plus transparent. Mais du coup, toute l'épaisseur, en fait, psychologique, elle est vraiment balancée sur le Capitaine Haddock. Tintin, c'est le personnage un peu vide dans lequel tu peux projeter n'importe qui. C'est vrai qu'il y a une psychologie, en fait. Ouais. Et lui, il a une vraie profondeur psychologique. Et un peu sur Milou. Mais sur Milou au début. Bah, Milou a plus de caractère que. En fait, Milou, il parle quand il n'y a pas Haddock. Quand Haddock est là, Milou a plus besoin de parler, en fait. Ouais, très clairement. Et puis même dans ses tendances, tu vois que c'est un chien qui est un peu espiègle. C'est un chien qui est aussi. Alcoolique sur les bords. Dès qu'il y a un peu d'alcool qui traîne, il est là. T'aimes sa vie, un garçon. Les chiens espiègles. Trouve plein de chiens espiègles chez toi. Un chien chaud dans ton quartier. Mais Milou, Tintin, il est debout. Il est debout au miel. Qu'est-ce qui se passe? Mais Milou, il est vachement pince sans rire, en fait. On dirait un anglais presque. Il est là à commenter tout ça. C'est con ces chiens qui ne rigolent pas. On parle toujours d'un chien là, on est d'accord. Au début, Milou, on peut en parler maintenant. Dans la famille Tintin, c'est un personnage. Il a un car. Enfin, les gens. En tout cas, au début, les gens lui parlent. Les ennemis le considèrent. Ils se battent contre lui. C'est un truc. Il aide souvent Tintin. Il est très sarcastique aussi. Il fait beaucoup d'ironie. Ouais. Il est un peu raston, du coup, on l'a dit. Donc, clairement, quand même. Il est vraiment en mode familier dans le sens où il va vraiment aider Tintin à sortir. Il va aller ouvrir des portes. Il va faire ce genre de trucs. Il perd toute cette espèce d'épaisseur à partir du moment où Haddock prend la place. Ouais, clairement. C'est sûr. D'ailleurs, il arrête de parler. Je pense qu'au début, il est simplement le sidekick à l'époque où Tintin et Milou sont seuls tout, j'ai envie de dire, seuls tous les deux. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, il perd un peu de. Et il s'efface vraiment la caméra. Enfin, il est effacé complètement et c'est le Capitaine Haddock qui prend la place, quoi. Clairement. Bah, il est relégué à un rôle plus secondaire, mais il va quand même être utile dans les un rôle d'animal de compagnie finalement, quoi. Maintenant que tu le dis. Un truc vachement chaud que j'ai lu, c'est que apparemment Milou, le nom Milou. Ça vient des premiers amours d'Hergé. Ouais. Qui s'appelait Malou. Du coup, il y a des noms d'un de ses premiers amours. Eddie Malou. Non, ça s'appelait pas Malou, mais ça s'appelait un nom composé. Alors, je sais plus ce que c'était. Ouais, mais Mylène, son surnom, c'était Malou. Lou, quelque chose. Et il l'appelait Milou. Et après, il fallait un chien. Et je vais prendre ma meuf. Eddie Milou. Je vais nommer ce chien. Qu'il a remplacé par un vieil alcoolique. On sent que c'était vraiment son premier amour. Hein. Beaucoup de tendresse. C'est ça. Ça en dit long quand même. C'est quoi déjà le prénom de Haddock? Archibald. Ouais, c'est ça. Et c'est le prénom qu'on l'apprend que dans le dernier tome qui est paru, les Picaros. Ah oui. C'est juste là qu'on connaît son prénom avant, c'est toujours Capitaine. Comme quoi ils ont une relation vachement intime, Tintin et... Le capitaine qui devient une sorte de châtelain quand même. Et qui a pas de bateau, il a un... Oui. Il a un château mais pas de bateau. C'est vrai que c'est un peu con pour un capitaine. C'est nul. Ouais, il a un château qui lui est offert. Par Tournesol. Alors qu'il vient juste de se rencontrer. Tournesol donc. Pardon. C'est vrai qu'on va parler de Tournesol. Ah ouais, bah on peut. Bah, juste pour dire que Haddock, on le découvre ivrogne et il finit en maître de château, quoi. Il y a même des bandes dessinées où il est vraiment. On joue vraiment sur le châtelain. Je sais plus laquelle c'est. Bah, celle où il est bijoux de la Castafiore. Il est habillé en redingote. Les bijoux de la Castafiore, non? Oui, oui, un peu drôle. Les sept boules de cristal. Voilà. Ouais. Il est. Et même Nestor, son majordome. Son Alfred. le lui court après parce qu'il a pas son monocle de rechange et tout. Ouais. Il a vraiment pris. Ça c'est juste après qu'il ait le manoir. Ouais. On il a pris la grosse tête quoi. Il y a un jeu sur ça. Ouais, mais c'est ça. C'est presque le seul qui a une vraie évolution dans la série quoi, autant psychologique que sociale, et qui a une histoire du coup. Donc il est vraiment poussé. Mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'il balaye vraiment tout le spectre. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, Tournesol, dont on en parlait, Trifon Tournesol, qui lui apparaît dans le trésor de Rackham le Rouge, c'est du coup un professeur, un savant fou, une sorte d'inventeur, un peu le Doc Brown de Tintin, avec des problèmes de surdité. Sélective. On dirait qu'il est sourd quand ce qu'on lui dit, il l'emmerde. Hein. Il y a des trucs qu'il entend très bien. Ouais, ouais. C'est vrai qu'au début, on le découvre sourd quand il veut arriver dans Rackham le Rouge et il comprend pas quand on lui dit de pas venir et qu'on veut pas. Ouais. Donc, c'est vrai. Et du coup, niveau comique, niveau épaisseur, ce personnage-là, c'est surtout la surdité. C'est-à-dire qu'il joue, c'est le quoi, enfin, il comprend pas, il répète d'autres trucs, c'est le gag. Il suit jamais le plan, il part tout le temps, il se fout dans des situations impossibles, il faut tout le temps aller le sauver parce que c'est quand même un mec. C'est le genre c'est un de... peu le caillou magique de Tintin, c'est ça? En détresse. C'est un peu ce genre de truc. Mais effectivement, il y a ce côté-là où c'est tout le temps un mec qui marche dans les cartoons, tu vois, c'est le mec qui marcherait et il y a tout le temps le poids de 1000 tonnes qui tombe juste derrière lui. Ça, ouais. Tout le monde galère pour essayer de le sauver et en fait, c'est tout le monde qui prend la misère en essayant de le suivre. C'est un peu ce genre de truc-là. En plus, ça marche bien avec ce que tu dis parce qu'il se balle toujours avec son espèce de... Ouais, le pendule. Il a tout le temps un pendule. Là. Il est tout le temps en train de suivre des espèces d'intuitions, des trucs un peu... Il est censé être scientifique parce qu'il a, c'est lui qui fait les sous-marins, ce genre de trucs. Il fait plein d'inventions. Bah, c'est un peu objectif. Ouais, c'est ça. C'est que Sir Slump, c'est la figure du savant fou, mais pas le savant raté. C'est pas bien du tout sûr, un savant raté. C'est ça, ouais. Bah, c'est ça qui est... Drôle, il a des machines. Début, il est vraiment présenté comme un mec un peu paumé. Tu t'interroges sur sa valeur. Et là, objectif nul, tu prends quand même dans la gueule que. Justement, je trouve que sa personnalité est différente dans ces deux tomes-là, parce que tu sens qu'il maîtrise complètement. Bah, il dirige le truc. toute l'expédition, tout le. Ouais. D'ailleurs, il y a tout un passage où le capitaine Haddock le traite de zouave et il va le traîner par l'oreille dans toute la station en lui disant, moi, je suis un putain de zouave, mais regardez tout ce que je suis en train de faire et tout. Et ça dure archi longtemps en fait. Mais tu sens que. Justement, c'est pas un rigolo, mais ce qui est pas l'image. Et pourtant, il est présenté comme ça au début, parce que dans Rackham le Rouge, du coup, on voit son requin sous-marin chelou. Ouais, dont personne ne veut, qui s'avère bien utile. Et surtout, dans ce tome-là, on voit toutes ses inventions, c'est un peu un cabinet de curiosité, on voit tous les trucs qu'il entrepose, et qu'il y a des machines à brosser les vêtements, qui côtoient du coup le sous-marin, d'autres trucs bizarres. Donc au début, c'est vraiment savant fou, bizarre, du 19e presque, et à la fin, comme vous dites, dans Objectif Lune, où il est respecté, il dirige l'expédition, peut-être qu'il a une petite évolution en ce sens-là aussi, quoi. Ou à la fin, on se sert vraiment de son truc de savant, en l'exploitant vraiment, plutôt que de faire juste un savant chelou, c'est un savant. Ouais. Peut-être. Et voilà. Il a une bande dessinée qui lui est consacrée aussi, l'affaire Tournesol, qui est consacrée à Tournesol. Moi, j'ai vu ça il y a longtemps, je me rappelle plus trop de l'histoire de l'affaire Tournesol, mais en gros, il invente une machine qui permet, avec des ultrasons ou je sais pas quoi, de tuer les ennemis. J'essaie de cliquer sur le lien Wikipédia que j'ai imprimé, mais ça marche pas. L'hypertexte est pas top. Et donc, il a inventé ça, et il sait que c'est dangereux, il se fait capturer. Et ils vont le sauver. Et Hergé a travaillé sur ça, sur des expériences nazies, qui c'était une vraie volonté. Mais il a lui-même participé? Mais non, il a pas participé. Il a travaillé sur les documents. Hergé a un passé trouble. C'est vrai. Il a travaillé sur les documents. Mais on voit dans cet album, dans l'affaire Tournesol, on voit quand même que Tournesol, c'est un savant fou, mais c'est un savant aussi génial, et c'est un savant qui sait que ses inventions, elles peuvent être dangereuses. Donc il est perché, il est un peu du père, mais il sait quand même que la science peut être dangereuse et il va pas balancer ses trucs un peu n'importe comment quoi. Ouais. Mais après c'est un côté de, on y reviendra sûrement, mais dans Tintin il y a beaucoup de morale et beaucoup de bien sûr. Ouais. De messages. Mais voilà, ce personnage là, il est pas déconnecté de ça. Non, c'est pas Tintin et Haddock qui vont lui dire qu'est-ce que tu branles là, c'est n'importe quoi. Il y a très peu de personnages vraiment gratuits dans Tintin. Ouais. Les Dupont. Peut-être les Dupont, c'est vraiment. Les Dupont, c'est gratuit. Tournesol, ce qu'il nous dit du monde que créait Hergé dans Tintin, c'est peut-être le côté un peu fascinant que Hergé avait. Fasciné, en tout cas, qu'il avait pour les inventions de l'époque, sur mon avis, ça vient de là. Jules Verne là-dedans aussi, il y a clairement un truc là-dedans. Ouais. Dans les inventions et un peu la démesure et le spectre de tout ce qu'il invente, il y a un truc vraiment recherche tous azimuts qui rappelle clairement une espèce d'inventivité un peu folle du 19-20e. Ouais, c'est ça. Et du coup, ces trois personnages-là, ils incarnent vraiment, c'est trois manières de présenter le monde, en fait. On suit l'univers, enfin, on se balade dans l'univers avec Tintin, mais aussi avec Haddock et avec Tournesol, et c'est une sorte de pour le lecteur trois manières d'appréhender le monde qui sont complémentaires. C'est, je pense que c'est ça, c'est pour ça que c'est une sorte de trio génial et fondamental dans l'œuvre d'Hergé. Comme la fucking kermesse. Un peu comme la fucking kermesse. Non, non. Sauf que on cumule toutes les tares. on est tous des Haddock. Voilà. On est tous à la fois des Haddock et des Tournesol un peu du père. Mais du père et du père. et donc voilà, ça c'est une manière pour, je pense, à la fois pour un enfant ou pour un adulte d'entrer dans le monde de Tintin, de suivre les aventures avec des points de vue différents qui permettent de d'avoir une complémentarité en fait. Mais du coup là, on décrit donc ces personnages qui gravitent autour, mais on n'a pas vraiment décrit Tintin. Parce que c'est l'axe 3. Parce que c'est l'axe plus tard. Bien, c'est bien de nous faire chier pour le conducteur, de l'imprimer et de ne pas le regarder. Ah! Mais vous dites de la... on parle pas des autres personnages. De figurer. C'est vrai que commencer sans parler des personnages principaux, ça paraît. C'est bizarre, ça s'appelle du teasing. Non, tu veux parler de Tintin. C'est vrai qu'on parlera de leur valeur. Bah ouais, mais c'est pas ça. C'est pas de ça dont on parle. Tu veux parler de ta psychologie? Oui, voilà, c'est ça. Mais il en a pas. Voilà. Voilà. Voilà, merci à ça. Non, mais c'est le fait que Tintin soit connu. J'ai connu des Blanco. Avec plus de personnalité que Tintin. Il en a pas, voilà. Mais après, il y a quand même un truc, peut-être que je suis en train de prendre de l'avance, mais qui fait qu'il est quand même journaliste et qui représente une espèce d'objectivité à tout prix. Ouais, voilà, ouais. Et qui est que les premiers tomes sont aussi, c'est quoi, c'est Tintin, Soviet, Tintin, c'est les Soviets au Congo, en Amérique, c'est un voyageur, c'est un mec qui fait, il est limite reporter de guerre, donc il est là pour être neutre, limite. C'est, il lui arrive quelques, la vérité, surtout. Il lui arrive quelques, ouais, c'est tout le temps, mais il lui arrive, c'est vrai. Il lui arrive quelques aventures. J'ai l'air de dire quand t'as dit ça. Là, c'est peut-être un peu Bernard de lui à dire, Tintin. Non, mais c'est vrai que ce qu'il cherche à chaque fois, c'est la vérité. Avec une houppette à la con. C'est ce que cherche Tintin à chaque fois, c'est la vérité. Ouais. Il cherche, c'est toujours, est-ce que ce truc-là, c'est le vrai truc? C'est pour ça qu'il est chiant, en fait. On s'en fout de la vérité. Mais, ouais, mais c'est sûr, ça. Même quand ça ne concerne pas, il veut juste savoir. En moi, je crois que sur la fin, il est plus trop comme ça. Il y a une sorte de fin où les personnages changent véritablement. Si tu lis les bijoux de la Castafiore, je pense que c'est le dernier. Et même dans les bijoux de la Castafiore, au fond, résoudre le vol des bijoux, Tintin dit à un moment que c'est pas ce qu'il... Il s'en fout un peu, à la limite. Pas ce qu'il importe, ouais. Bah, ce qu'il compte, c'est putain, il a changé, il doit Tintin. Dire un truc du type... ce qui est important, c'est que les Romanichels, ils soient... comment dire, exempt de tout soupçon, et que après le vol des bijoux, ça pouvait partir autrement. On s'attendait pas à ça. Ça allait seulement partir. Mais là, vous êtes tous des Tintins au Congo. Vous avez pas lu la fin de l'œuvre. Mais même les Tintins chez les Picaros, qui l'a lu ici? Non, moi je crois que je confonds, parce que c'est pas celui-là, il fait très froid, non? Picaros, c'est ça la blague. Ouais. Okay. Tintin au Tibet, tu confonds. Ouais, c'est, y a plus trop la même ambiance, y a plus cette recherche véritablement. Les personnages sont un peu désabusés. Tintin à la fin, Tintin et Haddock dans l'avion à la fin, ils disent bon, on est content de rentrer chez nous. C'est le dernier épisode, si je dis pas de conneries. C'est le dernier. Après, il y a Tintin et l'Alphar qui a pas été terminé. Ouais, il est inachevé. Qui est sous forme de sketch. Ouais. de sketch. Vous savez quoi? Une fois que je suis au Congo, je vous raconte pas. Le Tintin comédie. J'étais avec Milou. Truc qui part mal. C'est déjà un échec. RG non plus, il en pouvait plus à la fin. RG en roue libre totale. On aurait pu s'appeler. Et autre personnage, il y a aussi quand même les Dupont et Dupont. Ouais, Dupont et Dupont. Alors là, pour le coup, on perd toute question d'épaisseur psychologique. Ouais, clairement. C'est juste un mystère, en fait, c'est Dupont. Mais ils ont même pas d'épaisseur physique, c'est dire ce qu'ils ouais. sont. Non, mais parce ouais. qu'ils se ressemblent et ils ont pas de lien de parenté. Est-ce que c'est Dupont avec un D, Dupont avec un T? Ils devraient pas se ressembler. Là, là, on est vraiment dans le gag, je pense, dans une espèce d'essence de la bande dessinée. Parce qu'il y a un truc dans Tintin qui est quand même très, on va dire, dans la construction des pages, il y a un truc vraiment artistique que n'aura pas forcément, qu'on trouvera pas forcément dans Astérix. Dupont à Dupont, on est vraiment dans le sketch et dans les petits strips comme on pourrait avoir, idée pour Mickey ou des trucs comme ça, tu vois. Même vraiment des faisait des blagues. Avec Quick et Flupk. Ouais, par exemple, ce genre de trucs, quoi. On est vraiment beaucoup plus dans la blague et une espèce de pied d'appel, on va dire, pour un public plus jeune. Je sais pas si c'est la motivation ou quoi, je pense pas, mais je pense qu'il y a un petit côté cours de récréation dans ces personnages-là. Bah, on sent le format journal de Tintin, en fait, où systématiquement, au bout de trois vignettes, t'avais soit un cliffhanger, c'est vrai qu'on a pas soit dit ça une avant. Chute. En fait, il fallait... C'est très mal préparé, on est tout dans le désordre. En fait, c'était surtout, je crois, sous l'occupation. Dans le soir, quand il publiait Hergé, oui. Il y avait une pénurie de papier. Du coup, il y avait que 4 cases. Il avait plus le droit qu'à 4 cases par semaine. Effectivement. Du coup, c'est là que le rythme a vachement changé en Tintin. Parce qu'avant, il était dans le petit 20e. Il avait plus de place. Et du coup, sous l'occupation, pénurie de papier, etc., plus que 4 cases par semaine, il a dû vraiment retravailler tout son rythme. Et c'est peut-être là qu'il a pu avoir On parle jamais de ça. Tu veux dire que les nazis auraient un peu participé à la création de Dupont et Dupont? Eh, c'est un vrai truc. Ils ont la même moustache. Ça se tient, putain. Et allez, on va réouvrir Nuremberg. On va réouvrir Nuremberg. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a gardé ce rythme-là. Tu te rends compte que finalement, Tintin dans la narration, c'est un truc qui est hyper fluide et mais qui est ultra rythmé. C'est-à-dire que toutes les demi-pages, toutes les pages, tu vas avoir soit quelqu'un qui se pète la gueule, soit un moment d'action, soit c'est vraiment. On se fait pas vraiment chier en fait en lisant Tintin. Ça s'enchaîne super bien. Ça sert à rien. Ouais. Et peut-être que du coup ça a été imprimé à partir de ce moment-là, quoi. C'est vrai que j'ai pas lu le Tintin et les Soviets. Après non, parce que c'est 1940, il y a déjà pas mal de Tintin déjà paru avant, Lotus Bleu, etc. C'est déjà sorti. Ouais. Guerre du Pharaon aussi. Donc Dupont, je sais pas si on peut vraiment les lier à ce format-là. Mais en tout cas, clairement, ils viennent apporter du slapstick, j'ai quoi. Qu'on parlait de ça, bon. Du gag en fait, du gag facile. Mais moi, je disais qu'on se fait pas chier dans Tintin, mais je veux juste quand même dire un truc, c'est que Tintin, c'est quand même le roi de la chance, quoi. C'est un mec qui est absolument tout le temps, tout arrive au bon moment. Il y a une espèce de Deus Ex Machina permanent dans Tintin, qui est assez fascinant. Elle lui tombe dessus, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des rebondissements tout le temps qui sont hyper improbables, alors que c'est un truc qui se veut relativement réaliste. C'est un petit côté fascinant comme ça. Et Hergé d'ailleurs joue dessus. Ah, j'ai pas noté la référence, je me rappelle plus dans quel BD c'est. Où Tintin doit absolument. C'est sur Wikipédia, je l'ai peut-être. On sait pas. Doit absolument arriver à l'aéroport. Et on Tintin voit la voiture. À Orly. On voit la voiture arriver de loin et avec un clou sur la route. Et il y a un des personnages qui dit oui, si il faudrait surtout pas qu'on crève un pneu parce qu'on n'arriverait pas à l'aéroport. Et on voit cette voiture qui passe à côté du clou. C'est les 7 boules de cristal aussi. Non, je crois pas. Non, parce que je l'ai relu il y a 2 jours pour préparer l'émission et je crois pas avoir vu ça. C'est un que j'ai lu, merde. Ouais, je sais plus. Ah, tu veux dire qu'il fait que ménager une espèce de suspense qui mais finalement là, ne sert à rien. Là, parce que là, du coup, on se dit bon, ils vont se prendre le clou. Et tu vois, ils jouent avec ce. Ah, c'est malin. Et ben ouais, ils se prennent pas. Et du coup, techniquement, ça sert à rien en fait ces deux trucs. Mais c'est génial et. Parce que ça rajoute des petites péripéties nulles. C'est ça. Mais ça permet presque de faire un gag sur 4 cases, tu vois. Genre, il faut absolument qu'on fasse ça. Mais ils vont le faire. Mais il se passe rien. Il se passe rien. Tout se passe bien. Mais tu vois, c'est peut-être aussi un jeu de la part de Hergé. C'est peut-être un jeu de la part de Hergé sur ces cliffhangers, enfin pas ces cliffhangers, mais c'est ce hasard permanent. Ouais. Et là, il y a le hasard. Bah, cette fois, il fait bien les trucs et il n'y a pas de problème. Et on le voit arriver de loin, quoi. Il y a une sorte de génie comme ça, quand même, chez Hergé de cette gestion du hasard. Bah du bon, coup ça là on rien à voir avec ce qu'on disait. Bah ouais non, on parlait du monde qui tissait, ça marche aussi l'idée des péripéties et de ce qui se passe dans l'univers simplement et comment c'est géré, ça marche aussi. Et clairement dans Tintin j'ai une question du coup, est-ce que il y a un enjeu ou pas dans Tintin? Est-ce qu'on ressent l'enjeu? C'est quoi que t'appelles un enjeu? Bah est-ce qu'on sent que Tintin il peut être en danger ou pas? Ah, il est souvent mis en danger. Ouais, mais est-ce qu'on va, ce que tu, comme vous dites, à la fin, il y a toujours un Deus Ex Machina, il y a toujours un truc, on sait que... Bah, pas toujours, parfois, à un moment, il se fait tirer dessus, par exemple. Mais, C'est-à-dire qu'il prend la balle, il prend le clou? Non, mais en fait, on sait pas. Parce que c'était Tintin au pays de l'or noir avec Müller. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Et, Gérard? Non, je sais pas. Oui. Exactement. Non, il se fait attaquer par un condor, on sait pas. Non, il est souvent quand même mis en danger, et c'est assez concrétisé, finalement, dans les actions, Mais on peut peut-être faire une transition avec ça vers Astérix, où il y a... C'est brutal. Pas d'enjeu. Jamais. Et je crois que même Goscinny l'a dit, nous on veut pas qu'il y ait d'enjeu, enfin on sait qu'ils s'en sortiront toujours, ils ont la potion magique, même à 2 contre 100, il y a pas de bail. Bah, du coup, après, l'épisode où ils l'ont pas. L'enjeu qui est vendu, on va dire, un peu de loin, et qui est un peu la motivation de cette bande dessinée, c'est est-ce que les Romains vont réussir à prendre toute la gueule, est-ce qu'ils vont défoncer le dernier village qui reste? Mais après, c'est vrai que tu te doutes assez vite, si t'as vu ne serait-ce qu'une ou deux BD, que non, ça l'arrivera pas. Ouais, mais je vais mettre une interview de Goscinny où il disait, nous, on veut pas qu'il y ait de doutes, on veut que, c'est pas ça le but de la BD, c'est pas qu'il y ait du suspense, quoi, ils s'en sortiront. Donc là, c'est assumé, clairement. Moi, je me demande si dans Tintin, ça l'était aussi, peut-être pas aussi clairement, mais en même temps, il y a toujours un côté où on se dit, on sait que... Mais mais tu vois, on sait parce que c'est une BD, parce que c'est Tintin. Mais on le sait, oui, c'est pas assumé. Il y a toujours du péril, en fait, dans Tintin, continuellement. C'est vrai que dans Astérix, il y a moins de périls. Il y a des événements qui vont en fait ralentir la victoire, la résolution du truc. Ouais, mais on sait qu'ils vont trouver une solution et c'est jamais des trucs qui sont très longs, qui sont insurmontables. Parce que dans Astérix, en fait, le truc c'est que la situation est souvent dès le début, il y a un problème qui est massif et ils vont petit à petit s'amener vers une espèce de résolution globale. Ouais, c'est complètement inversé. Dans Tintin, il y a vraiment une aventure qui fait que les mecs vont de Caribansilla et que ça va faire absolument n'importe quoi. C'est pas vraiment où ils vont en fait. C'est vrai. Donc le péril peut survenir de n'importe quoi. Tintin, même il y a au début, il y a pas forcément de danger qu'il faut résoudre. Il part. Par exemple, une des premières BD Tintin en Amérique, il part pour faire un reportage sur Chicago, mais là il se fait capturer, donc les aventures arrivent. Il sait pas Astérix et Obélix, vous allez partir parce qu'il faut faire un truc, ça va nous faire l'occasion de faire une BD, et puis il va vous arriver 2-3 conneries, mais globalement ça va bien se passer quoi. Mmh. C'est pas du tout le même schéma narratif. Ouais, c'est vrai. Et du coup dans la famille Astérix, je ne sais pas moi qu'est-ce qui dans qui le est village, on va pas dire tout dans le village mais ah non mais les principaux qu'est-ce que tu vois au début de chaque album t'as un résumé des personnages dedans il y a Astérix, Obélix, Sidéfix, Panoramix et voilà là, tu vois. Et ben est-ce que en tant que Astérix par rapport à Tintin est-ce qu'ils sont ça n'a rien à voir. Tintin, on en parlera après dans les valeurs, mais Tintin c'est Totor. Je parle juste dans les personnages, pas les valeurs. Mais Astérix, Astérix il a une personnalité. Il va venir personnifier une certaine image. Astérix déjà par rapport, je disais tout à l'heure que Tintin n'était pas colérique et que c'était Haddock qui était colérique. Tintin, Astérix, il est colérique. Il est carrément colérique. Et il est chiant même. Enfin, il arrête pas de. Il est nerveux. Ouais, ça, il est nerveux. Il est susceptible. Il est exactement. Français, tout simplement. Il est un peu passif-agressif. Voilà. Il a de l'humour. Il est dragueur de temps en temps. Il est vachement. Il est malin aussi. Il est très très malin. Il est malin. Ouais. Et tout petit. C'est à peine plus grand que le chien qui les accompagne. C'est vrai. Tintin non plus n'est pas grand d'ailleurs. Voilà. Mais on s'égare. Contrairement à Obélix qui lui est pas spécialement colérique, il est plus il peut être colérique Obélix hein. Oui, quand on le traite il de gros. Il est plus boudeur que colérique. Ouais, c'est vrai. Un peu un grand enfant Obélix. C'est vrai que c'est un gamin. C'est un gosse quoi. Il veut avoir ses copains, il veut avoir des copains. C'est un gamin hyper fort. C'est le gros dans la récré qui peut te défoncer la gueule si vraiment il est pas content et qui veut ton goûter, il le prend. C'est vrai. Obélix c'est vraiment l'expression gros plein de soupe. Voilà, c'est même dans la façon dont il est dessiné, c'est ça quoi. Ça fait c'est littéralement une gourde en fait. D'ailleurs au départ, sache que c'est le personnage préféré du Derzo d'ailleurs. Bah moi c'est mon préféré aussi Obélix. Au départ il devait pas exister le plus. Quand Goscinny et Uderzo ont fabriqué leur univers et leur personnage, déjà Goscinny voulait un Gaulois quand même assez fort qui avec un peu de charisme. Et puis Uderzo a dessiné le Astérix qu'on connaît, donc bon, c'était peut-être qui à la base avait une gueule beaucoup plus musclée, grand. Ouais, mais à la base Goscinny voulait vraiment un personnage très très charismatique. Ouais. Et Uderzo ça l'a un peu emmerdé. Et comme il avait dessiné un petit bonhomme, il avait envie de dessiner un gros. Il a dessiné un gros à côté et c'est comme ça qu'est né Obélix. C'était vraiment il est vraiment né d'une ambition esthétique plus que son scénaristique. Son inspiration c'était vraiment Laurel et Hardy aussi à ce moment-là. Et lui, il le cite d'ailleurs énormément. Le duo comique pour lui, il y avait un petit, il fallait un gros grand balourd qui allait avec son clown triste. Mais ça marche vraiment de manière visuelle et il apporte pas la complémentarité psychologique que peut apporter. Psychologie, il y a assez peu de psychologie dans Astérix de façon globale. Mais je veux dire, deux personnalités se complètent quand même pas mal. Oui, mais si Haddock est né, on a l'impression que c'est pour apporter de la profondeur psychologique dont avait peut-être besoin Hergé. Il avait besoin d'un Haddock pour apporter un contrepoint vraiment. Même ne serait-ce que des discussions un peu, on va dire, classiques de la vie quotidienne, tu vois. Je veux dire, sinon Tintin, il est tout seul, il n'y a pas de dialogue et c'est une BD qui est un peu chiante. Il y a Tintin et Milou qui parlent chacun de leur côté. Tintin et Milou, ils sont tous les deux un peu chiés, ils marchent, c'est tout. Là, il fallait qu'il y ait un peu de répondant. Alors que. Astérix et Obélix. Astérix et Obélix, bon, ils sont deux. C'est vraiment un duo comique. Et c'est un duo comique, c'est ça, ouais. Un peu comme Charlie et Dino, quoi. C'est ça. Mais en comique. Mais Laurel et Hardy c'est clairement inspiration. C'est clair. Et du coup on voit que les je pense que dans le comics c'est peut-être moins inspiré des gags comme dans Tintin avec les Dupont Dupont où ça tombe et où etc les ouais, c'est vrai qu'il y a assez peu ça il y a peu ça dans Astérix et Obélix. Mais après si c'est personnalisé par les romains se prennent tout le temps des baffes dans la gueule c'est ça. Et donc t'as quand même l'humour de assez immédiat de ça, voilà tu prends une tarte tu tombes tu voles si je suis désolé ça existe c'est juste pas au même niveau mais on y reviendra plus tard. Sans même parler de l'humour, j'en veux dire que autant Tintin se définit vachement par le réseau de potes qu'il a autour de lui, autant Astérix et Obélix se définissent vachement par leurs ennemis. leur ennemi, c'est Jules César. C'est des mecs, on sait qu'ils sont en lutte contre des mecs. Il y a les Romains, il y a Jules César, il va y avoir, je sais pas, Caius, je sais pas, il y a toujours des centurions à la con qui sont contre eux. Il y a vraiment, ils se définissent vraiment pas, j'ai envie de dire à l'inverse, quelque part. C'est vrai. C'est bien vu. Et c'est vachement flagrant dans le Tour de Gaulle où, du coup, ils sont autant plus connus que tous les Romains les cherchent et qui sont les ennemis publics numéro un et sont jamais aussi bien définis et clairement, mais ils ont clairement une place quand on les cherche, quoi. Donc, je veux dire, même si tu vas dans la construction de l'univers, tu vois, je veux dire, Astérix et Obélix, pour le coup, c'est des mecs qui appartiennent à un village qui résiste. Donc, par rapport à cet ennemi, dans Tintin, c'est juste un réseau de connaissances. Les mecs, il n'y a pas vraiment de lieux dans Tintin. T'as Moulinsard, tu vas avoir deux, trois lieux comme ça qui vont être un peu. Et puis Moulinsard qui arrive tard, en fait. Ça peut passer n'importe où. Dans Tintin, il y a vraiment, déjà, il y a une géographie de Tintin. On te fout en première page, il y a une carte. Tout simplement, tu sais, les mecs, ils sont Astérix, là. Astérix, tu veux dire. Non, Astérix, pardon. Ouais. Les mecs sont là, ils se connaissent tous, c'est le village, et ils sont irréductibles. Ils sont irréductibles avant d'être de Gaulois. Donc, écoute, ce que tu dis. Ils se réduisent jamais, d'ailleurs. Et ils s'accroissent jamais, non plus. Il n'y a pas de naissance. Astérix, il ne reste pas grand chose. Il y a le fils d'Astérix. Une paire de sandales. Des petites ailes sur le casque. En fait, tu parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle la famille Tintin. Mais c'est vrai que c'est plutôt des potes, en fait. C'est vraiment c'est une expression. Hein. Mais si on veut récupérer l'expression, ce serait plutôt la famille d'Astérix. Astérix, c'est un village, c'est vraiment une petite famille, une petite communauté. Et même à la limite, il s'apprécie pas de ouf. Les vieux garçons, lui aussi. Hein. Ouais. Mais je veux dire, dans le village, ils s'apprécient pas forcément de ouf tous, mais ils ont une sorte de truc que tu peux avoir. Et c'est ritualisé avec ta famille, presque en fait. Tu les aimes pas, mais c'est ta famille. Tu veux nous parler de quelque chose, Steven? Non, pas spécialement, non. Tu me diras, ça marche aussi avec certains de mes potes, mais qui sont autour de la table. Famille FK. Mais tu les aimes pas trop, mais ils sont là, tu vois. Et du coup, Panoramix, ça serait un peu le grand schtroumpf, le papa, dans tout ça. C'est le sage. Parce que du coup, contrairement à Tournesol, lui, il est pas fou, il est clairement en pleine possession de tous ses moyens. Panoramix, c'est lui qui guide, à quelques exceptions près. Ouais, il y a des moments où il perd la raison, mais tu vois, c'est les deux sont des sages ou des savants. Enfin, les deux sont des savants. Bah, pour le coup, Tournesol, c'est plutôt un savant et Panoramix, c'est un sage. Tu vois, si on veut faire la distinction, Panoramix, il sait des choses, mais en plus, il a la sagesse. Quand on sait pas quoi faire, on va voir Panoramix. Panoramix, il sait faire qu'un seul truc. Soyons honnêtes. Le mec, il a lu une fois une recette. Non, si, il fait d'autres trucs. Non, parfois, il fait des trucs. Il fait pousser des plantes. Il ramène, je crois, les êtres chers. Pardon. Il répare les PS2. Non, mais dans... Il sait faire un bon café. Je sais pas, dans le domaine des dieux, c'est lui qui fait repousser la forêt à chaque fois que les Romains la coupent, par exemple. Ouais, il a quelques compétences druidiques, on pourrait dire. C'est un druide. Mais en plus, il a cette sagesse, parce que même, le chef. On pourrait parler de Abracourcix. Voilà. Ouais, qui lui n'a pas de sagesse. Ah, lui, c'est une parodie de l'autorité, en fait, juste. Ouais, c'est un peu ça. Qui se fait écraser par sa femme. Ouais. C'est ça. Mais quand le chef a besoin d'un conseil, il va voir Panoramix. Et c'est Panoramix le chef, au fond, du village. Oui, clairement. Moi, j'aime bien ce personnage. Panoramix, vraiment. Ouais. Moi, je le trouve pas hyper intéressant en soi. Une ou deux blagues tous les 4 ans. Ah, mais je trouve qu'il a la classe. Il ricane un peu dans son coin. En fait, c'est vrai qu'il n'y a que lui qui. Ça fait rien que lui. Panoramix plus tard dans la vie. C'est son plan de carrière, si tu le remarques pas. C'est de savoir des trucs, de le dire quand ça t'arrange et de faire chier les gens, quoi. Voilà. Et d'avoir une serpe. J'en ai une. Voilà, du coup, les deux familles qu'on présente. Ah si, attends, on a oublié de présenter quelqu'un. Idéfix, on a présenté Milou. Ouais, pas Idéfix. C'est quoi ce racisme? Bah, Idéfix, il est vachement plus sympa que Milou. Non. Bah, c'est un con, Idéfix. Bah non, Idéfix, c'est une merde. Idéfix, c'est vraiment l'archétype du chien qui est, il est là, il est un peu con. Mais il est, alors il est présenté. Il y a pas d'autres chiens, mais sinon il passerait tous les tomes à leur sentir le cul, tu vois. Il ferait littéralement que ça. Faut que je m'entende tes arguments. Pourquoi Idéfix, c'est Milou? Au début de, Milou, on a dit qu'il était un peu raciste et qu'il aimait le whisky. Milou, il défend les arbres. Non, mais depuis quand t'es écolo, toi? Depuis quand c'est un argument qui spécialement écolo, c'est sympa. Ouais, tu l'as pas dans les selles, du coup. Plus écolo que raciste. Il y a la mousse qui pousse, le mec, il est écolo, quoi. Genre, c'est pas mal. Sérieux? Non, mais c'est présenté au début de chaque BD, il y a écrit Idéfix, c'est un chien écologiste qui, protège tous les arbres d'équipe. Oui, d'accord, il protège les arbres. Ça, c'est un argument. C'est un super personnage, tu devrais le proposer à Marvel. J'ai pas dit que c'était un personnage, j'ai dit qu'il était plus sympathique, du coup, par son unique trait, que par ceux qu'on a parlé. Je trouve pas que c'est sympathique un chien qui a envie de s'envoyer une rasade de whisky un peu de temps en temps. Ça te parle pas plus. Tu t'identifies pas. C'est fou, ça. Si, mais pas, je crois, c'est pour critiquer les poney derrière. Moi, ça va trop loin, cette histoire. C'est parce que Idéfix ne parle pas, ça se trouve, il est ultra raciste. Ah, c'est vrai. Ah. Peut-être. Mais surtout, enfin, Idéfix, il sort vraiment comme un personnage. Il est quasiment jamais là, sinon pour faire 2-3 blagues à la con. Et quand il y a une situation désespérée dont ils savent pas, enfin, dont tu sens que les scénaristes n'arrivent pas vraiment à se dépêtrer, bam, on sort Idéfix. Soudain, il est là et il sert à quelque chose. Sinon, les trois quarts des planches, il est juste là en arrière-plan. Idéfix, en fait, c'est une mascotte. Il zone un peu. Ouais, mais c'est clairement une mascotte. Idéfix. Ouais. C'est un tocard. C'est genre on le met sur la couverture parce que bah voilà, il faut un chien. Ou en fait, ce qui est mignon chez Idéfix, c'est l'amour que lui porte Obélix, quoi. Plus, c'est plus les interactions ouais, qu'Obélix a avec lui. C'est mignon ou pathétique, c'est comme, ça dépend oui, comment. Bah, ouais, non, mais c'est vrai. T'as raison, parce qu'il y a le côté petite créature un peu fragile avec cette espèce d'énorme brute à côté. Ouais, c'est ça, qui est prêt à tout défoncer et qui est en fait, qui n'est qu'amour pour ce petit chien. Et d'ailleurs, Milou, c'est un gros thug pour le coup. Tu vois, genre, il défonce du méchant, il tease, ouais, il est l'air, quoi. Tout seul contre les nazis, il y va, quoi. Ouais, il est chaud. C'est ça, c'est vrai. Bah, il va surtout avec les nazis. Pisser sur les pneus. Il est là. Saboter, quoi. Ouais, il défixe, il grogne, alors que Milou, il saute sur les voitures, il prend en chasse, il y va, quoi. Donc, clairement, oui, c'est vrai. Et contrairement à Milou, qui était là dès le début, il défixe, il arrive que plus tard. Il arrive que dans le Tour de Gaulle, je crois. Ah ouais? Pas dans le Tour de Gaulle. Mais. Il est pas là dans le, si, il est dans le Tour de Gaulle. Il est là déjà, mais justement, il est déjà là. Mais je crois qu'il arrive à ce moment-là. Non. Ah, je crois que si. Tour de Gaulle, tome 5, donc. Et je crois qu'il arrive à ce moment-là. Et d'ailleurs, il n'a pas de nom dans le Tour de Gaulle. Et Uderzo et Goscinny ont fait un concours dans Pilote. Je crois pas que ce soit Tour de Gaulle. Mais bref, ils ont fait un concours dans Pilote. Dans Pilote, qui était la revue dans laquelle était publié Astérix et Obélix, pour trouver un nom à ce chien. Ok. Ça et pas, ça. Plusieurs fois est revenu le nom d'Idéfix, donc ils ont pris Idéfix. Et... C'est bizarre comme, que les gens proposaient Idéfix comme nom. Pourquoi? Moi, je sais pas, c'est pas le premier truc qui vient en tête quand tu cherches des jeux de mots avec ouais, X. Ouais, bah, quoi. Toi, t'as cherché des jeux de mots pendant trois quarts d'heure avant de commencer cette émission et on a bien vu ce qui sortait. Ferme-la. Mais comment tu l'aurais appelé, toi, Stavro? Non, bah, on va pas recommencer trois quarts d'heure. On est sur le point de réécrire l'histoire, là. Un pan de la culture française incroyable. C'est vrai, j'ose pas, Tu sais, si t'avais eu l'âge de, enfin, si t'étais né, en fait, à ce moment-là, ça se trouve, c'est toi qui aurais nommé Idéfix. Eh. Ça aurait été stylé. Il se serait appelé Star du X ou un truc comme ça et c'est bon. Agence Tour Risque. Agence Tour X. On pourrait même pas faire le ça nom. Existe déjà, ça. Je crois qu'il l'utilise à un moment. C'est déjà nul. L'amour du Rix. Oh, j'ai plein de noms, j'ai plein d'idées, c'est super. Bah, il y a goût du Rix. Oui. Et du coup, les ennemis, parce que là, on a parlé un petit peu de César et tout. On n'a pas du tout parlé des ennemis dans Tintin. Ouais, bah, il y a Rastapopoulos, tout à l'heure, je le disais. Ouais, notamment, ouais. Qui est un trafiquant de drogue, notamment. Ouais, qu'on voyait, c'est qui fait un... de drogue, hein, dans et Tintin. D'ailleurs c'est les ennemis en fait qui font les liens entre les tomes un petit peu et entre l'univers du coup dans Tintin. Ouais. Parce que Rastapopoulos on le voit sur plusieurs dans les cigares du pharaon, il revient dans le Lotus bleu si je me trompe pas. C'est lui qui dirige le trafic d'opium dans le Lotus bleu. Du coup c'est il les ennemis qui font les liens entre les différentes aventures en fait. C'est vrai que comme Mobile disait tout à l'heure, comme le cadre en fait géographique change systématiquement parce que ça fait partie des intérêts de Tintin, c'est que ça te fait voyager à chaque fois, mais c'est vrai que le seul lien qu'il y a entre les épisodes c'est les personnages récurrents, bah, et d'ailleurs amis comme ennemis. Ouais, ouais, clairement. T'as Chang en ami, t'as la Castafiore, etc. Un des ennemis qui m'a le plus marqué quand j'étais plus jeune, c'était la momie Raspar Capac. Bien sûr, elle est trop magnifique. Raspar Capac. Moi, c'est un de mes tomes préférés, les deux qui suivent, là. Les 7 boules de cristal, il est vraiment magnifique. Et les Raspar Capac. Ouais, juste le dessin, il est simple, mais je m'en souviens encore, quoi, même sans avoir. Je crois que ça a marqué des générations de gamins. C'est trois cases où il y a Raspar Capac, en fait. Parce que c'est trois cases, je crois, un peu plus. Bah, il y a le moment. 3, 4, ce qui est surtout marquant, c'est le moment où la momie s'allume, en fait. Quand moi, il rentre par la fenêtre. La fenêtre, tu vois juste le petit, Tintin, la petite tête dépassée là. Genre, Soon. Et tu vois, pas expliqué ça. Non, c'est pas ça. Tintin. Putain. C'est dingue. Mais il y a quelques fois comme ça dans Tintin où t'as du fantastique qui n'est pas expliqué à la fin et c'est vraiment mystérieux alors que dans l'univers d'Astérix, c'est complètement accepté que t'as. Mais il y a énormément de mystères dans Tintin en fait. Je pense que c'est ça qui distingue. Tintin aussi de Astérix. Bah, dans Astérix, c'est un mystère en soi, mais on s'en fout. Bah, la potion magique, oui, c'est juste du fantastique. Juste en fait, c'est jamais même pas évoqué. Enfin, on a juste même pas envie de réfléchir au mystère dans Astérix. C'est ouais, okay, c'est là ça. Et voilà. Non, mais là, on a dans Tintin, on a des mystères où on se dit, au fond, il doit y avoir une explication. Genre, si Hergé pouvait nous expliquer, on saurait plein de trucs. On sait très bien que la potion magique, même quand bien même on aurait la liste de la potion magique, on s'en fout complètement parce qu'on sait que ça marcherait pas. Mais dans Tintin, il y a même, par exemple, on parlait de Dupont et Dupont. Moi, à 4h du matin, j'ai trouvé la liste de la potion magique sans faire exprès en mélangeant des verres. Et ça marche. T'as confondu avec le Gloobie Goulga de Casimir. Non, mais tu vois, on parlait de Dupont et Dupont. Je pense que pour tout le monde, à un moment donné où on s'est demandé quand même, c'est quoi cette histoire de ces jumeaux qui portent pas le même nom de famille, tu vois. Là, il y a une sorte de mystère profond dans l'œuvre de Hergé, qui fait que on sait pas si c'est des jumeaux, on sait pas si juste ils savent pas épeler leur prénom. Enfin, ils auraient dû faire un album Dupont et Dupont, je pense. Ça aurait été cool. Super chiant, ça aurait été que des mecs qui tombent dans des trous et qui se prennent des portes. Je pense, en fait, en compilant tous les Tintins où il y a Dupont et Dupont, tu peux faire un album. Je pense que j'ai lu ça trop jeune et je comprenais pas, en fait, quand j'étais gosse, ouais, que c'était deux personnages vraiment différents. Que c'était juste, enfin, que c'était deux mecs qui avaient aucun lien de famille. Pour moi, c'était évident, ils sont dessinés pareil, ouais, tu vois. C'était forcément... juste leur moustache qui change. Il y a forcément une différence. Ouais, je crois qu'il y a la moustache un peu droite et l'autre qui est... Ouais, mais tu vois, ça fait partie vraiment des mystères. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie littérature sur Tintin. Des sociologues, des philosophes qui ont écrit vraiment sur Tintin, comme Michel Serres, Apostolides, des grands noms comme ça. Ce name dropping. Non, mais ouais, mais la portée des deux BD est pas du tout la même. Tintin, t'es vraiment dans la... Enfin, je veux dire, Astérix, t'es vraiment dans la comédie. Tintin, il y a un truc beaucoup plus grand. Je pense qu'il y a une volonté effectivement de témoigner de voyages, de ce genre de trucs qui était un peu inconscient, mais de voyages qu'il n'a jamais fait. Qui était conscient. Qu'il n'a jamais fait, mais qui était reporté. Le mec rapporte des on-dit. Tu vois, c'est aussi pour ça, je pense qu'il dessine. Il y a une espèce de pas une frustration de pas avoir pu rendre un témoignage véridique, mais je pense qu'il y a vraiment un truc là-dedans, mais peut-être qu'on va déjà trop loin dans l'interprétation. Non, mais en fait, t'es pas dans l'interprétation, en fait, t'es dans le vrai, parce que lui, quand il parle de ça, il dit Tintin, il a mené la vie que moi j'aurais voulu mener, en fait. Il le dit clairement dans ces mots-là, c'est-à-dire que c'est vraiment un substitut qui lui permet de voyager dans le monde à la fin, voilà, par substitution, en fait. Moi, Obélix, cool. Il mène la vie que j'aurais voulu mener. Hein. Il mène la vie que tu mènes, arrête. Tous les jours, rien foutre, tapoter un chien, hop, à la cool. Sauf que toi, tu ne vas pas chasser ta nourriture. C'est Deliveroo qui m'apporte les sangliers. C'est beau. Eh, franchement, il y a une chaîne à monter, je sais pas, sanglier ou un truc comme ça, tu vois. C'est dommage. C'est dommage d'avoir pris la parole pour ça, je trouve. Ouais, je meuble. Parce que vous dites pas des trucs intéressants. Est-ce qu'on a fait le tour de ce premier axe pour présenter un peu l'univers grossièrement avec Il y a des personnages secondaires qu'on n'a pas évoqués, mais bon, sinon c'est chiant. Tu vois, des trucs comme Assurance Touriste. Ouais, voilà. Le Bard. Là, on rentre dans les ressorts comiques qui est, je crois, le point 2-1. Il a fini de faire de le malin, lui. C'est le... Je suis désolé, mec. Moi, je suis le conducteur. Des clés, c'est trop tu bon. Y as donné enlevez lui, ce conducteur. Il a raison. Merci, Oupi, parce que sinon, c'est moi qui le fais. T'as, au pire, on l'appelle le conducteur maintenant. C'est trop beau. Et bien, du comme coup... Comme Émile, oui. Il est venu sauver le truc. Moi, je pense que ça menait la fin de l'action. Ok, je vais. Bonne soirée. Merci. Et bien, du coup, on va se diriger en parlant d'humour. Ça tombe bien, j'en ai un peu en réserve. Je vous l'offre avec ce petit quiz. Oui. Monsieur. Ouais, quoi? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Top, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions. Je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Je sais pas qui fait les jingles, mais ils sont vraiment bien. Vas-y. Franchement, c'est du travail d'orfèvre. Ils sont très frais, tes jingles, pour le coup. C'est vrai, c'est rafraîchissant. Du coup, on se retrouve pour le quiz. Alors, un quiz sans équipe, chacun pour sa pomme, ou pise à sa Steven. Un quiz plutôt sympathique, en trois parties, 17 questions, nous en simple, efficace. On va s'en servir avec un petit vrai ou faux au début. Donc, c'est question de rapidité, là. Le premier qui dit vrai ou faux, il a gagné. Il a un pas c'est un rapport avec Tintin. Ouais, Astérix. Cool. Un rapport plus ou un moins. Un rapport, voilà. Ouais, un rapport. Tous les rapports de Stavro qui sont plus ou moins. Tous les rapports sont louches. Donc là, le premier qui dit vrai ou faux, il a le point parce que ça va aller vite. Vrai ou faux? Ouais, j'osais pas la faire. Si Steven. Écoutez les consignes. Il est pas mal. Si Steven choisissait son nom de plume comme RG, ça ferait PS et ça en dirait long sur sa vision politique. Vrai ou faux? Faux. Bah, c'était vrai. Donc tu perds un point. Wow. C'était une vraie question du quiz, ça? Ouais. Bah merde. J'étais tellement pas prêt. C'était pas drôle. Ok, allez, on continue. Tintin est au Congo, en Amérique, au Tibet, et ce flemmard de Lionel bouge pas de l'île de Ré. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, tu as un point, bravo. C'est le début qui est... Ah, ça vous fait quoi? Je comprends pas ce qu'il dit. Je pensais que ça serait drôle, en fait. Que raconte cet homme? Non, mais on est d'accord. On sait pas, tu l'as lu au départ, ce que c'est t'as écrit? C'est gênant pour tout le monde. Non, mais à chaque fois, vous faites ça, parce que moi, je fais des trucs bien, et vous rigolez pas, du coup, on a l'impression que c'est nul, alors que c'est drôle. C'est de votre faute. T'es sûr que c'est de notre faute? Non, mais ce sera sans doute drôle à la seconde lecture. Tintin chez les Soviets. Tintin doit faire un concours de boisson contre Gérard Depardieu. Vrai ou faux? Faux. Faux. Bravo, c'est faux. Quelqu'un note les points? Non. Non. Ça n'a pas d'intérêt. Vrai ou faux? C'est pas un peu dégueulasse qu'on aime trop la potion magique dans Astérix alors que Richard Véran qu'on l'a vraiment fait chier avec ça. C'est vrai, bravo Data. C'est surtout scandaleux. Ce quiz est génial. Alors attention, il paraît que c'est la dernière question du vrai ou faux. Après ça va changer, ça sera peut-être un peu mieux pour vous. Ouais. Il paraît que... Allez, tiens, un point bonus pour Data. Il paraît que le tour de Gaulle dans Astérix et Obélix, ils l'ont fait 80 jours parce que c'est la Gaulle de Rocco Siffredi. Vrai ou faux? Vrai. Bravo. Mais c'est faux. J'ai 3 points. Mais c'est nul surtout. J'ai 3 points. Maintenant on passe à lequel de ces noms romains dans Astérix est faux. Il n'existe pas. Vas-y. Je vous donne 4 noms. Le préfet Alava comme je te pousse, l'amiral c'est un consensus, légionnaire Caius Infarctus ou le centurion Roulette Russe. Roulette Russe. Alava comme je te pousse. Alors bah, tu dis quoi? Alava comme je te pousse, Roulette Russe. Roulette Russe. Eh bien c'est Roulette Russe qui n'existe pas effectivement, bravo. Peut-être parce que ça termine pas en ousse. Bah rouler, c'est un US. Roulette Russe. Bah oui, comme tout le monde. Roulette Russe, oui, comme tout le monde, oui. Bah la va comme je te pousse, c'est PUS. C'est pas faux. Ouais, arrête de faire c'est le pas faux, c'est pas faux. Bah c'est Goscinny qui a merdé. Oh putain, on rigole bien. Lequel de ces noms de Romains d'Astérix est vrai? C'est l'inverse de la question d'avant, vous avez oh, remarqué. Oh, c'est bien fait. Et le Genère plutôt que Prévus, Caius Dragibus, Centurion non pas dans le prépuce, ou Décurion, tu te souviens toi de l'esprit Canal Plus? Lequel est vrai? Dragibus. Toi c'est Dragibus, donc c'est Dragibus, non pas dans le prépuce, plutôt que Prévus, ou tu te souviens de l'esprit Canal Plus? Plutôt que Prévus. Tu dis ouais. Plutôt que Prévus? Plutôt que Prévus. Ouais, c'est plutôt que Prévus. Allez, Zaza. Tu perds un point. J'aimais bien l'esprit Canal Plus. Point. Je sais pas. Bah, merci. Une blague qui a fait rire quelqu'un, on la note. J'ai pas dit que ça m'avait un fait rire. Un point hein. Pour moi. Lequel de ces noms gaulois dans Astérix est fou? Il s'est fait chier quand même. Hein. Plainte contre X, 22 Vladéflix, Salamix ou qu'est-ce qu'on rix? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on rix? 22 Vladéflix. Ils sont tous nuls. Salamix. Lequel est faux? Plainte 22 Vladéflix. 22 Vladéflix. Salamix. Salamix. Salamix. C'est 22 Vladéflix, bravo. Allez là. Et oui, Salamix existe. T'as combien de points, Oupi? On faisait pas, on les comprend. Ouais, peut-être un. Fait le malin. Et maintenant, le cas des noms gaulois est vrai. Ah, c'est super. Putain, c'est inspiré comme quiz. Footix. Abonnement Netflix. Déboîtement du Menix. Joachim Phoenix. Menix. Déboîtement du Phoenix. Déboîtement du Menix. Ah, ça va. Et oui, c'est déboîtement du Menix. C'était pas très dur. Bravo. Déboîtement de Phoenix. Une vieille fanfiction dégueulasse. Ça a l'air porno en plus. Ouais, Déboîte-moi le Phoenix. Ça a l'air affreux. Avec grip sec. C'était quoi? Ça refoule du chaudron, non? C'était quoi? J'ai le chaudron qui se feinte. Mais ça a failli être. On aurait pu s'appeler. Ouais, parce que là, on fait des blagues pré-émission. Ça devient compliqué. C'est ça. Laquelle de ces insultes du capitaine Haddock est fausse? Oula. Bulldozer à réaction, gyroscope, trompettiste, végétarien. Bulldozer à réaction. Végétarien? Non, végétarien, ça y est. Ouais, je pense. Et trompettiste, limite, hein. Bulldozer, moi, j'aime pas bulldozer, mais c'est le seul en deux temps. Alors, vous dites quoi? Toi, tu dis végétarien? Le bulldozer. Non, végétarien. Bulldozer, et toi? Allez, vite, ça va vite, ça va trop vite. Ah, le bulldozer! Eh bien, c'était le trompettiste. Ah merde. Vous avez tous faux. C'est beau comme insulte végétarien, La colle, c'est insulte du capitaine Haddock qui est vrai. Allez. Huissier du Crous. Hydrocarbure. Au mon cul ou sale fils de pute. Hydrocarbure. Au mon cul, au mon cul. Ouais, au mon cul, ouais. Sûr. Hydrocarbure, bravo. Au mon cul, je suis sûr qu'il le dit. Eh ben, je l'ai pas trouvé sur Wikipédia. Donc voilà. Et on termine la dernière partie du quiz avec la réponse qu'on tient à peu près Haddock ou Milou. Ah, putain, faut que je me concentre là. Ah ouais, à peu près Haddock ou Milou. Ouais. C'est orienté très... C'est la meilleure partie du quiz, ça. Une actrice qui jouait dans des mauvais films en plus d'être mariée à un réalisateur de mauvais films. Oh la vache. Ouais, tout d'un coup, là, le rythme qui s'effondre totalement. Une actrice. Le réalisateur de mon film, c'est Luc Besson. Ah, je sais pas c'est plus ou moins. Ah, c'est Mila Jovovich. Ouais, Milou. Milou Jovovich. Milou Jovovich, évidemment. Bravo, attends, un point pour Oupi. C'est plus ou moins Tintin ou Milou, c'est ça? Plus Milou ou moins... Haddock. Non. Milou Haddock, pardon. Ouais, ok. Cet homme n'a rien compris. Il était complètement à côté. Un point pour Oupi avec Milou Jovovich. Un site de rencontre Adoc un mec. Oui, Adoc un mec. Bravo. Il est là. Les capitales les plus chaudes chez toi. Une région de France où ça sent le roussi. Languedoc-Roussillon. Oui, bravo. Le Languedoc-Roussillon. Ah, il se ruine. C'est la remontada. Et oui, c'est le quatrième verre. Il reste trois questions. On en fera un dernier. À la fin, on fera un super bon coup comme ça. Il y aura pas de points. Je suis en train de gagner, donc ça tombe bien parce qu'on les a pas comptés. Comment on appelle un chien qui à chaque pleine lune chante mal d'une voix grave? Milou. Mal d'une voix grave. Ouais. Un chien qui à chaque pleine lune chante mal d'une voix grave. Un milou-garou. Un milou-garou. Ah, bravo, évidemment. Ah ouais, il est bon. Hein. Ah ouais. Il y a plus match là. Comment appelle-t-on un chien qui est super fort en spéculation boursière? Oh là, je l'ai pas du tout là. Un chien qui est super fort en spéculation. Qui est super fort en spéculation boursière dans On cherche un mec, on cherche. C'est Milou ou Adoc hein, Adoc option. Ah, c'est pas mal, Adoc. Vous donnez notre langue au chien. Attends, c'est viré. Il est viré comme un chien. Notre invité de vire de ton émission. C'était bien sûr Milou de Wall Street. Oh, c'était nul. C'est le super banco ça? Non, c'est maintenant. T'as hyper décevant. C'est maintenant. Super banco. Ce que fait le capitaine avec sa femme et ce que font les autres sur Street Fighter. Il l'adoque. Un Adoken. Oui. Oh, il a gagné. Allez là. Adoken, bravo. Oh, ça valait le coup de gagner là-dessus. Oui, c'est la victoire de Whoopi sans conteste. Ah bah oui, oui, il a été le meilleur pendant tout le quiz. Il mérite vraiment ce. c'était une victoire. Bah je pense que ça te fait plaisir de gagner un quiz. Comme évidemment, ça, comme bien celui-ci. Sûr, je suis ravi. Eh ben merci Stavro. Alors est-ce que je vais être encore privé de quiz? Non, il y a un bel effort. Vous êtes remercié vraiment. Et ça tombe bien que j'ai fait un petit quiz sur les noms romains et noms gaulois, parce qu'on va passer à l'humour dans Tintin et Astérix et on va pouvoir en reparler du coup. Avec lui quand nous partons au milieu de ces aventures, on trouve les deux Dupont toujours cachés dans la nature. Alors, avec cette magnifique chanson, on va pouvoir passer à une deuxième façon d'analyser et de confronter Astérix et Tintin par, entre autres, l'humour. Entre autres. Est-ce que Charles Goya déjà chante un truc qui n'est pas malaisant? Je sais pas, mais oui, j'invite tout le monde à aller voir le clip de cette chanson de Chantal Goya. Super qui s'appelle « Comme Tintin ». C'est très gênant parce qu'ils ont fait un Tintin. Il y a un elle mec qui a un masque. En Tintin non, bah, elle est habillée comme Tintin et il y a un danseur à côté qui a un masque de Tintin. Et c'est très moche et c'est très bizarre et ils ont une chorégraphie qui est à Chantal Goya quoi. Donc ouais. Allez voir ça, c'est très beau. Ouais, et puis le masque de Tintin est super malaisant. Ah oui, non, c'est gênant. C'est très gênant. Mm-hmm. C'est la suite du masque de fer, c'est le masque de Tintin. Excellent. Voilà. Du alors c'est terminé, je croyais. Donc on parle de quoi là, Stavro? De l'humour dans Tintin et Astérix. On a déjà l'humour dans la fucking Carmen. Et le style. L'humour et le style, bien sûr. Est-ce qu'il les différencie véritablement? Oui. On a déjà parlé un petit peu de l'humour dans Tintin avec le côté vachement Buster Keaton, des gags à répétition. Charlie Chaplin. Ça tombe, il y a des petites étoiles quand ça tombe, etc. C'est vachement bas du front. Bah, c'est l'humour. Le début du cinéma noir et blanc et Hergé dit que c'est vraiment quelque chose qui l'a inspiré à fond justement d'être allé voir ces films de Charlie Chaplin et de Buster Keaton jeunes et du coup on est vraiment dans donc la représentation de cette de l'humour mais en fait ce qui habille la violence enfin c'est comme ça aussi qu'il le présente c'est-à-dire que tu mets des étoiles tu mets aussi graphiquement en fait il y a une représentation de cette violence avec des traits qui partent dans tous les sens voilà des grosses étoiles jaunes et rouges quand les personnages se prennent un truc dans la gueule et donc t'as une façon drôle de présenter en fait la violence ces personnages qui s'en prennent plein la gueule en fait ouais, principalement ouais. Trifon et Tournesol et Adoc en fait et Dupont en fait. Parce que dans les deux BD, quand même, ça tape grave, ça va à la cogne tout le temps, quoi. Ouais. Les mecs se foutent sur la gueule. C'est pas les mêmes inspirations. C'est ça. Mais après, Astérix, il y a vraiment un côté qui est, qui est la guerre. Tintin, c'est vraiment, c'est de la bagarre de rue, tu vois. Donc les mecs, c'est même pas de la bagarre de rue, c'est de la bagarre de bistrot. Ouais, c'est la bagarre inconnue là. C'est la bagarre du flush de tout à l'heure. C'est la bagarre ton plateau. Bah non, viens le dire dehors, c'est les couilles. Tu sais, on aurait pu avoir il est pas à faire mon poisson, ça aurait été la même chose. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est l'humour du flunch. On a trouvé. Mais dans du coup, tu sais que dans Tintin, ça habillait la violence, l'humour. Dans Astérix, du coup, ça l'habille pas vraiment, c'est juste ça en fait. C'est la violence qui est drôle en fait. Qui habille l'humour presque. Ouais, c'est un truc parmi d'autres qui vient faire drôle. C'est drôle, mais c'est pas que drôle. Ça il y a un ressort comique, mais la façon dont c'est représenté aussi, c'est un petit peu badass. Avec la potion magique, en fait, les héros ont une force surhumaine, donc du coup t'as un côté exploit dans la façon dont c'est représenté, où tu sens l'influence comics qu'avait Uderzo et que n'avait pas Ouais, mais je trouve que cette violence d'exploit, elle est tout de suite habillée d'humour. C'est-à-dire que les casques, les sandales. T'as les sandales qui restent au sol, les mecs qui ont les. Mais même juste les mecs qui font le tour, quasiment le tour de la Terre après une patate d'Obélix. C'est tellement de l'exploit que ça en est drôle, vivants, qui ont encore le temps de se prendre le crâne et de se dire putain, qu'est-ce que j'ai pris. Ouais. C'est vraiment assez étonnant. Mais je sais pas si dans Astérix c'est la forme d'humour principal, dans Tintin peut-être, du coup l'humour de Buster Keaton comme tu disais. Dans Astérix, l'humour principal c'est l'humour des mots, enfin l'humour des noms, comme tu disais, du coup tous les noms que j'ai cités dans le quiz, c'est là que l'humour est le plus important, je pense. Genre rien que dans les noms simplement, c'est assez fou que la toponymie, statue pour les lieux ça. Mais il y a la toponymie, c'est que le camp de Baba O'Rom, le camp d'Aquarium. Il y a la toponymie et il y a, comment ça s'appelle, je sais plus. Ouais, les noms des gens. Je pense que ça traduit aussi des philosophies différentes dans la conception de l'œuvre. C'est ça. Ou vraiment sur Tintin, t'as une volonté d'universalisme qui est beaucoup plus forte que dans Astérix. C'est-à-dire que dans Tintin, tous les éléments de la BD sont pensés pour pouvoir faire plaisir à la fois aux petits et aux grands. Alors qu'Astérix, je trouve que quand tu les lis quand t'es petit et quand tu les relis plus vieux, t'as vraiment des niveaux de lecture qui sont différents. Et l'humour de cette façon-là sur Astérix est pas exclusivement, repose pas comme dans Tintin, exclusivement sur le fait qu'on se prenne des patates dans la gueule. Tintin, il y a des niveaux dans l'œuvre de Tintin, enfin dans l'œuvre d'Hergé, il y a des niveaux de lecture différents, mais c'est pas sur l'humour. Pas sur l'humour. L'humour, il est immédiat, instantané, il est universel. Ouais, alors que Astérix, c'est des niveaux dans l'humour. Du coup, les enfants vont rigoler pour les Romains, et nous, on va rigoler pour les noms, les jeux de mots. Références, voilà. Ouais. Tintin, c'est vraiment juste un humour, on va dire Tex Avery, un peu dans le côté vraiment immédiat, quoi. Ouais. Représentation de ce qui se passe. Et tu disais, il y a des niveaux dans l'humour, et je pense que même chez les lecteurs adultes, il y a des niveaux aussi en fonction de la culture. Il y a vraiment beaucoup de références culturelles dans Astérix et tu comprends des blagues que si t'as certaines références culturelles que sinon c'est pas drôle. Tu te flattes, tu te sens malin quand tu rigoles à un Astérix, c'est non, ça. Non, pas nécessairement, mais il y a des blagues qui peuvent passer. Je suis vraiment trop fort. Il y a des blagues qui peuvent passer à la trappe pour certains lecteurs, je pense. Ouais. Non mais ça transcende aussi des générations, parce que parfois tu sens dans un nom, on va dire que tu sens qu'il y a un jeu de mots sans forcément arriver à mettre le doigt dessus, alors que dans tous les cas ça peut faire référence à un mec un peu connu. Il y a parfois des, je sais pas, j'ai plus d'exemples de caricatures, je sais qu'il y a plein de caricatures de mecs effectivement qui ont des tronches d'acteurs vachement connus que t'es content de retrouver, mais c'est drôle même si tu reconnais pas la gueule du mec. Je pense que par exemple les caricatures de grands acteurs comme Lino Ventura, pour les gamins aujourd'hui qui lisent Astérix, c'est un personnage comme un autre. Ils connaissent plus rien, les gamins, de toute façon. Ils connaissent plus Connard, Lino Ventura. Ils connaissent que Ace Ventura aussi, c'est bâtard. Sean Connery, c'est même pareil. Même plus, c'est déjà trop vieux. C'est vrai, déjà vieux. J'ai trahi mon âge. Mais il y a aussi pour Cutrussell, Sean Connery, c'est vrai, c'est des références qui parlent parler, qui peuvent parler à certains. Et sur les blagues, notamment il y a quelques blagues quand même, parce que ça se passe dans un univers latin et tout, il y a quelques blagues sur du latin, sur des références culturelles. Il y a des locutions latines que moi je comprends pas, parce que latin j'étais pas spécialement bon, hein, et du coup je dis ça doit être marrant mais je comprends pas. Donc faut parler latin pour rigoler. C'est aussi ça qui fait d'Astérix, on va dire, une œuvre un peu transgénérationnelle. Ouais. C'est que tu peux rire à tous les âges pour des raisons différentes en fait. Ouais, voilà, le truc est très dense, il est hyper ancré dans son temps, mais il y a quand même, enfin, tu vois, tu parlais avant un peu c'était dans ton quiz, c'était faux, mais le 22 v'là les flics, tu vois, c'est un truc, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Ouais. Ça fait plus appel à rien. À une époque, effectivement, c'est une blague des années 70. une blague de vieux. C'était facile à spotter. Parce que la fucking kermesse, c'est comme, Astérix, il en faut pour tous les âges, pour tout le monde. Ouais. Il faut des blagues sur 22 v'là les flics. Dans les EHPAD de France. Pour tous les régimes de censure aussi. Pour quand on sera diffusé dans les flunchs de Beaubourg. Et mais ouais, c'est t'as raison. Il y a aussi dans les, on parlait de les caricatures des acteurs, il y a aussi les caricatures des nationalités dans Astérix. Par exemple, il y a des blagues chez les Bretons avec le n'est-il pas ou les mots qui sont déplacés et tout, que tu comprends si tu vois que l'anglais c'est différent du français. Quand t'es gamin, ouais, tu n'en sais rien, quoi. Donc même ça, c'est vraiment un humour de mots vachement verbeux, Astérix. Et moi, c'est ce qui me plaît et qui me fait. Ils voyagent pas loin dans Astérix, les mecs. Ils vont juste vraiment chercher dans le... Il y a une espèce de d'humour, de voisinage, de ton voisin, tu peux t'en moquer, effectivement, comme tu dis, de l'anglais, le belge, le suisse, on va se moquer des Suisses qui sont un peu lents, qui parlent un peu comme ça. Et je trouve que dans Astérix, l'humour joue beaucoup sur un décalage, en fait. Parce que ça se passe à l'Antiquité, et on retrouve des trucs du l'anachronisme, c'est un gros, c'est quasiment le cœur de l'humour d'Astérix, c'est l'anachronisme. Voilà, c'est ça. Et chose qui est impensable dans Tintin. Ouais. Tout autant que justement le rire par rapport au cliché, c'est un autre ressort vraiment principal de d'Astérix. Mais tu vois le décalage l'anachronisme, il est impensable dans Tintin parce que Tintin se veut réaliste, il y a un réalisme plausible, vraiment, il raconte quelque chose de son temps, de son époque. Alors que ce qui est drôle dans Astérix, c'est que des trucs sont impossibles, enfin c'est vraiment des blagues, quoi. Encore une fois, je pense que Astérix, tout simplement, c'est de la comédie, vraiment. On est là pour rigoler. Il y a un prétexte qui est, il y a toujours une histoire qui est prétexte à l'aventure et aux blagues, et on va dire à la confrontation un peu culturelle. Dans Tintin, c'est vraiment circonstanciel. C'est au milieu de l'aventure, on va essayer de capter un peu l'attention du lecteur en foutant faire pleurer la violence. Tu les relis maintenant, les Tintins. Un petit machin. Voilà, quand tu les relis, les Tintins, tu vois, Capitaine Haddock qui se prend une porte, et là. Putain, excellent! J'ai tellement vécu ça. Non, tu t'en branles, franchement. C'est le seul... J'ai lu. Allez, ça y est. J'ai ri hier devant Lotus Bleu quand Dupont Dupont se déguise en chinois et que tout le monde la regarde. Ça, c'est drôle. Parce ça, que t'es raciste. ça fait pas rire. Le racisme, la cool. Le racisme. Non, justement, ça fait rire. C'est, on se moque des Occidentaux qui veulent se faire passer pour des mecs de ouais, là. Ouais, je pense c'est l'humour social Justice Warrior. Super. Et ben, super. Je pense qu'il y a un subtil mélange des deux, en plus. Tu peux rire selon les deux points de vue. Ouais, c'est vrai. C'est toute la force de l'humour d'Hergé. Un peu les deux dans RG en fait, c'est ça. C'est ça. Mais c'est-à-dire que c'est un mec qui veut essayer de faire rire avec la représentation de l'extérieur, mais qui en même temps a jamais bougé de son putain de pays. Donc quelque part, il est lui-même les deux points de vue à la fois. Et je pense que c'est pas un hasard si cette scène elle intervient dans le Lotus Bleu, parce que c'est donc le quatrième album de Tintin. Ça intervient. Tu peux vérifier ou pas, mais c'est je ça. Check. Quatrième. Si on compte Tintin chez les Soviets. Oui, c'est le quatrième. Okay, c'est ça. Et du coup, il y a vraiment une sorte de critique. Donc là, les Dupont et Dupont, ils sont drôles parce qu'ils sont costumés. Tintin, c'est celui qui s'intègre sans se costumer. C'est pour ça que le décalage est drôle, quoi. Tandis que Astérix Obélix, quand il se costume pour aller, je sais pas, par exemple dans... Il a un petit chapeau sur la couverture quand même, un petit chapeau chinois. Ah voilà, il se costume un peu. Ouais, il avait peut-être pas sur du Michel quand même. Il pleuvait, quoi, peut-être qu'il a pris un chapeau et il en rajoute pas trop. Il porte naturellement bien le costume, c'est vrai. Et les Dupont et Dupont, ils portent très mal, c'est ça qui est drôle. Il dénote. Ouais, il dénote. En même temps, avec leur gueule de... de Dupont et Dupont. Avec leur gueule de moustachu. Ouais, donc, en fait, dans Tintin, on critique le cliché. C'est ça qui crée l'humour, alors que dans Astérix, on le célèbre, en fait, en quelque sorte. Ouais, il y a une sorte de ça, de célébration du cliché. Ouais. Alors que quand il y a du cliché chez Hergé, soit c'est dans Lotus Bleu, et du coup, on rigole, soit c'est dans Tintin au Congo. Et du coup, on rigole, mais différemment. Hein, parce que... tu rigoles différemment parce que t'es français et que tu sais qu'on a un passé colonial compliqué. ça vient aussi, il y a une espèce de culpabilité. Il appuie quand même là-dessus un peu. Et c'est du vrai. Coup, on parlait donc des... Tintin, c'était pas drôle, c'est vrai. On peut le dire. Tintin, c'est pas drôle, on parle d'humour. C'est pas si Tintin, c'était drôle quand on était petit. Ouais, bah c'est ça. Il y a vu qu'il y a pas plusieurs niveaux lecture comme dans Astérix, c'est un niveau lecture qu'on a dépassé. Moi je crois qu'il y a, enfin, y a encore des gens qui rigolent au film de Louis de Funès, tu me diras. Et c'est il y a un ressort. Jackie Chan, c'est drôle parce que il y a du mouvement. Là, le côté humoristique, Buster Keaton, sans mouvement, je trouve qu'il est pas spécialement. Bah, sans mouvement, non. On disait tout à l'heure qu'il y a du mouvement dans les BD de Tintin, ouais, justement, c'est archi rythmé. Parce qu'on n'a pas je parle lu. Du mouvement, si, mais je parle du mouvement de voir le mec tomber en face de toi plutôt que de voir. Mais c'est là sûr que oui. Et là, c'est tout. En BD, c'est ça passe moins bien. Chaplin en BD, c'est moins. Voilà, c'est pas, si t'agites un petit peu la page, t'as l'impression que ça bouge. Et si Jackie Chan en BD, ça passerait moins bien. Agite-toi la page. Dire, hein. Tu vas voir ce qui se passe. Ça va suer du chaudron. S'il y a un ressort humoristique principal chez Tintin, c'est le Capitaine Haddock et les insultes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être le seul exemple. Mais c'est vraiment magnifique parce que. Moulago. Pourquoi elles sont drôles ces insultes? Parce que ça décrédibilise l'acte même d'insulter. Parce qu'il sait pas des insultes. Il sait pas insulter en fait. Il est nul mais en insulte, mais il insulte meilleur. Tout le temps. C'est le meilleur. Traiter quelqu'un de moule à gaufre, C'est drôle. Non, toi, tu t'en fous, on t'arrête de moule à si, gaufre. Si, bien sûr, mais il y a un côté un peu sophistiqué dans cette insulte. Il ne traite pas de connard, tu vois. Il y va beaucoup plus, il y a un truc un peu plus... Ouais, il y a des dictionnaires. Je sens qu'il est un peu plus upper class, quoi. Ouais, mais il y a un truc classe, il y a un truc vraiment... Moi, je trouve qu'il insulte bien. Hein. Ouais, il insulte bien. Traiter quelqu'un d'anacolute, c'est classe. C'est stylé. C'est, mais non, je suis c'est un peu pédant aussi, c'est vraiment le prendre de haut, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est le seul humour de mots qu'il y a dans Tintin, et c'est, ouais, il est encore, moi, c'est le truc qui me fait rire encore, je pense, dans Tintin, effectivement, t'as raison. Et c'est le seul contre-exemple, et c'est le truc qui se rapproche un peu d'Astérix et Obélix, du coup, je pense, cet humour-là, un petit peu. Ouais, mais du coup, Zaza parlait dans l'humour d'Astérix et Obélix, surtout des clichés. On est passé un peu vite. L'humour d'Astérix et Obélix repose, pas intégralement, mais en grande partie. Ah, mais c'est le fameux, ils sont fous, c'est. Ouais, voilà, ouais. Voilà. C'est... Chez les Corses, c'est incroyable, quoi. C'est t'as les vieux qui regardent la bataille en parlant. C'est pas le fils de machin et tout. Ils font tous la sieste après, etc. On peut écouter un bout d'interview de Goscinny qui parle justement de l'humour. Non, merci. D'Astérix chez les Corses. D'ailleurs. Et chez les Corses, donc ça tombait plutôt à propos. Et toutes les petites particularités, les traits de caractère corse, la susceptibilité, la fierté exacerbée, tout ça, vous l'avez. Intégré à l'histoire. Nous avons essayé. La seule qui m'inquiète, c'est la susceptibilité, bien entendu, parce que je pourrais toujours en être victime. On ne sait jamais. C'est pour ça que je m'entoure de beaucoup de Corses en ce moment. Je fais beaucoup de bassesse pour être bien avec les Corses. Mais leur trait de caractère, oui, bien sûr, leur trait de caractère est ce qu'on leur prête, parce que comme toutes les régions à forte personnalité, on a fini par créer un mythe autour des personnages eux-mêmes. Et moi, ce que je fais en général, je parodie moins la réalité que le mythe. Voilà, donc on a cette explication qui... Et en effet, tous les albums d'Astérix, à chaque fois qu'ils partent quelque part, il s'agit de se moquer un peu gentiment, en fait. C'est vrai que c'est... Alors, soit c'est... Est-ce que Astérix au Congo, ça aurait été plus cool? Je pense qu'Astérix au Congo aurait été plus cool, ouais. Moins premier degré, en tout cas, que Tintin au Congo. Mais c'est vrai qu'à chaque fois on a ça, il s'agit de se baser sur la mythologie qu'on a autour d'un peuple et d'en jouer, que ce soit vrai ou faux, peu importe. Finalement, on se moque plus de la représentation qu'on a de ce peuple que de ce peuple en lui-même. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Mm. Parce que avec le personnage d'Obélix qui dit justement ils sont fous, c'est corse, c'est belge, etc. À chaque fois, c'est vraiment la vision étonnée devant ces clichés que nous on vit. Bien sûr. Surtout que Astérix Obélix, c'est des clichés gaulois, enfin tout le village. Ouais, du coup, on se moque avant tout des Français de toute façon. C'est ça. Parce que les Gaulois, c'est les Français. Mais qui ont à la fin le dernier mot, tu vois, il y a un côté très... C'est un peu ambivalent, ouais, t'as raison. Il y a un truc, malgré tout, dans Astérix, qu'ils essaient de garder tout le temps, c'est une espèce de running gag, en fait. C'est le « ils sont fous, c'est gaulois », ça va être les pirates qui vont couler à chaque fois dans tous les épisodes, voire même qui vont eux-mêmes couler leur bateau avant que les... On l'attend, en fait, la rencontre avec les pirates, tu l'attends dans un tome, quoi qu'il en soit, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sais que la rencontre va faire un peu... Du coup, c'est les clichés de la Somalie, les blagues sur les pirates. Alors, ça, je sais pas, parce que c'est les seuls non-caucasiens qu'on peut voir, effectivement. Ouais, ça devient un peu compliqué. Ouais. Tu vas avoir à chaque fois le barde qui va être pendu, qui va être baïonné à la fin de l'épisode. Il y a vraiment des rendez-vous dans Astérix, ce que tu n'as pas ou que tu as... J'ai pas ça en tête, Tintin. Au fond, en fait, la formule Astérix, les albums se ressemblent beaucoup, en fait. Chose que Tintin, pas du tout. C'est un faux exotisme, en fait. C'est-à-dire que on te fait voyager, mais en même temps, c'est toujours vu du point de vue français. Clairement, il y a une sorte de truc comme ça où, au fond, c'est toujours un peu la même chose avec des clichés un peu différents. C'est ce qui nous fait marrer. C'est la blague de ton tonton gênant, un repas de Noël. Il y a un peu de ça. D'ailleurs, dans l'Odyssée d'Astérix, c'est une bande dessinée qui fait partie de l'émission que tu as préparée, où Panoramix envoie Astérix et Obélix chercher de l'eau de roche. De l'huile de roche. Donc, en fait, ils vont chercher du pétrole parce que ça rentre dans la composition de la potion magique. Et ils se retrouvent, du coup... Ils boivent de l'essence. Du sans-plomb. D'ailleurs, tu m'étonnes que les mecs pètent des câbles derrière. C'est sponsorisé par Total. Les chaudrons Total. À l'essence, c'est un peu Astérix au pays de l'or noir. Astérix. Et du coup, ils rencontrent des juifs là-bas. Et. Ça a mis une chape de poisson. C'est un truc compliqué là. Je laissais ce suspens. Il y a un juif qui lui dit oui, on peut pas manger de sanglier ici. Et d'ailleurs, toutes les viandes, on peut pas les manger si elles sont pas cachères. Et Obélix lui répond. Pas cher, vous seriez pas un peu près de vos sesterces dans ce pays? Waouh! Tu sais, il y a un peu cette blague qui passe, mais... Il passe en 70. Même dans le... C'est ça, même il passe en 80. Le dessin animé Astérix et Cléopâtre, il y a un truc sur les sangliers aussi, genre comment ça, il n'y a pas de sangliers, on mange pas de porc et tout, on peut pas faire ce qu'on veut dans ce pays et tout, ouais, c'est petit côté tonton gênant, plus, et voilà, moins drôle. C'est ça. Plus gênant et moins drôle. Mais ça passe, enfin, c'est, tu vois, ça, c'est limite, mais ça passe. Qu'est-ce que tu défends, là? Qu'est-ce que t'es en train de défendre? T'es en train de défendre un truc indéfendable? On parlait de Tintin Kong, non, c'est ça. Ça passe. Au pire, on parlait, c'est les côtés rendez-vous dans Astérix, c'est vrai que c'est, ça, en fait, l'histoire, elle est façonnée par Obélix, va dire, je suis pas gros, par Bah, il y a une architecture qui se répète, enfin, il y a une structure qui se répète vraiment d'un tome à l'autre, structure des blagues, en plus, ça qui est fou, c'est structuré par les blagues, quoi. Ouais. Structure des blagues, structure du moment d'arrivée de l'aventure. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, t'es jamais dépaysé quand tu lis un Astérix. Et t'es jamais, c'est le problème aussi, c'est que t'es jamais vraiment surpris. Tu ris tout le temps, mais t'es jamais attrapé par l'histoire parce que tu sais que les mecs vont sortir un moment, bam, potion magique, hop, c'est fini, on marave tout le monde. À la limite, le seul suspense qu'il peut y avoir, c'est, ah, ben, il y a une pénurie de potion magique, ou alors il faut qu'on arrive jusque à tel endroit pour notre panoramique, c'est qu'il en refasse, basta, c'est tout, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est toujours la même, c'est littéralement toujours le même dénouement. C'est triste à crever. Ouais, c'est vrai. Il y a cette prévisibilité dans l'humour, dans Tintin aussi. Finalement, la sorte comique, c'est tout le temps les mêmes. T'as la Castafiore qui vient de temps en temps, rafraîchir un peu le truc, mais. Café des verres. Ouais, je sais pas, ouais. Ah, non, si, parce que l'humour est toujours prévisible aussi, tu vois, genre tu sais qu'ils vont se péter c'est la gueule à un moment. Retrouver, on va dire, des points de repère au milieu d'une histoire qui est complètement, qui t'amène un peu n'importe où dans Tintin, tu vas de temps en temps retrouver un personnage qui va avoir des habitudes que t'es content d'en trouver. C'est ça. Et ça, c'est encore, je trouve, ouais, ça je crée trouve une c'est certaine encore un familiarité. Différent. Ouais. Mais ça garde un peu de lien dans la structure. Mais c'est pas du tout une recette. Non, c'est pas une recette. C'est juste l'ingrédient que ta grand-mère met dans toutes les recettes et qui fait que tu manges chez ta grand-mère, tu vois. C'est pas le plat. De flunch ou quoi que tu prennes sur la carte, ça a le même goût. Non, mais c'est beau ce que tu dis. Même, je veux dire, il y a des moments dans Tintin quand tu te retrouves, c'est quoi, c'est à la fin de peut-être pas la cigare du pharaon, ça doit être à la fin des Picaros, j'en sais rien. Il y en a un où il se retrouve à s'en sortir avec une espèce d'éclipse solaire, un c'est peu le temple, une espèce de temple du soleil, où t'es vraiment un peu attrapé jusqu'à la fin par, tu sais pas trop ce qui est en train de se jouer, et il y a pas forcément de blague, mais il y a vraiment, ça c'est pas une recette, parce que tous les épisodes se finissent pas comme ça, par une espèce de cliffhanger qui est dans une impasse, où le mec va s'en sortir avec un journal dans lequel, qu'il a ramené de chez lui, tu vois, avec, dans lequel il est prévu qu'il y ait une éclipse solaire à telle ou telle heure. Là, il y a vraiment dans Tintin, ça arrive pas, ça. Enfin, dans Astérix, pardon. Ouais, en Astérix, ouais, ça clairement. Va toujours être la même solution, quoi. Mmh. Ouais. Et on a parlé du coup pas mal de l'humour et de comment ils en distinguaient dans leur style. On peut aussi parler du style graphique. Ce qui est aussi vachement différent dans les deux BD. Hergé, c'est du coup pas l'inventeur, mais celui qui a démocratisé la ligne claire. On peut en parler. Est-ce que quelqu'un veut définir ce que c'est? Là, on n'est plus trop sur l'humour, mais si on reste sur Astérix, le style graphique. C'est ce que je dis. Je dis que c'était plus. On a changé d'accent. Ouais, mais en fait. Alors, la transition qui peut être intéressante, c'est que sur le style graphique, si on commence par Astérix, excuse-moi, mais là, on a aussi un véhicule de l'humour qui est clairement dans le style de dessin d'Astérix. Juste les gros nez, déjà. Voilà. Uderzo a vraiment une passion pour les gros nez. passion gros nez. Non, mais c'est fou dans ses interviews qu'il voit que le mec, c'était hyper important pour lui de dire que ses personnages avaient tous un gros nez et que c'est un ressort comique en tant que tel. On est dans la caricature, on est dans ce cliché, dans cette parodie du mythe, à la fois qui se retrouve dans le dessin en lui-même. Et où on a le franchouillard qui a un physique un peu ingrat, qui est souvent un peu bedonnant. Astérix, il a une petite bedaine, Obélix, il est carrément obèse, et ils ont tous finalement... C'est une bedaine. C'est une bedaine avec des yeux et une bouche. Et ils ont tous un peu un bide, ils ont tous ce physique ingrat, ces gros nez, qui dans le style véhicule déjà quelque chose d'humoristique, en fait. Ouais. Même le fait que, tu disais tout à l'heure, je sais plus qui, que Tintin aussi était petit, comme Astérix. Mais il est pas petit comme Astérix est petit. Oui, Astérix, il est tout petit. Astérix, il est très grand et très gros. C'est un gnome. Et on lui dit que c'est un abo, d'ailleurs, dans quelques épisodes. Mais on est déjà dans un comique de caricature, d'exagération, où le gros, il est très gros, le petit, il est très petit. C'est pas la nuance où, techniquement, oui, Tintin est plus petit que Haddock, mais c'est pas drôle. C'est vraiment pour faire, on en revient à ce qu'on disait, mais pour faire le contraste, quoi. Le petit est astucieux et va avoir l'esprit hyper vif. Le gros va être hyper balourd et va être un mec qui résout tout le temps tout par la force. Mais c'est vrai que ces deux personnages, Astérix et Obélix, tu les vois, tu sais déjà que t'es dans de la comédie, tu vois déjà que c'est de l'humour, quoi. Tintin et Haddock, tu les vois. Qu'est-ce qu'on rit, rien que d'y penser, je suis là. Tintin et Haddock, tu les vois côte à côte, ils ont rien de drôle, enfin, ils sont juste moches, mais c'est tout. C'est pas de leur faute. C'est vrai que Haddock a aussi un gros nez, comme disait Opie, donc voilà. peut-être un lien. Non mais après c'est beaucoup moins systématique en fait. Ouais c'est ça. Ça l'est plus dans, c'est ce qui est bizarre dans le film de Spielberg, ils ont tous les Dupont ont vachement un gros nez, le Doc, enfin il a exagéré les nez, c'est hyper bizarre. On parlera peut-être plus tard, mais il a changé le style. Mais après c'était pour essayer de faire une espèce de style graphique qui était à cheval entre la BD et le film. Enfin il y a un truc très malaisant, je trouve. On est clairement dans le cannibale pour moi dans le film de Spielberg. Ah ouais, clairement. C'est un truc qui nature un peu le style de Tintin, je trouve. C'est présence. Cette trop grande présence des gros nez dans le film de Spielberg. Voilà, c'est un problème, je vous le dis. Tu voulais nous parler de la ligne claire, Stavro ? Non, je voulais que quelqu'un en parle. D'accord. C'est différent. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Non, je disais que RG met beaucoup les lignes claires, apparemment très claires. Donc, c'était une petite bleue. Et donc c'est un style graphique qui a été démocratisé par cet homme principalement. Ouais, c'est le plus grand représentant de ça. Donc il y a plusieurs caractéristiques. Je parle sous contrôle des personnes qui ont bien préparé. Il y a pas d'ombre. Alors déjà il y a pas d'ombre. Il y a des ombres pour les véhicules mais pas pour les personnages. Pour améliorer la lisibilité des planches. Et de manière générale, même quand on va se trouver dans des situations où c'est assez sombre, où ils vont être dans des cavernes ou par exemple, tu vas toujours avoir un élément qui va éclairer la situation en dehors d'objectif lune où du coup tu fais l'espace sidéral et là on a vraiment une volonté de représenter du noir. La palette de couleurs qu'il va utiliser fait que ça va être toujours éclairci, toujours assez clair. En fait, il utilisait beaucoup d'aplats RG, d'aplats de couleurs, du coup des grosses des aplats quoi, simplement. Tu sais pas ce que c'est non plus. Si je fais mais les caplats. Non, il y a pas, et par exemple, il y a pas de hachure dans la colorisation. Voilà, ça, ouais. Et surtout, t'as un trait d'encre de Chine qui est égal, qui repasse les contours. C'est le même trait, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que t'as pas de différenciation entre le premier plan et l'arrière-plan. C'est-à-dire que tu vas avoir vraiment la même épaisseur de trait qui va être utilisée pour repasser à la fois les contours du décor, donc à l'arrière-plan, et le premier plan. T'as pas de différenciation entre ça. Comme tu peux voir dans Astérix, qui est complètement différent pour le coup, où tu vas avoir des décors derrière qui vont être extrêmement fouillés, extrêmement détaillés, mais un arrière-plan qui va être un peu plus flou, et les personnages qui sont donc au premier plan qui auront une importance beaucoup plus marquée dans le dessin en fait. Ouais. Et cette importance du, enfin le fait, c'est assez intéressant même dans l'œuvre que il y a pas de différence entre le premier et le second plan dans Tintin, c'est juste que du coup le décor est aussi important que les personnages. Alors dans Astérix, les personnages le sont plus, et que le décor est plus secondaire quoi. Ouais, et c'est vrai que du coup, ce que voulait faire Hergé avec son style, c'était vraiment quelque chose de très lisible qu'on comprend immédiatement, efficace. Et ça marche à plein. Et je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs de Tintin qui ont commencé à feuilleter les BD sans même savoir lire. Alors qu'il y a beaucoup de textes quand même dans Tintin. On comprend quand même l'histoire ou ce qui se passe en tout cas. C'est beau en fait. Enfin, en tout cas, il y a des belles vachement belles. Ouais, mais surtout c'est très lisible. Et d'ailleurs, on parlait de Spielberg qui a fait son film. J'ai vu une en interview 2011. Et où il expliquait qu'en fait, dès qu'il a sorti Indiana Jones, il a lu beaucoup de critiques européennes qui disaient c'est du Tintin. Voilà, donc il a commandé des BD, sauf qu'il parlait pas le français. Et du coup, il a feuilleté toutes les BD et il disait que ce qu'il avait trouvé génial, c'est justement ça, c'est que il comprenait alors même qu'il parlait pas la langue de la BD. C'est impensable chez Astérix, ça. Clairement, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt en fait, Astérix sans le sans le texte, ça a pas grand intérêt. Bah clairement, puis c'est juste les planches d'Hergé se vendent hyper cher comme des œuvres d'art aujourd'hui, des originaux quoi, et pas celles du Derzo si je me trompe pas. Bon, ça doit se vendre quand même relativement cher. Ouais, mais ça a peut-être moins d'impact artistique. Lui, il joue déjà, c'est pas l'instigateur d'un courant de BD en tant que tel, donc ça doit quand même jouer. Le courant des gros nez. Non, mais Uderzo, clairement, lui, il est dans l'opposé quasiment extrême de Tintin, c'est-à-dire qu'on est dans le bordel. Tu vois les scènes de bataille, scènes de combat au village, c'est juste un énorme truc brouillon avec des onomatopées qui ressortent et des étoiles et des traits dans tous les sens. Mais finalement, c'est complètement à l'opposé de la ligne claire où justement la clarté du dessin, tout qui se détache, tout qui est défini ultra précisément, quoi. J'ai l'impression que j'ai fait un four. Non, c'est juste vrai en fait. Pour une fois, j'ai dit des trucs intéressants. Mais je suis pas habitué, je comprends pas du coup, c'est quoi cette réaction? C'est la sidération, ça s'appelle. Je t'emmerde. Non, c'est vrai qu'il y a dans avec cette ligne claire, ce style de RG qui au début n'est pas vraiment présent. Hein, si je Tintin chez les soviets par exemple, c'est très moche. En fait, c'est un petit lotus bleu, oui, c'est un peu inspiré des estampes japonaises aussi, genre de Hokusai et tout, et ça se ressent vachement quand il dessine de l'eau. Ouais, le lotus bleu, c'est vraiment le premier qui est vraiment beau, parce que même Tintin en Amérique, il est pas très beau. Le lotus bleu, moi je le trouvais surtout assez magnifique. Les originaux avant la couleur, c'est vachement beau dans le lotus bleu, parce que c'est juste un des petites demi-teintes de bleu par-ci par-là. C'est incroyable, genre noir, blanc, bleu, c'est hyper beau. Vraiment, c'est. Je crois que la première qui est colorisée, qui est vendue colorisée dès le départ, ça doit être autour de du secret de la licorne ou un truc comme ça. C'est vraiment. Ouais, et après il a refait les 9 ouais. premiers en couleur, en colorisé, scénario et tout. Ouais. Mais après c'était un mec hyper exigeant. Et je sais que quand il publiait dans les revues, il était pas seul à dessiner en fait. Il avait ouais, aussi. Il a une équipe. Il y avait récemment. Ah, je crois que c'était venu après ça. Il y a eu, je crois. Possiblement, je sais pas, mais je sais qu'il y a eu une expo au Grand Palais l'an dernier, que j'étais allé voir et où il racontait un peu les processus de fabrication. C'était vraiment des ateliers entiers où le mec vient apprend quelque part à ses employés vraiment à dessiner à sa manière. Il les reprend derrière, il reprend les gars un par un. Il a vraiment, on va dire, pour lui, c'est un dessin qui est très clair et qui est vraiment réglé. Alors que tu sens que sur Astérix, c'est un truc beaucoup plus, j'ai envie de dire, spontané et un peu jeté parfois. Alors, ouais. Moi, ce que j'avais vu, c'était que il faisait tout jusqu'à ce qu'il crée les studios Moulinsart. Enfin, les maisons d'édition Moulinsart. Studio RG, je crois. Studio RG. Il n'y a pas un truc Moulinsart. C'est Moulinsart. Et ça, c'est la société de prod qui gère maintenant les droits d'auteur. Celle qui gère aujourd'hui les droits d'auteur. Ok, ok. Donc c'est Studio RG, vous avez raison, je dis de la merde. Mais à partir du moment où justement ils ont créé les studios, là il a commencé à déléguer un petit peu, mais avant il faisait vraiment tout, littéralement. Et je crois que de mémoire. Sur les BD, ouais, c'est lui qui a tout fait. Ouais. Et qui, jusqu'à vers la fin, il avait du mal à déléguer quand même les personnages. Il avait quand même envie de dessiner les personnages et de déléguer plus les décors. Ouais, en fait, il avait des gens pour les autos, pour les avions, exactement. Pour les décors. Ça faisait chier de dessiner les véhicules en général. Ouais. Alors que Uderzo n'a jamais colorisé ses planches parce qu'il est ultra daltonien. C'est pas lui qui colorise. Ouais. Mais alors qui colorise? Il avait un colorisateur. Il a cru qu'Obélix avait les cheveux verts. Il a un coloriste qui a jamais été au générique. C'est dégueulasse. Des années après, il est venu. Il a un coloriste. Ah oui, Obélix est roux et en fait, il était pas au courant. Roux Obélix. Je crois qu'il a même une coloriste. Oui, croyait qu'il avait. Il avait une coloriste avec qui il a fini, je crois, marié. Uderzo, voilà. Pour ah bon mais non, il a colorisé CBD. C'est RG, mec, c'est RG, ça. Ah, mais oui, c'est RG, donc RG avait un coloriste. Il s'est tapé sa coloriste. Fanny. Et Fanny, exactement. Et qui après. On est dans le monde people de la BD. Mais on a surtravaillé, on a extrême. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est au moment de l'apparition de Tintin au Tibet. Et en fait, Tintin au Tibet, et même lui, il le dit, est censé symboliser justement la bataille de RG contre son instinct, contre lui-même. C'est pas un deuil, genre il a perdu son quelqu'un de sa famille. Et bah non, il sa coloriste, il lui fallait des grands décors. Non, précisément, il était en divorce avec sa femme Germaine, je crois. Ouais, donc, c'est ça, juste Germaine. Rappeler le contexte de Tintin au Tibet. Donc, c'est Tintin qui part à la recherche de son ami Chang. Il a une prémonition et donc il voit. Du lotus bleu. Voilà, il voit que Chang est en danger et donc il doit. Oui, il a un espèce de rêve ouais, où il flash, voit que Chang est en danger. Parce et qu'il donc... est hyper fidèle, Tintin, il garde le contact. C'est ça. Même dans ses rêves. et du coup, il part contre l'avis de tout le monde, du capitaine Haddock. Il arrive sur place au Tibet, on lui dit « mais vous êtes complètement fou, il y a eu un crash d'avion en fait ». On lui dit « mais tout le monde est mort là-bas, il n'y a aucune chance ». Et donc Tintin persévère pendant tout ce tome, envers et contre tous. Et juste contre la nature en fait, il n'y a même pas de bandits, ni pas de rebondissements. Et donc Hergé dit que c'était clairement un moment dans sa vie où il était en train de lutter contre lui-même justement par rapport à sa passion pour sa coloriste. Et qu'il a finalement décidé de quitter sa femme, et donc pour lui c'est une victoire puisqu'il arrive à... Il a retrouvé Chang. Voilà, Chang, c'est ça. À la fin, il a pété Chang, quoi, en fait. C'est parce que le personnage qui a inspiré Chang dans le Lotus Bleu a réellement existé. Ouais, c'est Chang. Il y a eu un Chang. Son copain chinois qui lui a ouvert les yeux sur le monde. Avant, il était raciste, et après, non. On si en parle. Si tu veux trouver ta femme, tape Tintin. Et il a toujours voulu le retrouver, et il l'a retrouvé que des années après Tintin au Tibet, presque avant de sa mort. Ce type a été accueilli en grande pompe à Bruxelles comme un ministre. Parce que c'était le type qui avait inspiré Hergé. Ouais. Voilà. Mais on en parlera peut-être un petit peu plus. Donc, si tu veux, oui, on en parlera. On parlera de Chang. Il y a un axe entier sur Chang. Et on parlait, j'ai évoqué tout à l'heure le côté Hergé, ça se vend peut-être un peu plus cher et c'est peut-être un peu plus reconnu dans le monde de l'art que du Uderzo. Parce que aussi, Hergé était vachement bercé dans le monde de l'art aussi, vachement plus immergé. Il aimait l'art abstrait, il en collectionnait, il en a fait avec un artiste abstrait de l'époque. Oui, mais surtout sur la fin de sa vie. Il a essayé de faire 30, il a fait 37 œuvres, je crois, abstraites. Il a dit, en fait, je fais mieux Tintin, donc je vais arrêter. Enfin, tout le monde lui a dit, tu fais mieux Tintin, donc arrête. C'est pas mauvais, mais c'est pas ton truc. C'est un peu triste d'ailleurs, quand tu vois ses interviews, tu vois que le mec était quand même vachement prisonnier de son personnage. Qu'il avait des aspirations en fait qui étaient vraiment très disparates et qui s'est retrouvé un peu prisonnier de ce truc-là. Mais prisonnier de son œuvre, ouais, et du coup on peut peut-être parler de la continuité de l'œuvre, de voir qu'on commence parce que là il y a une grande différence entre les deux entre les deux séries, qui est que Tintin, une fois qu'Hergé est mort, Tintin c'est terminé. Tandis que il l'a dit clairement, dans son testament, il a dit les gars vous y touchez pas. Il y a une interview dans Apostrophe avec Bernard Pivot où Bernard Pivot lui dit est-ce que Tintin va mourir avec vous. Et Hergé lui dit, je pense que oui, parce que Tintin, c'est moi, et tous les personnages de Tintin, c'est en partie moi. Donc, il voyait pas comment ça pouvait continuer sans lui. Et d'ailleurs, le tome inachevé de l'Alf Art se termine avec Tintin qui est enfermé dans un plexiglas et qui est exposé comme une œuvre d'art. Ah ouais? Ouais, et c'est la... Moi, j'ai pas lu celui-là. Oui. Non, enfin, moi non plus, hein, mais... et c'est censé être un peu... On sait pas si Tintin va mourir ou pas, mais en tout cas, il finit en œuvre d'art, du coup, dans ce truc-là. Okay. Ouais, c'est intéressant. Mais oui, mais... Et... Alors que Astérix, il y a Goscinny qui meurt en 77, et Uderzo continue sans lui. Ouais. Et ensuite, Uderzo et... Uderzo, il peut plus dessiner. Aujourd'hui, il a de l'arthrite. Et il peut plus dessiner, donc c'est... Il a tout cédé. Il fait plus rien. Il a tout cédé. Ouais. T'imagines le mec. Enfin, il a pas cédé ses droits, je pense, non, mais non, il a, malgré il a tout, délégué, disons. Tu te retrouves aujourd'hui nominé pour être sur Tintin, enfin, pour bosser sur Astérix, mais putain, mais c'est la fortune. Ah ouais, je pense, ouais. Tu sais que t'es sur une série qui vend 1 million d'exemplaires direct. Et ils s'en sortent pas si mal, hein, les deux. T'as lu des trucs. Moi, j'ai lu les deux derniers, chez les Pictes et le Papyrus de César. Ouais. Et moi, je les ai trouvés qu'ils étaient pas si mal. En même temps, les seuls Uderzo étaient, enfin, ceux qui sont faits que par Uderzo, c'était quand même. Pas tous. C'était moins bien. Fou. Non, il y a eu. Il y a vraiment accusé le coup, quoi. Ouais, je me suis rendu compte que j'ai relu deux de mes albums que j'avais dans ma bibliothèque étant petit. Les deux seuls qu'il avait. Non, justement, c'était pas les deux seuls, mais je me suis rendu compte qu'étant petit, bizarrement, je devais avoir des goûts de chiottes, mais c'était mes deux préférés. C'était deux après la mort de Goscinny, c'était Astérix et la Traviata et Astérix et la Galère d'Obélix. Et franchement, ouais, à la relecture, c'est vraiment pas drôle, quoi. Genre, c'est. En même temps, c'est Goscinny qui écrivait, hein. Bah oui, mais ça se sent. Le petit, je me rendais pas compte. Non, mais par exemple, des jeux de mots. Astérix Sherazade, qui est fait par Uderzo lui-même, il s'en sort très bien. Ou l'Odyssée d'Astérix s'en sort très bien aussi. Celui d'avant, genre le Grand Fossé, il est pourri. C'était un truc qui était inspiré par le mur de Berlin. Il a voulu faire un peu de politique dans Astérix, du coup, s'inspirer des faits. C'est nul. Enfin, c'est vraiment, c'est pas bon. Et surtout, le dernier qu'il a fait lui-même, et où je pense après, il s'est dit, faut que j'arrête, c'est Le Ciel leur tombe sur la tête. Avec les aliens, là. Avec les aliens, ouais. Avec les aliens, voilà, et là, il s'est dit bon. Avec les aliens dans Astérix. Je pense qu'on lui a dit, ce serait bien que t'arrêtes, peut-être. Et mais c'est une fois que ça devenir sénile. Dans cette question de la continuité, il y a quand même un truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Tintin, c'est un seul homme. Astérix et Obélix, c'est deux mecs qui, du coup, a dû gérer une espèce de rupture que même sa maison d'édition a géré difficilement parce que c'était édité chez Dargo jusqu'à, enfin, tant qu'ils étaient deux. Et dès l'instant où il y en a un des deux qui est mort, ça s'est retrouvé quasiment auto-édité, en fait, Astérix. Ah ouais? Ouais, carrément. C'est ce que je suis en train de voir sur le truc de Wikipédia. Alors, tout d'un coup, c'était... Hop, ils étaient deux. T'avais Goscinny et Uderzo qui étaient chez Dargo. Direct, l'épisode d'après, hop, t'as plus que Uderzo qui est chez Albert René Édition, donc une édition... Ah, donc c'est genre leur complicité était même plus forte clairement. Que le nom Astérix, quoi. C'est ça, un truc qui a survécu encore à ça, et donc je pense que ça aide à passer la main aussi d'avoir une rupture en deux temps. Ouais, c'est ça. Clairement. Ouais. Mais il y a aussi un truc d'ego chez Uderzo. Tu le vois dans ses interviews, le mec disait, quand Goscinny est mort, je suis resté bien posté. Bien sûr, je voulais montrer que je pouvais le faire. Exactement. Et il le dit texto. Ouais. C'est-à-dire, il fallait que je me prouve que je pouvais continuer Astérix, que c'était pas Goscinny qui faisait Astérix, parce qu'il disait même, je me souviens d'une des journaux qui disait Astérix est mort, Goscinny est mort, mais non. Allez vous faire enculer. L'homme vous dira ça quand vous serez tous morts et que la fucking kermesse continuera avec un seul mec qui fera des blagues tout seul, ce sera pareil. Moi j'ai vu beaucoup de documents INA, genre de journaux de 70-80 à la peu à la mort de Goscinny, où tout le monde présentait Uderzo comme un mec qui voulait continuer le filon en fait. C'était assez méchant en fait, c'est le filon capitaliste, tu veux dire, vraiment pécunier le truc. Ouais, mais genre même pas en mode c'est son bébé aussi, ils étaient deux, tu vois, ils avaient 26 ans ensemble et lui tout le monde disait il va continuer les filons et à faire de la thune avec, même pas en se disant peut-être il a envie de continuer. Si ta femme meurt, tu déposes pas ton enfant à la DAS. Vraiment le dernier des connards. Ça m'a surpris ce revirement un peu, genre. Il y a un truc structurel aussi qui fait que Astérix ça peut continuer sans Goscinny et Uderzo parce que, comme on disait, c'est une formule. Ouais. C'est une formule que tu peux réappliquer. Tintin sans Hergé, je suis sûr, c'est impossible parce que. Il y a vraiment un truc très personnel, en fait, un truc d'œuvre d'auteur qui fait que l'évolution, c'est aussi l'évolution d'Hergé et il y a énormément de traces. L'exemple de Tintin au Tibet, c'est ça. Il pourrait pas y avoir ça dans Astérix. Et il y a beaucoup de psychanalystes qui travaillent sur l'œuvre d'Hergé. Ouais, bah ouais. Parce que il y a tout un tas de trucs en fait d'indices psychanalytiques de la personnalité d'Hergé. On peut donner un exemple, le truc de la gémellité. Donc il y a les Dupont et Dupont qui sont jumeaux mais pas trop, mais il y a aussi beaucoup de jumeaux en fait dans l'œuvre d'Hergé. C'est un film de Schwarzenegger, jumeaux mais pas trop. Avec Kevin Hart. Il y a beaucoup de jumeaux, genre il y a un méchant qui, enfin un mec qui d'un seul coup devient méchant. Je crois que c'est dans L'Or Noir je sais plus dans quoi c'est. Bref, on s'en fout. Et en fait, c'était son jumeau. Et ça, c'est marqué par le fait que le père d'Hergé avait un jumeau et Hergé avait du mal avec cette. C'est un événement traumatique, plus ou moins quoi. Donc c'est vraiment une œuvre qui est construite sur le fond de la personnelle, de la personnalité et de la personne même d'Hergé. Ce que n'est pas Astérix. Et on en parlait de formule pour Astérix et du fait que ça continue sans Goscinny et sans Uderzo. C'est ça aussi qui fait que ça, c'est une œuvre. Le fait que Tintin s'arrête avec Hergé, ça lui donne un statut d'œuvre d'un seul auteur. Alors que Astérix, du coup, à partir du moment où ça continue sans le duo original, ça devient une formule, en fait. Astérix, en fait, c'est plus comme une sorte de mythe type antiquité où ça, c'est pas attaché à un auteur. C'est un monomythe. Je pense que la dimension historique est super importante, en fait. Ad vitam aeternam. Parce qu'on on parlait tout à l'heure de la dimension Jules Verne, du voyage, de la découverte, de la technique. Et je pense que le fait que Astérix, ça se passe tout le temps dans cette Gaule, dans ce passé un peu fantasmé, fait que c'est reproductible à volonté. Alors que sortir un épisode de Tintin qui se passera en 2017, c'est pas très intéressant, quoi. C'est un peu perdu justement dans ce temps-là parce que la dimension historique est pas prégnante dans l'œuvre de Tintin, mais ça se passe. C'est censé se passer dans notre présent. C'est censé nous montrer un peu le monde qui nous entoure. Et du coup... Ouais. Le fait que ça continue aujourd'hui aurait Tintin pas trop de Crimée. Sens. Mais après, j'ai quand même en Ukraine. J'ai quand même envie de poser une question, c'est-à-dire que tu vois, t'as Astérix, c'est un truc qui a été commencé donc à deux, mais qui depuis très longtemps en fait est écrit à une seule personne. Ça fait plus longtemps que c'est écrit avec une seule personne aujourd'hui que c'est écrit ça a été coécrit. Alors que au final, peut-être c'est parce que c'est plus de mon époque et que je suis un peu vieux, mais le truc c'est que pour moi, c'est vraiment un truc qui a été écrit à deux. Pour moi, c'est les meilleurs épisodes sont ceux qui ont été coécrits. Ah oui, non, clairement. Ouais, clairement. Et que un peu la légende de ce truc-là a été bâtie à cette époque-là et qu'aujourd'hui on est vraiment dans une espèce de déclinaison d'une formule qui va vivre un peu de sa renommée, on va dire, qui est plus apprécié comme une œuvre vraiment que comme une espèce de truc. Vraiment, le côté transgénérationnel. Ah tiens, qu'est-ce que je vais offrir à mon fils aujourd'hui? Tiens, Astérix, ça vient de sortir. Il aimait ça quand il a été gosse. Il aimera encore ça aujourd'hui. On l'a emmené au parc Astérix. Je dis ça, papa, si tu m'écoutes, arrête de m'acheter Astérix. Je ne le lis plus, c'est plus la peine. Non, puis il y a le parc Astérix. C'est devenu plus une marque, en fait, qui fait tout un tas de trucs. Il y a tout un tas de dessins animés, des films, le parc. C'est pas pensable vraiment chez Tintin. Ils ont vendu leur âme, c'est ça que t'es en train de dire. Je sais pas. Alors que Moulin SAS se veille. C'est pas vraiment un jugement de valeur là pour le coup. C'est juste que, comme je disais, Astérix c'est une sorte de mythe ou de type reproductible, comme peut l'être Superman ou Batman. Ça appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde avec des droits qui appartiennent que. Oui, ça appartient pas à tout le monde. Mais par contre, Tintin c'est attaché à un auteur. C'est plus dans la vision de la littérature qu'on peut avoir au 18e, 19e siècle où il y a un auteur. Et par exemple, les Rougon-Macquart, si c'est pas Zola qui les écrit, ça a pas d'intérêt. Je pense que c'est vraiment structurel ça, la continuité. C'est ça. Et Hergé, on était conscient aussi, du coup, en voulant l'arrêter, et c'est pour ça que maintenant Tintin est vachement plus reconnu partout que Astérix, en partie pour tout ce qu'on dit là. Dès que t'arrêtes un truc, il y a un mythe aussi qui se crée, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai vu pas mal de trucs de gens qui disaient oui, en gros, Hergé, c'est un connard, il a pas voulu que ça continue, il a vachement verrouillé et tout le monde verrouille vachement Tintin. On peut comprendre. Enfin, c'est son œuvre et elle aurait aucun sens sans ça. Donc vaut mieux verrouiller. Qu'on voudrait qu'ils en fassent la FK à notre place. Non. Voilà, ce serait peut-être mieux. Ouais, mais ce serait pas notre œuvre. Si toi, tu serais pas contre ça. Une FK animée par Oupi et Manox. Ah. Génial. On va faire une FK alternative. Je pense qu'on s'amusera bien. Fais gaffe parce que c'est pareil, les droits. Comment auriez pu vous appeler? Je pense qu'on s'amuserait plus, si tu voulais dire. On aurait pu s'appeler les connards. Bien. Stavro ne sait plus quoi dire. J'avais demandé est-ce qu'on a fait le tour du second acte, c'est ce qu'on dirait le dernier, le plus lourd, le plus solide. Si on peut parler un peu parce que dans cette marque et tout, on n'a pas du tout parlé on de. On n'a pas parlé de menhir encore, c'est vrai ça. Ouais, c'est pour ça que curieusement, je faire, mais voilà. C'est bien. on n'a pas parlé des films Astérix. De l'héritage, ouais. Ouais. Ouais. Des fois, c'est vrai que Astérix ça a aussi une vie en dessin animé dès les années 60 avec Cléopâtre en 62, je crois. Et après, ça a continué bon an mal an jusqu'en les années 90 avec des daubes genre Astérix et les Indiens. Vraiment, c'est les ouais, ils ont c'est voulu c'est... faire du Disney en fait en Astérix et ça ne marchait pas. Les musiques faites par Zouk Machine ne marchaient pas non plus. Allez les écouter, c'est un scandale. Vas-y. Non, mais dès le début, ce qui est intéressant avec les dessins animés d'Astérix, c'est que dès le début, le premier dessin animé d'Astérix, Uderzo et Goscinny. Albert. Il était pas au courant en fait qu'on lui faisait, il lui a fait un gros enfant dans le dos, c'est-à-dire c'était le studio. Un Obélix dans le dos. Non, c'était le studio belge Bellevision et en fait la maison d'édition du coup d'Astérix. Faut rien attendre des Belges. Hein. C'est quand même dommage en faisant un podcast à moitié sur Tintin, mais mais du coup ils ont donné les droits à un studio belge en leur disant faites-nous un film Astérix et on va pas le dire aux deux mecs qui ont les droits. Ils les ont invités quand même avant la projection. Voilà, on a fait ça. Et ils ont été quand même vachement sympas parce que Uderzo et Goscinny ont vu le truc. Ils ont pensé que c'était de la grosse merde et ils ont dit non mais ils ont taffé depuis quand même super longtemps sur ça donc on va leur laisser produire le film. Mais ils leur ont dit par contre après vous arrêtez. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les mecs ont pas mis un taquet. Ils ont juste dit bon c'est de la merde mais il y a quand même des mecs avec il y a des pères de famille qui vont bouffer leur gosse sur ce film. Ok, publiez-le. Mais le deuxième allez vous faire enculer. Faut pas qu'ils aillent au flunch. Ça se trouve, c'est ça, c'est que des mecs qui ont fait des adaptations de Tintin qui se retrouvent au flunch à Beaubourg. Il y a pas eu de film dans les années 60 d'Astérix et Obélix. Par contre, Tintin, il y a eu. Quelques films. Il y a eu Tintin et les Oranges Bleues, un sacré nanar. Oula, ouais. Tintin et le lac des requins aussi, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Il y a eu deux, trois films de Tintin vraiment des années 60. Et ils sont pas bien, hein. Ah non, ils sont pas bien. En fait, c'était le mec qui faisait les scénarios. Hergé, à un moment, a voulu peut-être se dire que quelqu'un pourrait faire le scénario à ma place. C'est un mec qui s'appelait Greg. Le mec lui a proposé 2-3 trucs. Et il a dit, non, c'est nul. Et du coup, ce mec-là fait les scénarios des films qui, du coup, sont nuls. Ça se tient, c'est cohérent. Mais en fait, c'est là où il y a un gros décalage. C'est que. Sacré, quel con de ce réalisme de Tintin qu'on a dans les BD, dès que c'est incarné par des acteurs. On est dans le grotesque, dans la caricature, parce que Tintin, le mec qui joue Tintin dans les Oranges Bleues, là. Oh, il a des cheveux roux, un roux qui n'existe nulle part. Ouais, c'est ça. Mais même ses fringues. C'est ça, la tenue de Tintin en vrai, elle est moche. Ouais, tu comprends que les mecs se soient trompés. Tu sais, vous avez peut-être vu la mise en scène qui avait été organisée au tout début de Tintin, c'est-à-dire au moment où Tintin était donc au pays des Soviets. Ils avaient organisé à Bruxelles un espèce de retour physique du personnage de Tintin qui revenait de Russie. Donc ils avaient engagé un petit gosse belge qui en fait avait été mis dans un train et à la gare du Nord donc de Bruxelles, ils avaient fait comme si Tintin revenait du pays des Soviets. Donc il y avait déjà eu cette représentation réelle et les gens avaient archi accroché, tu vois. Il y avait une foule de malades et tout le monde venait voir Tintin. En plus, il y a pris un gosse qui ressemblait même pas à Tintin. Il a dit on a pris un gamin qui était là, il ressemblait pas, on lui a mis les fringues, on y allait. Ouais, c'est ça, ils lui ont mis une houppette à la Marie à tout prix et puis d'ailleurs un enfant, Alexandre, un enfant. D'ailleurs, je vais te maquiller. J'ai lu quelque part, et je sais pas d'où ça vient, j'ai pas trouvé la source, mais Tintin aurait entre 14 et 17 ans. Il est super jeune, Tintin, pour faire toutes ces conneries. Il a pas des parents. Bah, c'est une fanfiction que t'as lu, là. C'est des sorts de sans Pokémon, du coup, après. Il tire au flingue, il fait boire le capitaine Haddock, c'est un peu un... Ouais. Ouais, c'est un sale gosse. Et puis, il est reporter à 17 ans, quoi, les contrats de travail. Bah ouais, c'était pas les mêmes années. Et surtout, il est pote avec un mec qui a 60 piges et qui vit dans un château. C'est chelou, quand même. Putain, comment ça s'appelle le truc de Michael Jackson? Et après, on nous dit qu'il a pas de vie sexuelle. Neverland. Tintin, il vit à Neverland, en fait. Après, par contre, il y a eu dans les adaptations, très récemment, en 2016, il y a eu France Inter qui a fait des adaptations en, si vous avez écouté ça, en podcast, en fiction, des adaptations France Inter qui a coproduit ça, qui a adapté Les Cigares du Pharaon, je crois qu'ils en ont adapté 5, j'ai plus vraiment tous les noms en tête, mais je sais que j'avais écouté ça à l'époque, alors je crois qu'aujourd'hui, j'ai voulu checker cet après-midi pour chercher, mais le seul problème c'est que les fictions de France Inter restent qu'un an en ligne, donc là, elles ont disparu de leur site. Mais je les ai pas réécoutées, mais je pense qu'elles sont potentiellement, je pense que des mecs ont dû les sauvegarder quelque part, effectivement. franchement. Mais est-ce que ça rend bien sur YouTube? Et franchement, ça rendait super bien. Je pense que j'en ai encore quelques-unes sur mon iPad. Voilà. C'est vraiment en termes de moyens de diffusion. Si vous venez chez moi un soir, que, voilà, tu peux nous donner ton adresse. J'espère que mon lanceur n'écoute pas ça. Mais ouais. Mais ouais. Mais c'est fou ça parce que c'était assez bien foutu. Qu'on perdrait énormément de choses en enlevant justement tout le style graphique. Et alors non, c'est assez riche. Et justement, il y avait des acteurs qui retranscrivaient très bien le côté un peu espiègle de Milou, parce que du coup, penser à ces pauvres acteurs. Ah, ça t'a plu, ça. On a dit, ah, toi, tu seras Milou. Alors le mec, bon, alors, il fait des imitations comme ça. Il parle un peu avec le nez, il parle un peu, l'accent est dégueulasse. Imagine l'acteur, tu joues qui? Bah, Milou. C'est assez bien foutu. Non, mais, en audio. Surtout que c'est que des acteurs qui sortent de la comédie française. Je pense que c'est des mecs qui ont des aspirations en termes de comédie qui sont assez hautes. Le mec, tu fais quoi? Milou. C'est ton rôle le plus connu. Eh ben ouais. Deal with it, mec. J'ai fait Milou sur France Inter. Ouais, mais trois mois d'affilée. Ses parents étaient fiers de lui, putain. C'est pas rien, tu vois. T'imagines, tu dis à ta famille, mon écoutez, je Milou, passe ce soir à la radio. Tu fais Milou, putain. Tu fais Milou. Enfant gâché. Et ton père te dit, mais je savais que ça servait à rien. Qu'on te paye des conférences, que tu fasses le chien. Qu'est-ce que tu nous fais chier avec ta comédie? Les immortels de rien. Il y a aussi eu du coup l'adaptation de Spielberg, on en a parlé tout à l'heure, en 2011, avec Peter Jackson à la production et Spielberg à la réalisation. Du coup, tu disais, c'était un peu l'Uncanny Valley, clairement, c'est un style graphique en 3D un peu chelou, qui veut faire mi-BD, mi-3D, qui se veut réaliste, mais en même temps pas trop, c'est hyper dérangeant, c'est à la queue entre deux chaises. Mais c'est, après, beau. Ça, non, mais c'est beau, c'est beau, c'était le secret de la licorne, non, ouais, c'est quoi, ça. Alors, moi, ouais. J'ai surtout une scène qui m'a marqué, c'est la scène de la reproduction où Haddock fantasme en fait le passé de son de son ancêtre, et donc t'as une scène de bataille sur la licorne, ouais, c'est trop bien, avec son ancêtre, c'est Pirates des Caraïbes, ouais, exactement, c'est beau, exactement, putain, c'est Pirates des Caraïbes, ouais. C'est super bien chorégraphié, c'est, mais après tu retrouves le côté vraiment un peu pervers de Jackson qui va vraiment chercher la mythologie et qui va essayer de rebalancer un peu, de se réapproprier le truc. Je trouve ça vraiment, enfin c'est un truc qui fait très bien avec ouais, c'est ça, il a rendu le truc plus badass. Je trouve que ce mec là est un pervers, il a une approche de toutes les choses qu'il essaie de s'approprier en rajoutant tout le temps trop. Non, je sais pas. Ouais, en fait, il fait, tiens, moi, je le ferai mieux. C'est ça, c'est clair, il y a clairement ce côté-là. Genre, je peux faire ce que t'as fait, mais ce sera mieux. Et, je vois un peu ça, il y a une espèce de surenchère incroyable que tu vois un peu dans cet instant-là. Mais attends, c'est réalisé par Spielberg et produit par Jackson, ou c'est l'inverse? Non, c'est produit par Jackson, mais ils ont tous les deux participé au truc. Et il y a moyen que s'ils font un jour la suite, ça soit réalisé par Jackson aussi. Enfin, ils sont tous les deux à fond dans le projet, quoi. Bon, il faut savoir que c'était donc un projet, dont RG avait connaissance. Spielberg avait contacté Hergé, ils s'étaient rencontrés. Et Hergé. Il est mort quand, Hergé? En 83. Ouais, 83. Mais... Ah ouais, quand même, donc ça date de. Ouais, Spielberg, après Indiana Jones, quoi. Donc il a eu énormément de temps à le Bah, parce que la mort d'Hergé a ralenti vraiment le truc. Mais Hergé lui avait dit, en gros, il avait un peu carte blanche pour même faire ça. Mais est-ce qu'on sait à quel point est-ce que ça s'est développé à l'étranger? J'ai envie de faire une espèce de. Je sais pas si vous avez la réponse, mais un concours de bits, en fait. Combien est-ce qu'ils ont vendu de BD l'an et l'autre? Je sais plus, j'ai plus les chiffres. Alors, parce que Tintin, c'est 230 millions, et c'est qu'Astérix, c'est plus. Astérix a vendu plus que Tintin dans le monde, ça je sais. Mais je sais pas 230 combien. Millions pour Tintin, ouais. Astérix, j'ai vu cet après-midi, je savais que ça, c'était 375 millions Astérix. Voilà. Mais c'est une différence. Il y a plus d'albums. Et le nombre de traductions, est-ce que vous l'avez celui-là? Je l'ai pas, mais c'est vraiment sale. C'est 90 pour Tintin, 90-100, genre 43 langues, 45 dialectes. Et pour Astérix, je sais pas, ça doit être plus. Astérix, c'est beaucoup plus parce qu'ils ont traduit. Il y a les Bretons, les Corses et tout ça. Sur les dialectes, en fait, ils ont fait énormément d'éditions différentes. Il y a même des éditions en latin. Ouais. Le problème, c'est que c'est, enfin, c'est des chiffres, c'est des chiffres tellement énormes que je me rends pas compte par rapport à un truc genre, qu'est-ce qui peut être énorme, j'en sais rien, genre, Naruto aujourd'hui, j'en sais rien, ou un truc comme ça. Est-ce que c'est, en termes de volume, c'est comparable ou pas? En termes de volume de vente ou de traduction? En termes de volume de vente, ouais. Non, de traduction, je pense pas, parce que, Naruto en latin, je suis pas sûr de ça, mais en termes de volume de, je me rends pas compte, mais fait, ça si c'est vraiment. Ça fait 40 ans qu'ils sont dans le circuit, donc tu peux pas comparer, en fait. Naruto, s'ils étaient là depuis 40 ans, peut-être que ça se vendrait autant, parce que ça reste un classique. Plus ils sont plus nombreux, on sait pas, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Non, mais c'est une question que je pose très naïvement. Par exemple, dans 30 ans, est-ce que, vu que non, c'est un classique, non, et bien, c'est simple, les auditeurs, vous regardez le nombre de ventes sur Naruto et vous faites la conclusion vous-même, du coup, pour savoir si c'est plus. Et voilà. La FK, c'est aussi là pour poser des questions. Exactement. Et ne pas y répondre. Interactif, on est 2.0 ou pas? Merde. Et il y a aussi, du coup, outre le concours de beat, les adaptations. Bah oui, bah oui. Ouais, Secret de la licorne de Spielberg, il est vachement bien quand même, ce film. Au début, j'étais un T'as peu. T'as craché dessus, toi? Non, j'avais regardé qu'une demi-heure quand j'ai craché dessus. Parce que j'étais un peu circonspect, parce qu'il mélangeait beaucoup de choses. Il mélange le Crabe au Prince d'Or, Secret de la licorne et Rackham le Rouge. Voilà. Mais en fait, c'est trois trucs qui sont liés, du coup. Donc, ouais, parce que c'est un mélange intéressant. Ça reste cohérent. Ouais, c'est les albums, de Haddock. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est la rencontre de Haddock dans le Crabe au Prince d'Or et les deux autres, ils fonctionnent ensemble. Même Spielberg, dans son interprétation, a compris que Haddock était le seul personnage vraiment intéressant de Tintin, en fait. Ouais, même Spielberg, c'est ça ce qui est drôle. C'est... Même Spielberg a compris que... Spielberg qui fait des personnages creux à souhait a compris ça, que c'est des ça. Personnages type. Mais c'est marrant parce que du coup, en matant cette adaptation, on voit clairement la filiation qui peut être un peu dure à faire parce que c'est une BD et l'autre un film, mais entre Indiana Jones et Tintin, quoi. Celle qu'on a sortie à Spielberg quand elle a fait son film, là, elle est claire. Certes, c'est Spielberg qui le fait, c'est lui qui a fait Indy, mais même en un sens, elle est là. C'est des aventures un peu pulp, et un c'est peu parce que clairement. Tintin lui est tombé dessus par Indiana Jones. Ouais, c'est ça. Le lien, il est déjà là, quoi. Et du coup, le lien, il est refait en sens inverse, et c'est vachement cohérent, rien que ça, que ça soit lui qui le fasse et que ça soit un lien qu'on fasse vivre. Je trouve ça cool, ça donne encore plus de corps à Tintin, en fait. Ouais. Mais après, je me rends vraiment pas compte de la du retentissement que ça a pu avoir dans d'autres langues. Je sais pas s'il a beaucoup marché ce film. Je sais pas. Des critiques assez mitigées globalement. Enfin, c'est moyen en fait. T'as l'impression que c'est un 3 étoiles sur 5, j'ai l'impression, globalement. C'est ça. Et tu parles du coup du retentissement dans les langues, surtout pour Astérix. Du retentissement d'Astérix ou de Tintin, tu vois, mais à l'étranger, parce que c'est vrai que nous on a une culture vraiment de la BD franco-belge qui fait qu'on l'a prise en pleine gueule dès qu'on était gosse. Bah, c'est la BD en fait. Oui, c'est la définition quasiment de la BD en France, enfin pour notre génération, je pense. Clairement, après pour à l'étranger, je me demande combien de temps ça a mis à percer vraiment, parce qu'après j'ai des témoignages assez édifiants que j'ai lus dans The Guardian, donc un article que j'ai trouvé cet après-midi en essayant de me renseigner environ une heure avant l'émission, n'est-ce pas, où j'ai vu plein de revenus hier soir, donc plein de gens qui, enfin des réalisateurs assez connus dont j'ai oublié le nom et que j'ai la flemme de chercher tout de suite, mais qui pouvaient dire qu'ils avaient effectivement été inspirés assez tôt par Tintin, donc dans les années 80-90 sur le truc. Il y a très souvent des gens qui ont retenu, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de filmmakers, de cinéastes dans leur interview, mais qui du coup ont été plus marqués par Tintin que par Astérix, qui vraiment ont retenu le côté, on va dire, progression d'une histoire, un scénario, machin, plutôt que juste le gag, et qui fait que j'ai l'impression que ça a quand même marché, mais vraiment assez tard, mais que ça a marché assez fort, quoi. Tout ce qu'on a dit sur Tintin, que c'était un rythme effréné, un truc de dépaysement et tout ce qu'on a dit sur Astérix, que c'était des clichés de nos voisins, ça fait que c'est moins bien traduisible, Astérix, simplement. Tu vois, comment tu veux rigoler des Corses et tout, quand c'est traduit Astérix. Je sais, mais moi, je connais pas la réponse, mais comment c'est perçu, comme tu demandes, à l'étranger par des lecteurs anglais qui lisent des blagues sur les Corses, ou alors même des lecteurs japonais qui lisent des blagues sur les Corses, est-ce que c'est drôle pour eux? Je pense que la traduction va être vachement compliquée pour un Astérix. Pas forcément au niveau des blagues, mais au niveau de l'attitude et de l'identification au personnage. T'avais un reportage sur ça sur YouTube, où ils interrogeaient Félix Sou. Reportage sur YouTube. Produit par YouTube, probablement, ouais. Je vous emmerde. Voilà, vous êtes gentil. S'il te plaît, oui. qui était pas mal et qui interviewait principalement des Allemands et qui disait qu'ils retrouvaient énormément mentalité allemande dans le personnage d'Astérix. Et pour beaucoup d'entre eux, Astérix c'est un Allemand. Alors déjà, super. On a été libéré par le général de Gaulle, donc arrêtez. Il est blond, il est petit, ça va, on a compris, il a la moustache. Ok, on l'a, c'est bon. Mais oui, c'est très étonnant que pour eux, c'est dans l'œuf ou pas qu'il n'a pas trop loin. Le super homme avec la potion magique, ouais, ça se tient. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc du sur homme. Il y a un truc. Il y a une solution magique fantasmée pour le peuple allemand, on sait pas. Une solution finale, par exemple. Allez. Ah voilà. Alors, les films Astérix, alors. Est-ce qu'ils sont arrivés plus tard, mais ils sont arrivés quand même. Ils sont arrivés trop tôt, on pourrait le dire. Parce que du coup c'était la surprise de César, le premier, c'est ça? C'était Astérix contre César. Contre César. Je me souviens plus, je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai pas eu le temps de le revoir. Alors bizarrement c'était un film culte de mon enfance. Et puis en fait c'est vraiment de la merde. Bah je crois que c'est pas... En fait je crois que ça, c'est une adaptation à peu près fidèle de l'univers, mais pas de l'esprit, je crois, en fait. Ouais, mais c'est... Déjà on nous sert tartine de Roberto Benigni. Ah ouais? Ce qui est à peu près scandaleux. Bah bien sûr, il était là. Je l'ai pas vu depuis bien longtemps, donc... Il était là. Mais après, il y avait un côté très... L'analyse, bien sûr, il était là. Il y avait un côté très fierté française où on va sortir une espèce de pléiade incroyable d'acteurs. Ouais, c'est moment, il y en Obélix, y avait un, quoi, c'était pas Astérix, c'était une espèce de très grand caméo, quoi. Un caméix, tu vois, c'était assez étonnant. Et Claude Berry, d'ailleurs, ne connaissait absolument pas Astérix, et c'est son fils. Ouais. Thomas Langman qui lui a mis la presse en lui disant mais tu devrais vraiment faire Astérix, tu devrais prendre les droits avant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui les prenne. Voilà, une option, c'était vraiment une vision thune et on ça se ressent dans le film qui est absolument à chier. Que Depardieu fait un bon Obélix. Ah bah oui. Ouais. C'est clair que dans nos têtes, faut avouer que c'est quand même lui qui est associé. Pour les prochains films, alors je sais pas qui gère ça, mais en gros ils veulent changer tous les acteurs et le mec qui va faire Obélix à mon avis il a une grosse pression quoi. Ouais. Autant celui qui va faire Astérix. Moi, je pourrais faire Obélix. Mais après, Depardieu, enfin, elle est très bon de base, donc, oui, ouais, voilà, il clairement. Fait, ouais, mais c'est lui qui sauve d'ailleurs, même pas, mais c'est le seul qui surnage dans le bourbier, que sont les suites, de Mission Cléopâtre, les deux films qu'il y a derrière. Les Jeux Olympiques et au service de sa majesté. Ils sont compliqués, hein. Ah, je sais pas, moi, à la base, je devais faire mon autodafécal sur Astérix aux Jeux Olympiques. Je croyais que t'allais devoir tourner dans le film. Tu m'attendais une anecdote incroyable. J'avais été pressenti pour faire Tsang. Une erreur de casting, si un peu malheureuse. Il devait faire idée fixe. Est-ce que vous l'avez vu Astérix aux Jeux Olympiques? Ah, il y a très longtemps et j'ai pas souhaité le revoir. Incroyable. J'ai osé le voir. Incroyable. Oh. C'est d'une nullité. C'est de la merde. C'est scandaleux. Mais j'ai vu un truc, c'est, alors, on attend pas Assurance Tour X. Ah oui. Pour Franck Dubos qui arrive en mode, en citant camping, du coup, donc c'est, voilà. Alors, ce qui est très très drôle, c'est que. Mais là, il y a un truc de l'humour de, pardon, mais il y a un truc de l'humour d'Astérix, tu vois, les références. La référence, les trucs, c'est dans l'esprit. J'ai trouvé une interview du réalisateur, donc Thomas Langman, le fils de Claude Berry, qui disait, oui. Ah, c'est une dynastie de réalisateurs d'Astérix, en fait. Ça vache. Tout ça pour ça. T'as eu Alain Chabat gâché. Et le mec ose attaquer Mission Cléopâtre en disant ce qui marchait pas dans Mission Cléopâtre à l'international, c'est que c'était trop des références françaises, on comprenait pas trop, donc on a voulu faire des références à l'international justement pour que le truc marche bien et que ça puisse s'exporter en Europe et faire de la thune, tu vois. Donc le mec dit clairement notre président, la référence c'est Franck Dubos qui fait camping. Voilà, et t'as Francis Lalanne, le gag c'est qu'il s'appelle Francis Lalanix et du coup on rigole bien quoi. Ouais. Et c'est des trucs comme ça. Et le mec dit voilà, il fallait qu'on arrive à exporter pour l'Italie. Francis Lalanne. Ah, ça s'exporte. Mais c'est ça quoi. Mais il est super connu. Ça Francis Lalanne. C'est scandaleux. Mais même Mission Cléopâtre, c'est drôle. C'est un film pas mal. Bah, c'est le meilleur. C'est quel le meilleur? C'est celui-là. C'est le meilleur. Mais moi, je trouve que c'est pas une bonne adaptation d'Astérix en fait. C'est un bon film de Chabat. Ouais voilà. Ouais. Que avec un skin Astérix. Ouais, mais ceci dit, et je trouve que dans l'esprit, dans l'humour, dans l'anachronisme, il a quand même réussi à faire quelque chose. Ouais, parce que c'est son humour aussi. Mais c'est ça. Mais je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui fait que ça ressemble en rien à Astérix. C'est vrai, c'est un peu Astérix. Trop un humour des nuls peut-être pour être Astérix. Mais du coup, reste la meilleure adaptation, c'est peut-être le Domaine des Dieux, le film d'animation de synthèse. Je pense que c'est la meilleure adaptation. Ah oui, ouais. On est plus dans le vrai qu'il a fait ça. Et qui est très bon. Franchement, qui pour le coup est hyper fidèle à l'œuvre originale, qui est drôle, qui est graphiquement très fidèle aussi et très beau. Moi, j'ai trouvé que le seul point un peu négatif, c'était les doublages qui étaient pas très bons sur le film, parce que comme d'habitude on prend plus des doubleurs pour faire les films d'animation, on prend des acteurs parce que ça fait des têtes d'affiche, ouais. Et c'est pas le Norman, même métier. Norman, Squeezie. Ouais, mais voilà, Squeezie fait des fixes, moi j'étais pas là. Non mais tu vois, c'est pas le même travail, et je trouve que dans le domaine des dieux ça se ressent un peu. Ouais, il a voulu caser l'équipe de Kaamelott, ça fait plaisir parce qu'on aime bien Kaamelott, on aime bien Astérix, et puis voilà. Mais peut-être ça reste dans la référence française organique comme adaptation, parce que à Kaamelott, c'est le même humour que Astérix, c'est de l'anachronisme, ça marche sur les mêmes choses en fait. Du coup, dans l'héritage d'Astérix, il y a Kaamelott. C'est ça, c'est pour moi, enfin, en relisant Astérix, je me suis rendu compte, c'est les mêmes ressorts comiques en fait. Ouais, mais il y a une écriture qui est d'un tout autre niveau aussi. Vraiment, on sort de l'amateurisme aussi, on passe pro, tu vois. Ouais, c'est ça, mais c'est bien qu'ils reprennent le bébé parce que. Ouais, bien sûr, ouais. Heureusement qu'il s'est rattrapé d'ailleurs par rapport à Astérix, parce que le mec devait vraiment se sentir mal parce qu'il a joué dans Astérix aux Jeux Olympiques. Ah oui, c'est vrai, il joue un centurion, ouais. Non ouais, et c'est nul à chier, c'est vraiment pas drôle. Le mec, ça a dû lui faire mal de jouer dans ce film, quoi. Et j'espère. Heureusement qu'il s'est rattrapé derrière, parce que c'était scandaleux. Donc ouais, mais donc meilleure adaptation d'Astérix, ça serait du coup Domaine des Dieux, Et mais Mission Cléopâtre c'est drôle, mais c'est peut-être pas Le dessin animé Mission Cléopâtre, c'est très très bon pour le coup. Il est un peu lent parce qu'il est vieux, années 60, c'est un rythme un peu plus lent. Je pense que le meilleur dessin animé non, c'est Les 12 travaux. Aussi. Les 12 travaux, c'est vraiment un dessin animé magistral, je trouve. C'est vraiment, un classique. Et c'est en plus c'est un truc qu'on n'a pas du tout parlé, mais il y a dans Astérix et dans l'humour aussi, il y a la satire. On a Abracastix, satire d'autorité, les Romains satire des policiers souvent qui sont ivres, un peu procéduriers et tout. Et là les 12 travaux c'est clairement tout ça élevé au rang, enfin au rang de film. Enfin, c'est tout le film est une satire de le fameux laisser passer à 38 avec. Voilà. Et donc, enfin, pour moi, 12 travaux, c'est vraiment le meilleur dessin animé d'Astérix de loin, quoi. Il surnage de ouf. Et même, ouais, il y a l'épreuve de où il monte en haut de la montagne là. Et d'ailleurs, il y a une référence à Tintin là-dedans, parce que Astérix et Obélix montent en haut de la montagne pour voir un vieux sage qui va leur poser une énigme. Ils se font attaquer par un qui vend la lessive, non? Qui justement l'énigme c'est de savoir quelle tas de linge a été nettoyé avec la lessive Olympus et la lessive des dieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a la satire de la publicité qui est peut-être aussi une satire de la création même du parc Astérix et de compagnie, ouais. Et des produits dérivés qui doivent bien ramasser. Après, il y a ramasser. Une espèce de dans Astérix, il y a une espèce de sacralisation aussi de la création de l'œuvre, dans la mesure où t'as plein de hors-série en fait. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de hors-série dans Tintin, je suis pas assez connaisseur, je pense. Mais je sais qu'il y a beaucoup de genre Uderzo croqué par ses potes, comment Obélix est tombé dans la marmite quand il était petit, qui étaient des albums qui étaient pas vraiment des albums en fait, qui étaient vraiment très narratifs, un peu illustrés, qui étaient vraiment dans la côté. Il y a un côté. Album. Ouais, mais qui a été adapté en album illustré après, et pas en bande dessinée. Qui sont mi-making of, mi-mercantile. Il y a un truc un peu sale là-dedans. Ouais. Et vraiment, Ils sont bien fait chier à faire naze, un dessin animé. On peut le dire, ça fait 2 heures d'émission. On peut dire qu'Astérix, c'est nul. Mais non, on va en parler à la fin, à la toute fin. Il y a aussi, dernier truc, des références culturelles dans Astérix, on n'a pas vu, mais juste en passant dans l'humour. Du coup, c'est bien que, ça peut être plus facilement adapté que Tintin maintenant, parce que même si on rajoute des références culturelles de maintenant, ça reste dans l'esprit d'Astérix. Oui, en c'est fait. Ça. Donc, ça peut être plus facile à adapter. Et il y a aussi, en parlant de références culturelles, mais je pense Astérix, que le fait de ne pas avoir de références culturelles dans Tintin, ça garde aussi le côté intemporel de l'œuvre. Ouais, c'est pour ça que je trouvais pas sa pertinence qu'il disait, je parlais de. Faut le dire, il dit n'importe quoi, c'est de la merde. Maintenant, parce qu'il y a, on peut faire des références. Même si maintenant je fais une blague sur Netflix, ça sera quand même dans un Astérix, ça sera quand même drôle. Parce que quand les mecs l'écouteront dans 200 ans avec la FK, ça sera devenu un truc Astérix incroyable. Astérix, les albums peuvent vieillir parce qu'on les comprend plus, enfin on comprend plus certaines blagues, mais le style d'humour peut continuer à, la recette peut continuer à être adaptée. D'accord. Alors que Tintin, ça va être intemporel. Ouais. Et il y a d'ailleurs dans Astérix, les Belges, il y a Dupont et Dupont. C'est vrai. Voilà. Dit comme ça en passant, donc petite référence culturelle de plus. Voilà, quand on commence à dire les trucs dans le désordre, c'est qu'il est temps de passer à l'axe 3, non? Exactement. Et pour juste contrebalancer ce que je disais, que Tintin c'était mieux que Astérix, quand Goscinny est mort, Hergé a dit Tintin s'incline devant Astérix. Voilà, on pourra en rediscuter. Ça coûtait pas cher à dire en même temps. Non, mais oui, c'est de la pub gratuite, c'est une façon de dire on est au même niveau. C'est une façon de dire Tintin est toujours vivant, donc. Ouais, vous pouvez acheter les albums de Tintin. C'est tellement facile. On va passer. À l'axe 3, mais le dernier. Mais avant ça, une petite annonce, une petite coupure pub. C'est pas l'heure de ma chronique. Justement, en lieu et place de la chronique qui devait avoir lieu de Zaza, on va lancer un petit concours. Et oui, on n'a jamais fait, c'est super, c'est incroyable. Pourquoi on fait ça? Parce que j'ai une clé pour Dark Souls 2 Scholar of the First Sin en trop. Donc autant la donner à un auditeur. Pour ce faire, comment ça, participer? Ça, c'est du lot de luxe. Et ça coûte 30 balles, donc je vous fais économiser de la thune. Et ça, c'est sympa. Et je vous l'offre avec plaisir. En plus, vu que. Et c'est un jeu qui se périme pas. C'est un très bon jeu. Un jeu intemporel, exactement. Et ça, c'est beau. Donc, comment le gagner? Vous vous demandez sûrement. Et les gens se demandent partout, se demandent comment je fais pour avoir ce jeu, Stavros. Je m'en fous complètement. Eh bien, c'est simple. Il faut écrire le meilleur poème sur Footix que vous pouvez. Vous nous l'envoyez. Tu peux nous donner un exemple? Non. Parce que je veux pas influencer les auditeurs. Est-ce que les auditeurs peuvent faire des haïkus? Oui, un poème, un haïku, peu importe ce que vous voulez, un sonnet, une balade, une autre. C'est pour qu'ils se fatiguent pas trop et qu'ils puissent... la nationalité de la poésie, ça passera. Qu'ils puissent envoyer ça sur Twitter en 140 caractères. En Twitter ou alors en commentaire iTunes en mettant 5 étoiles, sinon ça ne sera pas validé. ou alors vous faites une lecture du poème, carrément, vous nous l'envoyez et ce sera diffusé dans la prochaine FK. Voilà. Carrément. Ouais, ou sur Facebook, enfin comme vous pouvez, comme vous voulez, par mail. Par la poste. N'importe quoi. Et un dessin, des avions dans le ciel, un truc, n'importe quoi. On choisira le meilleur poème sur Footix. Pour gagner ce jeu, cet exemplaire. Et j'annonce, on est à la FK 25. La moitié. la moitié du trajet jusqu'à la 50. Si on arrive à la FK 50, qu'est-ce que je fais? Je me fais tatouer en footix. Et c'est pas une blague. Si on arrive à la FK 50, je me ferai en honneur de la FK 50, tatouer un footix quelque part sur mon corps, je ne sais pas encore où, mais il y aura un footix. Tu dis ça pour que j'arrête pas. Fais gaffe, hein. Non, je dis ça pour de vrai, je suis sérieux. C'est une vraie annonce. Et moi, je vais faire une autre annonce. On arrivera à la FK 50. Quand bien même il faut faire comme la FK 6, ne pas en diffuser certaines, y a pas de souci. Quand bien même je viendrai à toutes les émissions, je serai là pour que la FK arrive aux 50. On sait que ça a fait une annonce un peu, il ne le fera pas, je le ferai. C'est vrai, c'est ancré dans le marbre, vous l'avez entendu, ancré en MP3 sur internet. Si on y arrive à la FK50, il va se le tatouer sur le crâne et il sera poussé les cheveux. Je sens venir le truc. Non, non, pas du tout, ça sera choisi par les auditeurs. Ce sera où? Vas-y, dis où c'est. Bah, je sais pas, non, mais après c'est moi qui choisis où c'est, on va pas non plus déconner, mais il sur sera. Le cul. Sur le pénis. Voilà. C'est une belle annonce, c'est un preuve d'engagement. Est-ce que on est à la moitié du chemin? J'ai envie qu'on fasse que l'autre moitié. Ça serait cool que tes boules soient un peu comme le dessous du coq, tu vois. Genre... un truc stylé. Genre la glotte. En plus, ma bite a une forme de ballon, du coup, il pourrait tenir sur le bras. Oh, ok, ok, ça va beaucoup trop loin. Voilà. Merci. J'irai en prison. J'espère que pour... on a plus déjà dit Stavros s'engage pour rien. Là, Stavros s'est engagé corporellement pour de vrai. Il faut arriver à la FK50, même si vous devez payer parfois, ouais, les auditeurs, c'est dans 4 ans, c'est ça y est. Ah, c'est, en fait, c'est commercial. Non, non, j'ai pensé à ça tout à l'heure, ça me faisait rire, donc je vais le faire. Et voilà. Le footix, FK50, pensez-y. Même si on passe de la 26 à la 49, c'est ça que tu veux dire, toi, Steven, mais. Oui. Lancez le hashtag maintenant. Stavro, footix. C'est ça. FK50. Ouais, j'arrive en deux, j'aurais dû penser à un hashtag, c'est vrai, si j'étais ah ouais, un vrai comédien. C'est raté, t'as raté l'effet d'annonce. Hashtag footix50, voilà, sur Twitter, balancez-le, et plus il y en aura, plus footix sera gros. Ah, je vais tenir des comptes, à 500 footix, il est à l'échelle 1, ça fait la taille de Stavro. Et je vais commencer tout de suite à spammer. Et voilà, c'était la petite annonce en guise de chronique, parce que ça ne travaille pas. Et on va pouvoir passer admirablement et sûrement avec beaucoup d'humour et d'amour à la dernière partie du podcast sur Astérix et Tintin. Ça manque de chronique quand même. Et Tintin, de gauche ou de droite? De gauche ou de droite? De gauche ou de droite? Est-ce que ce succès d'Astérix qui date d'il y a une dizaine d'années, est-ce qu'il n'a pas correspondu un peu au retour de Gaulle? À gauche, à droite, quelle différence ça peut faire? Et Tintin, de gauche ou de droite? À gauche, à droite. En même temps, en même temps. On se retrouve du coup pour le dernier axe de la fucking kermesse, où on va analyser, après avoir un peu parlé des ressorts sur lesquels étaient basées les œuvres dans la structure interne, on va pouvoir voir quelles valeurs elles véhiculent et quelle lecture politique on peut en faire. On a déjà un petit peu parlé de quelque chose par-ci par-là, mais on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, attaquer ça à la jugulaire. Là du coup, on a parlé de Tintin et d'Astérix, on a essayé de les comparer un petit peu en tant que personnages, on peut les comparer en tant que héros. Quels sont les types de héros qu'ils sont chacun de leur côté? Tintin, c'est un héros comment? Tintin, c'est un héros, somme toute, extrêmement classique. Tintin, c'est Totor. Tintin, c'est... C'est quoi, Totor? Tintin, c'est Totor. Tintin, c'est Totor. C'est un mantra incroyable. On comprend pas, là, comme ça. Totor, c'est le premier personnage de... Et Totor, c'est Tintin. ...de RG, qui a percé un petit peu, qui était donc... dans le journal le 20e le soir avant. Non mais pas du non, tout. Le 20e siècle, c'est ça? Non, avant, c'était avant le 20e siècle. Totor, c'était pas dans le 20e siècle. Non, c'était dans un journal scout. Ah, mais t'as carrément raison, je suis une tanche en fait. Oui. Mais je me souviens de Totor qui était donc un boy scout parce que Hergé a été vachement marqué par ses années scoutistes et scout du coup, le scoutisme est un scout, pas un scoutiste. Oh merde. C'est la fin de l'émission. Moi je suis bourré, hein, je vous le dis direct. On est tous là. Retiens juste que Tintin c'est Totor. C'est bon, je l'ai celle-là. Tintin c'est Totor. Et donc c'est un héros qui véhicule une morale, somme toute, assez blanche, bourgeoise, et judéo-chrétienne. Et, oui. Peut-être pas judéo, mais surtout chrétienne. Surtout chrétienne. Bah, en fait, Tintin, c'est à la base, il faut expliquer la figure de l'abbé Wallet. C'est important, l'abbé Wallet. Et le mec, il est type A, Tintin, c'est Totor, et c'est aussi l'abbé Wallet. Donc, et c'est Mamie Nova. Tintin, c'est basé sur un le mec, il a des angles d'attaque incroyables. Tintin, c'est basé sur un personnage scout qui est Totor, et Hergé était sous la coupe d'un homme qu'on appelle l'abbé Wallet. Sous la robe. Qui est de l'abbé Wallet. Sous la robe. Alors, qui c'est l'abbé Wallet? L'abbé Wallet, donc il a un nom rigolo, on peut le dire déjà. Avant de parler de l'homme, avant de rentrer, de voir qui est cet homme, on peut dire il a Tintin un nom rigolo. Sous la robe. L'abbé Wallet. L'abbé Wallet. Et pourtant, ça roule sous la langue, la Exactement, mémoire. Exactement. C'est un personnage de Tintin au Congo. Super. Et pourtant, il est pas très rigolo comme type. Bah, il est pas très rigolo selon nos critères actuels. C'est le, du coup, c'était le rédacteur en chef du 20e siècle. Voilà. Et donc, qui est donc du journal, hein, pas du siècle. Moi, que mais ses opinions, il a peut-être un peu géré quelques trucs. Et... Donc parle-nous de ce type. Donc c'était le mentor en fait de Hergé qui l'a énormément marqué, qui du coup a décidé que dans le 20e siècle qui marchait bien, il fallait rajouter un supplément qui permettait d'imprimer donc cette morale catholique aux jeunes petits belges donc qui lisaient la jeunesse Tintin aux enfants des lecteurs du 20e siècle, et donc il a proposé à Hergé de rajouter un supplément qui permettrait donc de véhiculer les idées finalement défendues par ce prêtre catholique. Donc c'est ce qui a donné donc les pamphlets anti-soviétiques, ouais, qu'il y avait dans Tintin aux Soviets, anti-capitalisme qui avait dans Tintin en Amérique, dans Tintin en Amérique, anti-congoïde, et surtout pas tant anti-congoïde mais pro-colonisation. Voilà, on vient pour civiliser ces vraiment barbares très très Congo, qui était donc le Congo qui un était un peu ambiance Michel Sardou tant béni des colonies quoi. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est la principale colonie belge, et donc à l'époque il y avait un vrai enjeu de véhiculer donc cette image du bienfaiteur occidental qui vient montrer que voilà, c'est sauvage, on vient même les civiliser. Blanche ahurissante dans Tintin au Congo où on voit un petit noir qui dit, et dire que en Europe tous les petits blancs ils sont comme Tintin. Ils sont roux. Et je trouve la planche que Hergé a changé plus tard, la leçon de géographie, on leur dit, je vais vous parler de votre patrie, la Belgique. Ouais, genre les vos ancêtres les Gaulois. C'est ça. Et du coup, l'abbé Wallet, il a vachement influencé Hergé pendant longtemps, et après il s'en est détaché, c'est comme ça qu'on a eu le Lotus Bleu et des trucs un peu plus ouverts d'esprit que ça l'était au début, quoi. Mais même lui, il arrive à dire, on lui dit, mais vous vous rendez compte que c'était raciste que vous faisiez au début? Il dit, c'était raciste dans un certain sens, mais c'était en phase avec mon époque. Oui. Et donc, c'est pas un bourgeois belge qui avait entendu dire les Congolais, faut leur apprendre et tout, quoi. Il a juste repris ça, en fait. J'ai un bout d'interview où il en parle, si vous voulez. Et Tintin, il est de gauche ou de droite? Il est de part. Au début, quand même, de droite, non? Ah oui, sûrement. C'est un reporter d'un journal catholique, n'oubliez pas. C'était un journal, donc, le 20e siècle, qui était non seulement confessionnel, mais aussi, qui était, je crois que le directeur était un ami personnel de Mussolini, c'est vous dire la tendance. Et de toute façon, c'était à ce moment-là, c'était pas la Russie soviétique, c'était les bolcheviks. C'était l'homme le couteau entre les dents, c'était les atrocités, c'était les brisures de cloches, enfin, vous faites massacrer des familles entières. C'est d'où le premier Tintin au pays des Soviétiques. Voilà. Donc il est de droite à ce moment-là, nettement, oui. Et est-ce que... Mais enfin, après, il devient alors anticolonialiste, il devient... Petit à petit, il évolue. Donc voilà, on voit Hergé qui dit qu'il y a une vraie évolution de Tintin, et c'est vrai que quand on lit les BD, à partir du Lotus Bleu, on a une véritable... Le Lotus Bleu, c'est ouf. Bah, Tintin évolue parce que lui, il évolue. Et c'est là qu'on voit à quel point il met de lui-même dans ses œuvres. Même le Lotus Bleu, après, assez naïvement, on arrive dans une quête de Tintin qui part contre des trafiquants d'opium, ouais, des trafiquants de ce genre de trucs, qui sont vraiment des drogues qui t'ouvrent un peu, qui sont réputées comme t'ouvrant un peu l'esprit. Il y a vraiment ce côté-là où Tintin sort, on va dire, un peu du message un peu mainstream, un peu dirigiste, pour s'élargir lui-même à une espèce de plus grande philosophie. Bah, surtout que la prise de position politique de Lotus Bleu à l'époque, dans les années 30, de critiquer l'occupation japonaise en Chine, c'était assez... La Manchouille osé à l'époque. Enfin, le Lotus Bleu, c'était vachement engagé, quoi. Il s'était engagé pas dans le sens... mainstream de l'époque, du coup, quoi. Mm-hmm. Donc clairement, il a vite retourné sa cutie, Tintin. Et surtout Tintin et donc Hergé, là les voyages, c'est des vraies aventures où on découvre et on sort vraiment des clichés, parce que voilà, Tintin au pays des Soviets, c'est que des clichés. Tintin au Congo, c'est que des clichés. Tintin en Amérique, c'est une critique du capitalisme qui a tous les traits, enfin, qui est du gangstérisme, et on est vraiment dans la... C'est même pas de la satire, en fait, c'est que du cliché. Et à partir de Lotus Bleu, il y a un vrai travail sur ça. Et les aventures de Tintin viennent de vraiment des rencontres de d'autres peuples. On revient au côté un peu découvreur, un peu journaliste, du mec qui va à la rencontre. C'est comme si c'est ça qui est marrant, c'est que lui-même, il dit que dans les premiers épisodes, ça ne l'intéressait pas de faire du réaliste, ça ne l'intéressait pas de rechercher. Et voilà, qui colportait clairement des on-dit. Il avait entendu des gens parler de différentes pas de la Chine Congo, du coup, des Congos. Voilà, de telle façon, rapporter des histoires, et que lui, voilà, c'était pas son but de faire du reportage en gros, de faire un truc réaliste. Mais ça se trouve, avant, Tintin travaillait chez Minute, tout simplement. Bah oui, grosso modo, c'était ça. Il a changé de direction, et voilà. Les cryptides de la Yeti, quand j'étais venu la dernière fois, c'était aussi un peu lié à Tintin, avec une histoire de si un Yeti dans Tintin au Tibet, c'était aussi parce que, je crois, il y avait un de ses potes qui était un fervent défenseur de la théorie des cryptides. Oui, il y avait un truc là, c'est lointain pour moi. Un des éminents cryptozoologues était un ami d'Hergé. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment un côté témoignage de science approximative. Ouais. Ouais, et c'est d'ailleurs dans. Il dit pas l'abominable homme des neiges, il dit juste l'homme des neiges. Ouais. Il ne porte pas de jugement sur. Il ne porte pas de témoignage, l'objectivité, la neutralité absolue de Tintin. Le belge suisse. Si, si, il parle de l'abominable. Ouais, il y a des mangeurs qui disent l'abominable. Ah, bon, bah, moi j'avais lu que non. Mais okay. Et peu importe. Et surtout, le Yeti, là, c'est vraiment la rencontre de l'altérité totale qui n'est pas abominable pour le coup. Et on sait découvrir aussi que l'autre, au-delà des clichés qu'on a, et tout se passe comme si toute l'histoire de Tintin, c'était ça. C'est ce petit raciste à l'esprit un peu étriqué. Ce petit scout. Décrit. Ce petit raciste direct Tintin, en deux heures d'émission, il a chuté au stade de plaisir. Non, mais le Tintin. Ce petit roux qui ne supporte personne. Mais c'est ça. Ce petit roux de Tintin au Congo qui, à force de découvrir le monde, va découvrir qu'en fait, bon, bah, les autres, c'est pas. Il est un peu con. Ouais, c'est ça. Avec, finalement, jusqu'à les bijoux de la Castafiore avec les Roms dont je parlais tout à l'heure, où là, c'est le capitaine Haddock qui va les accueillir chez lui. Tout le monde lui dit. Tu te rappelles les comédies françaises? Didier Bourdon, tout ça. Ah, bras ouverts. Tout le monde lui dit, faut pas faire ça. Les Dupont et Dupont, ils, vous savez, c'est comme des voleurs. Faut pas les accueillir chez nous. Et ils s'en foutent, ils les accueillent. Donc il y a vraiment un véritable accueil qui se crée dans Tintin avec une vraie rencontre de l'altérité. Donc il y a vraiment ce changement qui. Et dans Lotus Bleu, c'est clair. Enfin, à chaque fois, on croit que les Chinois vont l'attaquer. Genre, c'est vraiment un Chinois le tire dessus. En fait, c'est pour détruire une tasse de thé qui était empoisonnée. À chaque fois, on croit que c'est le Chinois lui veut du mal. Alors qu'en fait, il le sauve à chaque fois. Du coup, c'est vraiment. Mais dans Lotus Bleu. Les préjugés racistes. Ouais, dans Lotus Bleu. Le sont pas. Les Chinois, ils sont sympathiques. Par contre, les Japonais, ils sont un peu caricaturaux. C'est vrai que les Japonais, voilà. Bon. Bah, il a encore du chemin à faire. Ouais. Bah, là, au-delà de l'humanisme et de la représentation des peuples, c'est là où on rentre dans l'engagement politique. Vraiment de Tintin qu'on n'a pas encore commencé à décrire, mais qui commence justement avec le Lotus Bleu, où on a vraiment cette prise de position donc contre l'occupation japonaise, mais qui va se retrouver après dans le sceptre d'Otokar, où on va avoir un certain Mussler, donc habile contraction de Mussolini et Hitler, qui va être donc le dictateur qui essaye d'annexer habile, ce pays. J'aurais pas dit ça, mais j'aurais dit facile. C'est deux écoles. C'était malin, merde. Moi je savais pas que c'est. Franchement, quand vous avez lu Mussler, vous êtes dit putain, c'est Mussolini Hitler à 8 ans ou à 9 ans. Parce que j'avais 12 ans. Bon, bah fermez-la. Voilà. Oui, c'est subtil quand t'as 12 ans. Ouais, Aujourd'hui, il ça en est resté là, grave. Là, ça. Mais globalement, Tintin, c'est subtil quand t'as 12 ans, faut arrêter. Après, c'est beau. Après, c'est beau. Après, c'est riche. Attends. Là, on arrive sur l'un. Donc, machine. On arrive sur l'un des vrais points de Tintin, en fait. Jusqu'à quel point c'est pertinent, jusqu'à quel point est-ce qu'il témoigne d'une situation, jusqu'à quel point est-ce qu'il n'est pas caricatural. C'est la frontière est tout le temps, t'es tout le temps baladé, en fait. C'est pas neutre. En fait, on te vend le mythe de l'objectivité de Tintin qui porte soi-disant un regard neutre, mais c'est pas du tout neutre. Dans ses prises de position politique, c'est engagé. C'est clairement engagé. Je pense que le mythe de cette objectivité, il est porté par l'esthétique de la presse. On en a parlé, Tintin, c'est un reporter qui n'écrit pas beaucoup. Pourtant, il y a beaucoup de liens avec le journal dans Tintin. Il y a des cases journal souvent, genre des cases qui reproduisent des articles. Il y a souvent le journal un rôle dans l'histoire, un rôle narratif, genre on apprend une nouvelle dans le journal, le journal permet de résoudre des trucs et tout. Et du coup, on pense que c'est objectif parce que c'est vachement lié à la presse et parce que c'est un reporter. Et parce que souvent, ses objectifs, c'est de découvrir juste la vérité, ce qui en soi est une quête objective. Mais je pense que même si c'est une vraie quête d'objectivité pour le coup. Et je pense que même si Hergé n'est pas objectif dans sa description du monde ou des voyages qu'il fait, on peut peut-être revenir à ce que je demandais, quel héros est Tintin, même si Hergé n'est pas objectif, Tintin et ses valeurs peuvent permettre de transcender en fait le non-objectivité. Ouais, je suis d'accord. Tintin, il essaie d'être objectif. Mais l'univers et les aventures que lui fabrique Hergé ne le sont pas. C'est ça. C'est marqué politiquement. Mais Tintin, il a cette éthique du journaliste et du reporter. En fait, ça, les valeurs de quel héros est Tintin, c'est un héros qui parle déjà beaucoup, qui parle avec tout le monde, qui dialogue. Avant, il se cassait souvent, mais il parle aussi vachement. Et quelle autre valeur il a, Tintin, pour vous, en tant que héros, vraiment? Bah, c'est un garçon qui est brave, qui a pas peur de l'adversité, qui monte au carton assez vite. C'est un mec qui a beau être neutre, qui a beau être une espèce de genre parfait, c'est un mec qui, dès qu'on lui chie dans les bottes, va tout de suite à la castagne, quoi. C'est un mec qui a pas peur d'aller taper. Vrai, ouais. Et vraiment, après, il a la chance d'être secondé aussi par Milou, qui est assez vénère aussi et qui défend vraiment ses intérêts. Mais c'est fou parce que, en fait, à eux deux, ils forment un seul et même personnage. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tandem indissociable, comme dans un MMORPG. On dirait que c'est un chasseur, tu vois. C'est un mec, tu diriges deux personnages qui sont une seule et même personne. C'est la même chose dans Tintin. Je me rends compte qu'on parle pas beaucoup d'Astérix quand même. Non, parce que là, on va y venir et on dira que c'est misérable, mais c'est mon point de vue. Et du coup, Tintin, donc on a dit, il parlait, c'était un héros ouvert, qui parlait beaucoup, qui prêchait le dialogue, mais qui se laissait pas marcher sur les pieds ou chier dans les bottes. Astérix, du coup, on peut en parler. Quel héros qui chie dans les bottes d'Astérix, s'il vous plaît. Astérix, Nemesis peut-être, mais. Même Astérix, lui, c'est Achille. Ou Ulysse, quoi. Il y a un petit côté héros invincible, effectivement. Et irascible aussi. Et vachement dicté par ses. Ouais, c'est ça, ses pulsions. Achille, c'est le héros qui. Moi, j'aurais dit Hercule. Mais qui a des impulsions aussi. Quoi. Mais qui a ses impulsions. C'est vraiment ça dans l'Iliade. C'est le héros, mais qui est pas, au final, très, très, très malin. Il est Astérix, par contre. Astérix, il est rusé. Juste, il est agile, il a des envies et il les poursuit et il les réussit. Mais il a ce truc de pas se poser de questions, en fait. S'il faut aller à la castagne, on y va. S'il faut passer par là, on y va. Mais il a le pendant qu'a Achille, c'est-à-dire la colère. Ouais, mais Astérix, à chaque début d'album, il est présenté comme le guerrier. Il est rusé. Mais il a vraiment cet aspect. Moi, je pense qu'il est plus. En fait, dans ce qu'on voit d'Astérix, il y a pas de ruse de ouf. Il est peu rusé, ça. C'est-à-dire que sa seule ruse, c'est à un moment. Je sors ma gourde. S'il y a un problème, magique. Je bois ma gourde et je défonce la gueule du mec. C'est vraiment, il y a une solution hyper facile. C'est le niveau zéro de la ruse. C'est le moment où on peut y aller à fond là ou pas. C'est la fin de la mission. Vas-y. Pour moi, il y a une différence fondamentale entre Astérix et Tintin. C'était que Tintin, c'est un mec qui va réfléchir et s'adapter à une situation, essayer de trouver une solution. Ouais. Alors que Astérix, c'est un mec qui systématiquement va employer la force et défoncer les mecs qu'il a en face de lui. C'est un ressort même comique attendu dans la série, c'est-à-dire que le moment où Astérix en aura marre, va juste boire sa potion et défoncer les types. Il y a quelques endroits de ruse. Je sais pas, par exemple, dans Astérix et les 12 travaux. Oui, il peut pousser un peu les mecs à réfléchir comme lui. Voilà, les 12 travaux, comment il retourne l'administration contre elle. Ouais, le laisser passer à 38, il va leur dire je veux le laisser passer à 39. Ouais. Et il y a des moments de ruse, mais moi je trouve pas que ce soit le trait. Non, je dis pas que c'est le cas, juste qu'on nous le présente comme ça en tout cas. C'est la valeur qu'ils aimeraient qu'il ait. Mais après, c'est sûr qu'à côté d'Obélix, il est malin, mais bon, c'est facile. Et d'ailleurs, on parle d'Obélix, je pense que Astérix il peut pas être envisagé comme héros sans Obélix en fait. Pour moi, c'est un peu assez. Bien sûr. C'est un Astérix tout seul, il suffit pas, faut qu'il y ait Obélix avec lui pour être un vrai héros. Politiquement, en fait. Obélix c'est un mec qui est juste intransigeant parce que dans la mesure où. Il ne change jamais d'avis. C'est un mec qui ne se remet jamais en question et qui est toujours droit dans ses bottes et qui va toujours défendre, on va dire, son village, ses intérêts personnels qui sont les sangliers, ce genre de trucs, et qui est vraiment un mec qui réfléchit peu, en fait, et qui juste agit. Ouais. Il est vraiment dans l'action. C'est vraiment le Achille, en fait. Il faut faire un truc, je le fais. Donc, il est super héroïque. Dès qu'il s'agit de faire un truc, il se pose pas la question de est-ce que je vais pas me faire péter la gueule. Non, il s'en fout, il y va. Est-ce que c'est possible ? La question même de la possibilité, elle se pose pas, il y va. Mais après, la ruse et tout ça, bon, oui, il est malin comme tout le monde, quoi. Il a un peu de bon sens, mais. Ouais, c'est le plus malin du village, mais c'est un village de cons. Donc... tu vas me résumer 40 ans d'Astérix. C'est tragique. C'est affreux. On s'est un petit peu éloigné du coup de la lecture politique parce qu'on n'a pas du tout abordé la lecture politique. Mais avant, c'était les. On s'en fout. Faisons dans le désordre comme d'habitude. Mais oui, on s'en fiche, peu importe. Après, politiquement, on veut dire Astérix, c'est de la résistance. C'est le pire corps. Il y a un côté vraiment un peu résistant. Non, vous le sentez un peu. De Gaulle avait Astérix sur sa table de chevet. Évidemment. Et il y a une anecdote qui a été racontée par Uderzo en les interview. Les moustachus, tu sais. Ça doit être ça. Tous les mêmes. Il disait qu'il y avait une réunion du gouvernement sous De Gaulle où De Gaulle avait affublé des surnoms de personnages d'Astérix à tous ses ministres en les appelant comme ça et chacun se reconnaissait par rapport au personnage d'Astérix qui était évoqué. Pour te prouver à quel point. Mais À l'époque, ça a été tout de suite perçu parce que c'est dans les années de Gaulle que naît vraiment Astérix. Et ça a été tout de suite perçu. Il y a des questions de journalistes sur l'aspect gaullien d'Astérix. Gaulliste, c'est plus la Gaulle. Mais d'ailleurs, ouais. J'ai un bout d'interview d'ailleurs qui en parle où Goscinny et Uderzo répondent à cette question. On écoute, on en parle après. Est-ce que ce succès d'Astérix, qui date d'il y a une dizaine d'années, est-ce qu'il n'a pas correspondu un peu au retour de Gaulle également? Est-ce qu'on peut associer De Gaulle et Astérix? Non, on ne peut pas associer De Gaulle à Astérix du fait que nous ne sommes pas partis à colomber les deux églises, déjà, et ensuite parce que, honnêtement et franchement, nous n'y avons absolument pas pensé. Quand nous avons créé Astérix, le fait que De Gaulle soit arrivé, nous n'en avons absolument pas fait de rapprochement. Et il n'y a rien là-dedans qui rappelle spécialement et De Gaulle et le gaullisme, si ce n'est que à un moment donné, notre personnage de chef, à bras raccourcis, s'adresse à son village en disant « Gauloise, Gaulois ». Enfin, c'est de la caricature. Vous savez, c'est assez amusant. En France, par exemple, beaucoup de gens ont cru que nous faisions de la politique gaulliste. Parce que la Gaule, évidemment, ça portait tout de suite à ça. Puis ensuite, le prestige de la France tel que le général de Gaulle le voulait, et ainsi de suite. Et ça n'empêche que quand il y a eu les grandes élections, les très grandes élections, eh bien, chaque parti voulait avoir Astérix dans son camp. Et on nous a fait des propositions, honnêtes ou malhonnêtes, d'avoir Astérix pour la propagande de leur de chaque représentant et de chaque parti. On sait d'ailleurs, on a toujours refusé de jouer ce jeu-là parce que c'est un jeu ridicule. J'ai une question naïve, mais d'où vient cette interview? Je ne sais plus. Je ne sais plus. D'accord. Parce que est-ce que la musique était là à la base? Parce non, que c'est là, moi c'est... qui l'ai mise. D'accord. Parce que c'est très drôle. Là, c'est très compliqué en termes de... Parce que la façon qu'a le mec d'en parler et la petite musique derrière. Le décalage est intéressant. Prête à un propos qui peut être tout autre. C'est vrai. C'est vrai. Mais vas-y, rentre sur l'interview. Moi, je trouve que quand ils parlent de leur œuvre, ils disent de la merde. Parce que finalement, c'est hyper gaulliste quand même comme vision du monde. Bon, Astérix. C'est hyper gaulois, justement, parce que j'allais y venir avant de faire. Quand ils cherchaient à venir avant. 40 ans après, non, c'est facile. Je vais donner une anecdote. Avant de faire Astérix, ils cherchaient une BD à faire, Goscinny et Uderzo. Ils voulaient adapter en BD le roman de Renard. Oui. En fait, c'est et vrai. Du coup, enfin, c'est déjà de base le roman de Renard. Du coup, c'est une chanson, enfin, c'est un poème médiéval hyper long du 15e siècle qui présente un chevalier, le chevalier de Renard, qui est une sorte de héros de la France, le symbole de la France. Et Astérix, c'est ça aussi. C'est vraiment un mythe franco-français qui veut rassembler la nation et représenter la France, quoi. C'est un truc. Tenir la place de la France dans un monde où finalement sa place s'amenuise. C'est un peu la France, c'est vraiment le village gaulois face à un empire romain qui l'écrase, et c'est De Gaulle qui s'aligne pas sur les États-Unis. C'est vraiment cette vision-là qu'on ressent, quoi. C'est la résistance face à l'oppresseur, à l'impérialisme, en fait. Ouais, et dans les années 65-66, quand on a lancé notre premier satellite en l'espace, il s'appelait Astérix, d'ailleurs. Donc, comme quoi, c'était vraiment ancré dans le truc. Ouais, c'est vraiment, ça a été repris directement politiquement, en fait. Astérix, on a tendance à dire que Tintin c'est de droite et tout ce que le Congo, mais Astérix c'est vachement nationaliste, en tout cas, parce et chauvin. Le Congo. C'est la meilleure explication. Non, mais... Astérix, c'est vraiment une BD dans laquelle où qu'il aille, où qu'aille Astérix et Obélix, ils vont tout le temps apporter, on va dire, à la fois la culture et le regard français partout. Tout le temps, il y a vraiment un truc, tu sens, c'est vraiment... Ils amènent le thé en Angleterre, hein, chez les Bretons, par exemple. Ah ouais. Ouais. C'est hyper français, c'est dément, quoi. C'est eux qui viennent casser le nez du sphinx, et c'est aussi grâce aux Français qu'on a ce monument-là. C'est vrai que c'est... Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc comme ça. C'est drôle. Ils ont créé la culture mondiale, quoi. Ouais, et ouais. Je les écoute. C'est le rayonnement et l'influence de la France. Le rayonnement, la grande France, quoi. C'est ça, c'est tellement ancré dans Astérix que... Le Pen en 2009 comparait le FN à des irréductibles gaulois. Il a fait les débuts d'Astérix. Si je vous ai emmené jusqu'ici à 3 jours du scrutin, c'est pour vous délivrer quelques messages simples. Nous sommes en 2009, après Jésus-Christ. 80% des lois françaises sont faites pour l'Europe. Tous les hommes politiques français sont européistes et veulent brader la France. Tous, non. Car un parti politique peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. il a fait ce discours-là au parc Astérix. Oh, c'est ça. Avec ses vigiles déguisés en Gaulois. C'est tellement sale. Mais c'est stylé, putain. C'est ça, les stylés à la fois, mais c'est sale quand même. Tintin, le rayonnement de la Belgique, est-ce qu'on en a à branler, tu vois. Ils ont pas eu de gouvernement pendant des années. Voilà, ils nous ont amené les frites, ils sont bien contents. Parce que aussi... T'aimes bien Astérix, toi, non? Et Damso. Racisme, Hergé, les frites des Damso. L'usage de la Belgique. Hergé, il a cherché lui-même à gommer toute référence à la Belgique. Quand, ouais. quand il réécrit Tintin au Congo, il enlève le truc un peu raciste de votre patrie, la Belgique. Mais c'est aussi une manière de... Parce que le Congo, il jouait aussi avec le Congo français, le Congo belge. Il a dit ça, lui-même? Ou c'est toi qui interprète? J'interprète. Ouais, mais enfin, tout type en même temps, de les mecs viennent de dire qu'ils mettaient aucune politique dans leur. C'était Astérix. Oui, c'était Astérix, mais je veux dire, depuis tout à l'heure, on est en train de dire de la merde et on en est Non, mais. C'est pas grave. Toute référence à la Belgique disparaît de Tintin. Il n'y a pas de référence à la Belgique dans Tintin. Très peu, en tout cas. Et il y a vraiment une vision plus. Qui se veut plus internationale. Pour se vendre, peut-être. Ouais, en l'Occident et pas la Belgique. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Même dans la BD assez globalement, je veux dire, la BD franco-belge est considérée comme française. Bah c'est une... que... Ouais, wow, je sais pas. Français, mais on a des auditeurs belges qui vont péter. Non, mais oui, bien sûr, mais il y a un côté un peu. Non, je pense que ça fait une unité en fait. Comme ça quand même. Oh là là, ouais, ce que vous dites. J'avais oublié qu'on avait des Belges qui nous écoutaient. C'est vrai. Les Canadiens aussi. La BD franco-canadienne, on en parle assez peu. C'est vrai. Et bien la Belgique, on vous aime, c'est super. On vous aime, mais quand même, parmi ceux à qui on n'a pas envoyé les trucs, il y avait justement des adresses en Belgique et tout. Ah, on vous aime, mais c'est trop cher. Mais je sais pas si Astérix c'est vraiment nationaliste. C'est chauvin. C'est souverainiste, en fait. C'est... Ouais, c'est. Il pourrait être classé Nicolas autant. Dupont-Aignan ? Non, pas nécessairement. Il pourrait être classé autant en chevènement, tu vois. Ni vraiment de droite, ni vraiment de gauche, mais souverainiste. Ouais. On pourrait le refaire vraiment avec, c'est ce que fait Le Pen, avec la domination de l'Union européenne. Ça se trouve en fait, Astérix, c'est pas dans le passé, c'est dans le futur. Et c'est une sorte de propagande de l'UPR, tu vois. À bras raccourcis, c'est Asselineau qui résiste à l'Union européenne, tu vois. Incroyable vision d'Astérix. Vous l'avez jamais entendu ailleurs. Je m'appelle Astérix, vous connaissez l'UPR. C'est vrai que selon le décret 54. Et pour le coup, Tintin, ce serait plus Emmanuel Macron. Il est ni de droite ni de gauche, donc un peu de droite. Ouais, et puis en plus, il se la pète, genre il sait tout faire. Il est dynamique, il est jeune, ouais, il a un polo. Il est jeune, quel ordre dynamique. Et il va à l'étranger tout le temps. Il va autour de vieux, ouais. Il va pas à l'usine, tu vois. Il est copain avec des châtelains. Ouais, c'est ça. Mais du coup. C'est des visions politiques assez différentes et en même temps pas trop. Ah bon. J'avais pas quoi dire. C'est pas intéressant. T'aurais pu t'arrêter. Jean-Pierre Meuble. Jean-Pierre Ricard. Exactement. Non, il y a vraiment deux visions politiques qui s'opposent. Enfin, en tout cas, dans la représentation du monde, ça s'oppose véritablement. Oui. Tintin, c'est un peu le citoyen du monde qui a certaines attaches, mais pas trop, qui va à la rencontre des peuples, même si c'est parfois foiré. Même s'il y a toujours un fond, il y a un ethnocentrisme de la part de Hergé qui fait que voilà. Surtout dans la fin, je trouve qu'il y a beaucoup d'aventures où finalement tu te rends compte que c'est Tintin, l'homme blanc, qui est venu résoudre la situation problématique des des locaux, quoi. Il y a un fond ethnocentrique, mais il porte garde pas. Garde le missionnaire, quoi. Tintin en lui-même porte pas une vision politique souverainiste comme peut l'apporter Astérix. Bah je suis pas d'accord parce que justement Tintin. Il vient et finalement c'est ses valeurs qui triomphent des locaux et qui vont finalement t'as beaucoup de Tintin où à la fin on le remercie, voilà, il est distingué par le pays en question ou des trucs comme ça où il est invité à séjourner dans le palais, alors qu'Astérix il vient mais il n'impose pas leur culture. Il vient et il voit, tiens, c'est comme ça, c'est drôle, c'est différent de chez moi, mais il rentre chez eux avec leur culture. Et surtout au fond dans Astérix c'est différent mais c'est pas si différent. Moi c'est ça qui me marque, c'est que autant dans Tintin on voyage véritablement, autant chez Uderzo et Goscinny, on a ces clichés sur lesquels on joue, mais au fond des clichés, on se rend compte que le village chez les Anglais, chez les Corses, machin, au fond, ça marche exactement comme. En fait, il y a des petites différences de mode de vie, mais c'est tout quoi. Ouais, c'est des différences très locales. Et c'est plus des différences de mode de vie et pas de valeur en fait dans Asterix. Le truc, c'est que chez Tintin, la victoire se fait toujours dans le pays. Dans le pays qu'il a un peu conquis, on va dire, quelque part, il va être reconnu par les pairs du pays. Alors que chez Tintin, c'est toujours, à la fin, tu vas revenir dans ton village et dire « Ah, on va faire la fête chez nous parce qu'on les a bien niqués ou parce qu'on a bien réussi en tout cas à triompher, on va dire, de l'adversité étrangère, machin, ce genre de truc. En parlant de ça, j'ai trouvé une citation dans une des, du coup, t'as raison, la dernière page, c'est toujours la page du banquet, etc. Ouais, c'est le banquet. Ouais. Et je crois que c'est un peu le modèle de l'intégration en fait Astérix, parce qu'il y a une page du banquet. L'intégration. Je suis curieux. Où ils disent, je cite dans le Tour de Gaulle. Tu as les voilà. Ibères, les Belges. Et il est à noter que chacun de leurs expéditions est un enrichissement, les voyageurs adoptant quelques-unes des coutumes les plus agréables du pays visité. Du coup, tu vois, on rentre chez nous faire la fête autour d'un sanglier, mais tiens, là-bas ils font comme ça, c'est sympathique, on pourrait peut-être le faire. Genre, c'est l'intégration. C'est un vrai boire le modèle français. Voilà, c'est ça. Mais on bouffera des sangliers quand même. Voilà, c'est ça. Mais finalement, c'est vraiment purement européiste en fait comme œuvre Astérix. C'est l'Europe des nations, mais c'est l'Europe de la coopération aussi, du tandem nations, franco. Du franco tandem franco-allemand où c'est vraiment d'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi que ça plaît autant autant en Allemagne, c'est peut-être, oui, j'en sais rien, j'ai, non, mais je ne me regarde pas comme un spécialiste de la géopolitique. Non mais c'est vrai que c'est intéressant par rapport à Tintin dans la mesure où ça s'oppose complètement sur ce niveau-là quoi. C'est tu ouais, j'ai plus rien à dire. Moi j'ai l'impression que Tintin ouais, on t'a laissé seul. Moi j'ai laissé crever sur le bord de la route. Moi j'aime bien aimer te regarder souffrir comme ça. Tintin en fait c'est la volonté de découvrir le monde et justement de pas porter de jugement sur la culture avec la volonté dans les actes, dans les intentions, avec un ethnocentrisme tellement appuyé de la part d'Hergé qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Mais tu vois, il y a toujours cette volonté, il n'y arrive pas, mais il y a un truc mignon qui fait que à la fin il est toujours belge. Même quand il se décoince, il y a un paternalisme, tu vois, même quand on est en train de l'encenser parce que le mec est plus colonialiste, mais que non mais bien sûr. Non mais en fait il y a cette volonté avec un échec permanent de ça quoi. Mais bon, il y a un truc. C'est chef-d'œuvre. Alors qu'on n'a pas vraiment ça chez Astérix. C'est pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est deux grosses œuvres racistes? Non. Racistes. Mais par rapport à nos critères de 2017. Question. Ouais, voilà. Ouais. Oui. En 2017, bah ouais, ok, c'est deux œuvres racistes. On dit racistes. Ça 60 ans après. Oui. Enfin, 80. Est-ce que c'est pas des trucs de leur époque? C'est ça la question. Ouais. Ouais, au fond, c'est ça. C'est ouais, de ce point de vue-là, c'est daté sur les valeurs. Il y a une progression, ouais. Peut-être que nous, on est déjà des vieux juges, en fait, de ce truc-là. Tu mets trop de temporalisation dans mon truc. On est déjà peut-être trop vieux, je pense, pour pouvoir juger. Je pense que si un gamin lit ça aujourd'hui, est-ce qu'il verrait ce que nous, on peut voir? Est-ce qu'à la lecture de ce que le mec connaît de la France, de la Belgique, est-ce qu'il verrait les mêmes référents, les mêmes volontés, on va dire, colonialistes un peu et conquérantes qu'il peut y avoir à la fois dans Tintin et Astérix. Tu penses qu'on surinterprète l'œuvre? Je pense, clairement. Parce qu'on est là pour ça. Ça s'appelle la fucking kermesse. Ok, alors ça me va. On n'est pas là pour dire des trucs vrais. On est là pour parler 3 heures sur un sujet. Okay. C'est tout. Non mais pardon. Pardon, je me suis trompé. Et du coup, est-ce qu'on peut poser la question qui fâche? Ah, est-ce qu'on peut la poser ou la poser? La seule vraie. La poser. Vous préférez qui? Tintin ou Astérix? Les personnages ou l'œuvre? On peut faire les deux. Bah, personne ne peut dire Tintin en termes de personnage. Tintin n'a pas d'intérêt. Tintin est un personnage. Ouais, moi, je préfère les œuvres, qui préfère quoi? Bah, c'est dur de préférer Astérix en fait. Moi je préfère Astérix. C'est dur. Hein. Moi je préfère Astérix. Non. En fait, c'est compliqué parce que dans le sens où Astérix, c'est très bien pour ce que ça fait et ça veut faire que ça. Donc il n'y a pas vraiment de. C'est inattaquable. Ils veulent nous faire rire, ils le font. Voilà. Mmh. Alors que Tintin, on peut le critiquer beaucoup plus, mais ça a une portée, une ambition tellement plus grande d'œuvre, comme on a dit tout à l'heure, c'est ça. Qu'on peut plus se prendre la tête dessus et tout. Et je dis pas en que gros, c'est un mal parce que. Mais c'est pas forcément un critère. Est-ce que le fait qu'on se prenne plus la tête fait que t'apprécies ou pas plus. Non, mais il y a un truc aussi qui fait que les aventures de Tintin, elles peuvent te marquer véritablement. Je pense que des lecteurs très jeunes de Tintin, ils sont marqués par Tintin. Je pense que c'est ça la diff, ouais. Que ce que Astérix ne fait pas. Je pense que petit, je préférais carrément Tintin parce que c'est plus, tu t'émerveilles justement devant le voyage et tu rigoles à l'humour et t'es là, quoi. C'est clairement plus adressé à ce public-là et je pense que l'aspect nostalgie joue aussi dans le fait que t'apprécies après Tintin. Oui, oui, clairement. Oui. Alors que Astérix, vraiment. T'as des trucs que tu peux pas apprécier petit et que t'apprécies beaucoup plus en relisant et du coup je trouve que c'est une œuvre qui me parle beaucoup plus en tant qu'adulte quoi. Ouais, mais quand même s'il y avait une des deux œuvres à mettre au patrimoine de l'humanité ou tu vois une des deux œuvres à sauver, au patrimoine français on est obligé de sauver Tintin. Ouais. Entre les deux. Oui, surtout c'est ça, en fait. J'ai envie de dire si c'est si on pose la même question dans 100 ans, je pense que Tintin se sera arrêté, sera resté une œuvre, une espèce d'œuvre entière dans laquelle tu pourras l'ancrer dans une temporalité, dans une espèce de volonté d'un seul auteur, de ce genre de truc. Alors que Astérix aura continué à faire des films de merde et des BD à moitié finis. Et forcément, ça aura chuté, quoi. C'est déjà en pleine décrépitude pour moi, Astérix. C'est déjà une comète qui est en train de s'effondrer. Ouais. Alors que Tintin, ça reste une espèce d'étoile lointaine. Oui, mais et ça n'enlève bien rien. Fini. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ça m'embête de dire que Tintin, on devrait le sauver, pas Astérix, parce que dans la FK, on essaye de sauver entre guillemets des œuvres qui ont l'air un peu nulles et un peu pas de la pop culture, quoi. Qui n'ont pas l'air d'aller loin. Et on essaye de trouver la profondeur là où il y en a pas forcément. Du coup, j'aimerais bien. Sauver Astérix, moi personnellement, je préfère Astérix. Je pense à Tintin. À lire, pas des patriotes. Je suis en train de dire que c'est plus agréable à lire Astérix que Tintin. Ça me fait plaisir. Moi aussi, je prends plus de plaisir immédiat à lire Astérix. Ouais. Collabo de merde. Mais on n'avait pas dit que RG avait été emprisonné à Libération parce qu'il avait soupçonné de collaborer. C'est vrai. Et que Tintin m'a été tondu. c'est pas pour ça qu'il a arrêté d'être politique. Il a commencé à être politique. Comment on l'appelle ? Et après, il a arrêté pendant l'occupation nazie. Il a recommencé derrière. Ah, je pense à un truc. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de dire. Mais sur l'aspect politique et social et compagnie, il y a un truc qui caractérise les deux œuvres. C'est l'absence plus ou moins totale de femmes dans les deux œuvres. Ah, bah, on était. Uderzo, on lui a énormément reproché d'ailleurs. Ouais, et il a essayé de faire deux, trois trucs en disant ouais, regardez, il y a des bonnes femmes quand même. Mais il a fait un album où les femmes prennent le pouvoir dans le village. C'est dans quoi ? Je sais plus. Je sais. La Zizanie, non, c'est la pas la Zizanie. Non. Non, mais si, c'est con. Non, mais si, c'est pas les femmes prennent le pouvoir. La Zizanie, il me semble que là, il y a la femme de Abra Coursix qui devient chef du village. Une bonne mine, ouais, il y a forcément je crois que c'est un épisode comme ça où elle se fait porter elle-même sur un bouclier. Ouais, où Et c'est ça qui est triste. Mais c'est vrai qu'on reproche à moitié, ce qui n'est jamais arrivé à Tintin, on reproche à moitié parfois à Astérix de ne jamais avoir de femme. Ouais. Et, ça peut arriver à Tintin. On lui reproche pas de traîner avec Obélix. C'est pas un super exemple, quoi. On n'est pas encore sur le fait de lui reprocher de traîner avec Obélix. Mais il a pas de femme. Mais c'est vrai que pour un mec de son âge, c'est un peu louche. Il l'aborde d'ailleurs dans l'œuvre. Souvent, certains lui reproche, mais pourquoi t'es vieux garçon, tu vis avec Obélix? C'est deux vieux garçons. Avec Obélix, c'est l'école. Tu traînes avec Tintin et Obélix, t'es vraiment là. À la base, j'aimerais bien voir le hentai sur Tintin et Obélix. Cet homme a lâché la terre. Traîne-moi le menhir, coquin. Ça a effondré. Il défixe sa grande langue. Bien longue ici. Non, mais ouais. Non, c'est vrai que les deux œuvres, c'est. Un jeune homme qui vit avec un homme plus grand et plus gros et avec un petit chien. C'est très grec. Il traîne avec des alcooliques et des mecs soit qui boivent trop, soit qui ont trop bu dans leur passé, qui sont eux des garçons impeccables, j'ai envie de dire, ou du moins respectables, et qui traînent avec des gens qui le sont moins déjà. Et... Voilà, non, je voulais juste soulever ce point de l'absence de femmes. Et on va s'arrêter là-dessus ou quoi? Non, c'est non. Ça qu'en train de dire. Non, question, non, non, on s'arrête pas là-dessus. Qui préfère de quoi Astérix ou Tintin? Toi, tu as dit Astérix. Toi, Steven, tu as dit Tintin? Moi, je sais pas si on peut les comparer. Je sais pas s'il fallait faire cette émission. Quoi? Final. Quel connard. 17 hommes, il est tellement trop tard. Non, ça dépend pourquoi faire. La réponse de Normand. Tête bain, oui. Alors, moi, je vais y répondre très clairement. Je suis très très partisan de la team Tintin. Pour le coup, parce que je pense qu'il y a un côté vraiment qu'on n'a pas encore, on n'a pas sorti le mot, mais c'est vraiment un polar noir en fait. Il y a un côté vraiment enquête, il y a un côté, c'est un mec qui va dérouler une espèce de fil d'Ariane, qui va le mener à cette espèce de vérité qu'il cherche tout le temps et qui va l'amener à faire des rencontres effectivement incroyables. Alors il va y avoir des marchands d'armes, il va y avoir des marchands de trafiquants d'opium, il va y avoir les Dupont et Dupont qui sont complètement cons, il va y avoir plein de personnages, une galerie est complètement hétéroclite de personnages, alors que Tintin, ils vont pas dérouler grand chose, ils vont juste chercher à retrouver la potion magique, Astérix. Et je trouve ça beaucoup plus faible en termes de construction et en termes d'intérêt global. Et pour aller dans ton sens, la question, on va faire la question con pour essayer de décider. On doit emmener sur une île déserte, machin chose. Ah. Tintin, tu peux lire et bonne relire. Bonne mine. Sans même direct, frère. Tu peux lire et relire Tintin, essayer de trouver. Elle est un peu casse-couille, mais. Elle est sympa. Essayer de trouver le sens dans Tintin, tous ces trucs de mystère, te dire je vais me refaire tous les albums, essayer de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Astérix, franchement, quand t'as lu la BD une fois. Astérix, tu l'emmènes au chiottes. Tu l'as parlé la semaine d'après. T'as jamais lu Tintin au chiottes, peut-être. C'est pas une bonne question. Je lis tout au chiottes, c'est pas une bonne question. Il habite à Paris, il a pas de chiottes assez grandes. Il habite même plus à Paris, putain, je me suis planté. C'est bon, chiottes, il a acheté des chiottes. Il a sa maintenant, il a des chiottes, il pourrait loger toute la. C'est vrai, c'est le combat, c'est quand ça arrive. Ça arrive, le combat. Ah non, mais le whisky. Ça arrive quand le combat? Parce qu'il n'y a pas de match, quoi. On peut en parler. Attends, comment ça, il n'y a pas match? Non, mais. S'il y a pelouse, il y a match. Continuons à parler politique si on veut, mais le match, il n'y a pas match. Comment ça, alors, le match, il n'y a pas match? Astérix, il a une putain de potion magique. Il te défonce. Non, mais Tintin, c'est vraiment sympa. Il fait ce qu'il peut. Retrouve-moi les défenseurs de Tintin. Tintin, ça fait moins les malins. Tintin, il est roux, il est sympa, mais c'est un garçon malin. C'est un garçon qui résout des énigmes, des mystères policiers. C'est pas un mec qui va en combat réel à la bagarre. Ah, mais ça dépend du terrain. Ça dépend du terrain. À la bagarre. Sans potion magique. Défonce. Tintin, il a déjà eu un flingue. Hein. Ouais, Tintin, il tire au pistolet. Si il tire sur Astérix. D'ailleurs, j'allais dire justement C'est vrai que les armes à feu dans Astérix, il n'y en a pas. Eh bah ouais. les cons. J'allais dire dans. Non, mais on peut faire un combat réel, Milou contre Idéfix. Ah, mais Milou, il le démonte. Idéfix, il est trop sympa. Adoc contre Obélix, pareil, potion magique. T'es bourré et tout. J'allais dire, tu parlais tout à l'heure de polar noir, c'est un polar blanc, Tintin. C'est un polar, mais. C'est un polar roux, même. Un polar vachement plus joyeux et un peu. Il n'y a pas de la dépression du polar noir, en fait. Voilà, c'est juste un polar et on a le suspense du mystère, mais pas la pression ou la dépression qui va avec, à part pour Adoc au début, quoi. Mais suspense. Le genre du polar blanc. Voilà. Il y a une succession de. Enfin, on en revient au mystère un peu incongru et du hasard, mais quand il est avec ses répliques dans le secret de la licorne, quand il a les répliques de la licorne et qu'il arrive à trouver, on va dire un peu les on va dire c'est quoi, comment s'appelle ça, les parchemins qui sont glissés dans les mâts de toutes les répliques qui sont faites de la licorne, les trois répliques je crois, il arrive à trouver au final les coordonnées du vrai secret de la licorne. Il y a vraiment un côté, tu sais pas du tout où part l'histoire. Oui, tu sais juste qu'il y a des salauds qui essaient de capturer qui essaient de mettre la main sur ces répliques. Et ce mec-là se bat pour essayer de les défendre alors qu'il sait même pas pourquoi, tu vois. Il y a un côté un peu, c'est un défenseur de l'absurde, Tintin. C'est un mec qui a des intuitions. Il a des positions de défense qui sont pas vraiment défendables, mais qu'il va défendre parce qu'il a vraiment des convictions. Alors que Astérix, il a vraiment des convictions qui sont simples. C'est son village, défendre le village. Ouais. Beaucoup plus basique. Premier degré. C'est chauve. Il est, c'est rugbyman, quoi. Il est en première ligne, bam, on rentre dans la mêlée, allez, on pousse. C'est vrai qu'il y a de ça, Par contre, j'habite dans le sud-ouest, il faut excuser. Non, mais c'est une bonne métaphore. Et combat réel, en fait, il n'y a pas vraiment de combat réel, finalement. Ça dépend. Combat réel sans potion magique, sans triche, en fait, on peut le dire. Ah ouais, mais ça n'a plus aucun intérêt. Là, Astérix, Tintin, sans potion magique, ça sert à rien. Ah, mais dans ce cas-là, Tintin fait deux fois Astérix. Ouais. En thème de taille. Non, en plus, il sait se battre. Tintin, il tape. Ouais, mais Astérix aussi, Tintin, il tape aussi. Hein. Astérix, il sait se battre aussi. Il se bat tous les jours contre les Gaules, contre les Romains. Il sait se battre. Ouais. Il se bat pas à poil. Il sait mettre à des coups de poing faciles, le mec d'école. Est-ce que vraiment il tape? Est-ce qu'il y a des fois où il tape sans potion magique? Je crois pas. Ouais, ça doit arriver, mais. Ça doit arriver, ah bah super l'information. Ouais, ça doit arriver. Ça doit arriver. Obélix le gonfle, il met une tarte, tu vois. Mais j'allais dire, en parlant de Tintin qui sait se castagner, dans le film de Spielberg, Tintin c'est Nathan Drake, c'est Uncharted, quoi. C'est vraiment trop pour le coup. J'espère qu'on retiendra pas ce côté de Tintin dans les films qui suivront. Est-ce que c'est pas ce qui prédomine la castagne? Ça se trouve, c'est en motion capture qu'ils font ça. Ouais. Ça se trouve, ce sera Jackie Chan qui va le faire. Mais vraiment, enfin, dans le film. 75 ans. Dans allez, le film, on ce qui m'a va. Marqué, c'est que à Tintin la cogne, était trop direct. Fort. Vraiment. Dans Spielberg, il était trop fort. Tintin, il tirait trop bien. Il se battait trop bien. Il était. Mais Tintin est comme ça. Hein. Mais ouais. Pas. Dans la BD aussi, Tintin, il sait tout faire. Tintin, c'est un mec qui sait conduire. Comme il qui le sait dit, naviguer, j'ai interviewé un pilote une fois avant de prendre l'avion et. Non mais. Ouais, voilà. C'est comme tous les journalistes, hein. Je le sais, je le suis. Je sais tout faire, hein. C'est un trou du cul. Zassa blasé. C'est un trou du cul. Merci. Et toi, Baptiste, Astérix ou Tintin? C'est là que tu dois donner ton avis. Il y a ce côté un peu licence de d'Astérix qui est un peu gênante dans le sens où t'as repris la formule, tu l'appliques autant de fois, donc c'est un, ça fait, ça perd un petit peu de sa valeur. Et le côté de Tintin où, où justement il y a plus d'exploration, tu t'attends une nouvelle quête à chaque fois, ça peut être, je devine, plus plus intéressant. De mon point de vue, sans vous avoir dit auparavant que j'étais fan de Tintin. Mais le mec a la même coiffure que Tintin, évidemment. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des indices. Il a presque la même houppette, hein. Notez-le un c'est peu. C'est un scandale. Regardez-le. C'est biaisé. Également, le, l'aspect où, après, à nouveau, je me suis pas replongé dans les BD récemment, mais est-ce qu'il y a vraiment une aventure de, d'Astérix et Obélix si on vient pas les embêter dans leur village? Ouais, non. C'est une très, c'est une très bonne remarque. C'est vrai que si on les fait pas chier, il se passe rien. C'est des mecs, il faut venir les faire chier. Bah, quoi. C'est comme les il Français. Il se passe rien. Mais c'est un vrai truc français. Les mecs restent là, ils bougent plus en fait. S'ils viennent pas nous chier sur les bottes, bah, qu'ils aillent crever là-bas. Du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, faut s'arrêter. Hein, Du coup, ouais. On a tout dit, je pense. On a dit tout et son contraire. Et vous choisirez. Et il restera des mystères comme dans Tintin dans cette fucking kermesse. Ah oui, bien, bien sûr. Sûr. Les analystes s'arracheront. Sur le cas des analystes, s'arracheront les cheveux. Quoi? Et ça, c'est beau. Oui, t'inquiète, on comprendra. Oui. Voilà. Ceux qui comprennent comprendront. On va se terminer. On va se terminer, ouais, c'est ça. Ouais. Vie Patrick. Alors, on va se finir, les gars. À la cool. Organiser. Est-ce que tu vas pouvoir la lire, même s'il y a du whisky dessus ou pas? Je vais essayer, en tout cas. Eh bien, c'est l'heure de la vie Patrick de Steven. Laisse que cette jingle-là, elle bouge plus. Dans le désordre. Ah. Bonsoir, c'est tellement raciste ce morceau. Très Astérix, je trouve. C'est vrai. Alors, la petite vie Patrick. Alors, je suis obligé de dire que. J'attends que ça me regarde parce que je sais pas ce qu'il fout. Non, il te filme, je crois. Ah, très bien. Okay. Non, la petite vie Patrick, on m'avait donné un sujet. À la dernière réunion, on m'avait dit. Écoute, ça va t'intéresser. Ah, oh, si, ça va t'intéresser, je pense. On m'avait dit, il faut que Patrick regarde Cyril Hanouna ou je sais pas trop quoi. Oh. Mais on avait décidé de ça ensemble, t'es complètement penché. Mais je l'ai pas faite, pour te dire tout de suite. Ah. Parce que j'ai essayé d'écrire ça et n'ayant jamais vraiment regardé cette émission, je n'avais absolument rien à dire. Mais je me suis arrêté là. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment donner des vrais conseils à Patrick. On a parfois un petit peu oublié. Cet aspect conseil. Ça va, la vie pratique de Patrick. Exactement. Patrick Consulting. On est parti un petit peu loin parfois dans le temps, dans nos la aventures. Antique, dans, ouais. Voilà. Et du coup, je vais donner des vrais conseils à Patrick, puisque je suis en train moi-même de déménager, et donner des conseils à Patrick pour déménager. Alors, mon Pourquoi cher. Ça m'intéresse. Oh, alors, t'inquiète. Mon cher Patrick, voilà l'été et tu as envie de changement. Tu as donc trouvé un nouvel emploi loin de chez toi, à Garges-lès-Bedottes. Dans le du dépaysement. Là où on en vit ce soir. La France profonde, que dis-je, le pays réel qu'affectionne Maurras et avec lui tous les patriotes d'extrême droite du 5e arrondissement. C'est presque une nouvelle langue à découvrir, des nouvelles coutumes et des vêtements traditionnels comme le survêt complet taquini. Mais avant cela, il te faut un nouveau chez toi. Et pour pouvoir crier avec tes nouveaux copains « on est chez nous », encore faut-il avoir un chez toi. Ici, l'hectare est environ à 15 anciens francs, ce qui fait approximativement 0,06 euros. Et le vrai problème, c'est de déménager. Donc moi, qui, comme je te le disais, qui suis en train de le faire, pour environ 500 km, je peux te donner quelques conseils. Alors tu vas déjà commencer par estimer le nombre de mètres cubes qu'il te faut dans le camion. Et tu fais ça de ça manière totalement aléatoire. Bon, le canapé, on va dire 3 mètres cubes si on met en biais, à peu près, entre 2 et 5. La table, entre 2 et 5 aussi, et le lit, à peu près pareil. Donc il te faut, une fois fini ton calcul, un camion entre 15 et 58 mètres cubes. Je vais faire des maths, l'enfoiré. Non, mais c'est des maths rigolos. Dans le doute, on va mettre 60. Tu peux à présent contacter ton déménageur qui imposera ses propres dates tout en pratiquant des tarifs de type parfaitement enculatoire. Oui, c'est cher, mais c'est de la TVA. Sur 5000 balles, j'ai presque aucune marge. Et oui, c'est du vécu. Bon, du coup, tu peux te raviser et faire ton déménagement toi-même. Il te faut encore trouver des gens assez cons pour accepter de t'aider. C'est pas gagné. Et c'est là qu'arrive le vrai conseil. Écoute bien, Patrick. C'est moi qui narre, mais c'est sur une idée originale de Zaza. Histoire vraie. Zaza qui se pose les bonnes questions. C'est une histoire vraie, tout à fait. Pourquoi prévenir les gens que tu déménages ? Pourquoi ne pas les inviter ? Leur dire de passer pour faire une petite réunion FK autour d'une pizza ? Et au dernier moment, boum ! Déménagement surprise ! Mais, mais ne vous inquiétez pas, il y a juste un sac à dos chacun à emmener. Ça, et puis 5 mètres cubes à transporter. Mais ne leur précise pas tout de suite. Entre 5 et 15. Attends de les mettre sur le fait accompli. Et comme un déménagement surprise, ça ne s'organise pas nécessairement à l'avance. Il faut faire ça au dernier moment, quand les gens viennent chez toi. Du coup, t'as pas le temps de louer un camion. Du coup, deuxième astuce de Zaza, Zaza les bons tuyaux, pourquoi pas déménager en Uber ? Eh bah oui, pourquoi pas. Pourquoi, Zardou ? Eh ben, on se demande toujours. On l'a fait. Déménager en Uber, mais oui, il suffira parce de. Parce que c'est rive droite, vous comprenez pas. Il suffira de faire patienter tes amis 2-3 heures, le temps qu'un chauffeur accepte de mettre ton aspirateur sur ses sièges en cuir. Ça devrait pas être trop long. Bien sûr, il faut négocier un supplément en liquide avec le mec. Et bim, troisième astuce de Zaza. Après avoir bien fait perdre son temps au chauffeur Uber, le temps de tout descendre, enfin de tout mettre et de tout descendre de son camion, tu lui dis que tu n'as pas de monnaie sur toi et que tu vas devoir aller retirer de l'argent parce que le distributeur, il est pas si loin. Le mec devrait un peu s'énerver et partir en ayant déjà bien niqué sa soirée. Merci Zaza pour ces bons conseils et merci Zaza pour cette super soirée de déménagement surprise. La pizza est très bonne, ceci dit. C'est un peu honteux. C'est un peu honteux. J'exige un droit de réponse. Je trouve qu'on a modifié mes propos. Qu'on a finalement cherché un sens là où il n'y en avait pas. Une malice là où il n'y en avait pas. Et je lis derrière cette larme que je vois poindre derrière ton œil cette vision de la malhonnêteté. De la mauvaise foi qui te caractérise, finalement. Exactement. Mais qui me fatigue en ce moment même. Ouais, non, mais c'était c'est pas vrai, j'étais en train de déménager. On avait prévu une réunion. Le déménagement ayant duré plus longtemps, j'ai cru que je pouvais, dans un accès de folie, peut-être solliciter mes amis dans un moment dur de ma vie. Mais excusez-moi. Non, mais juste la prochaine fois. Je m'en excuse, ça n'arrivera plus. Non, la prochaine fois, préviens en avance. Tu dis, les gars, je suis en train de déménager, ce serait bien que vous m'aidiez. Pas juste. Bah, il y a ça à emmener là-bas, on va attendre Uber, ouais, c'est tout. Mais t'avais pas prévu la pizza non plus. Et c'est là que je t'ai mis super bien, finalement. Ah, on a mangé notre pizza à 23h après avoir déménagé ici. Pendant 6h, et ça c'est cool. Et ça c'est cool, ça, c'est merci cool. À ça. En Uber. Voilà. Donc, vous auriez pu juste commander une pizza, en fait. Oui, ah, mais bah, c'est des moments qui soudent, c'est important. Il fallait l'effort, il fallait le partage. Voilà, moi, donc, je l'ai fait pour vous, les gars. Patrick pense vraiment à déménager en Uber, parce que c'est une expérience. T'es d'accord, Stavro? C'était incroyable. C'était... En plus, c'était le premier jour de Pokémon Go. Du coup, on attendait le Uber, mais en même temps, on voulait quand même un peu des Pokémon. C'est vrai qu'on se battait pour avoir des... Du coup, on l'attendait pas trop. On devait garder la place et les affaires, mais on partait un peu à l'aventure. C'était toute une expérience. C'était beau. Et le... Enfin, ouais, clairement, tous les... C'est sympa. Voilà. Patrick, je pense que t'as appris beaucoup de choses grâce à Zaza et grâce à Steven. Eh oui. Merci à toi. On va pouvoir se finir, se lâcher, se casser. Sinon, c'est vraiment de finir à la peine. Entre les gros seins d'Obélix. Je vous laisse sur cette image. Il faut s'arrêter. Oupi, merci beaucoup d'être revenu. Est-ce que ça avait manqué cet esprit ce un peu? Ce fut encore une fois un plaisir, bien sûr. C'est ma troisième fucking kermesse et j'ai envie d'en faire plein d'autres. C'est toujours un peu la fête. On ira jusqu'à la 50, donc il y a c'est pas toujours un peu décevant aussi, mais c'est. Bah, comme toutes les fêtes. Bah oui, c'est ça. C'est décevant parce que c'est terminé. Ah, c'est beau ce que tu dis. Baptiste, merci beaucoup d'être venu à toi aussi. Baptiste. Et vous, on vous remercie d'être encore là. Et on vous remerciera encore plus si vous mettez 5 étoiles sur iTunes, bande de bâtards. Eh ouais, c'est vrai, parce ça on en a dit que pas 60 assez. Moi, tous les jours, je vais voir ce qu'il y en a en plus, il y en a jamais. 3 donc, fois par jour, même, quoi. Tu m'avais dit l'autre jour. Ouais, 3 fois. Et sur les 60, il y en a 10, c'est moi. Donc, allez-y, il faut qu'on dépasse ZQSD et tous ces connards. Mais c'est vraiment important, les étoiles, en termes de. Non, on sait pas, mais tout le monde fait ça. Non, mais c'est vraiment hyper important en termes de. Référencement sur, sur ZQSD, pardon. Sur iTunes. Est-ce que vous lancez votre propre plateforme de podcast, c'est ça? Non, mais on pourrait faire ça, mais... Et du coup, en parlant de ZQSD, ça roule toujours? On peut toujours écouter ça? Oui, on n'a pas encore arrêté. Hein. On va faire la 53e, je pense, la semaine prochaine. C'est un beau. Truc comme ça. On n'en finit plus de ne plus finir, mais... Et il s'est fait tatouer un Wario sur le cul à la 50e. Je suis déjà à côté de la warp zone. J'ai bien mon footix, c'est personnel qui me. Et à part le QSD, où est-ce qu'on peut te retrouver, te t'admirer? On peut me retrouver dans JV, un magazine de jeux vidéo tous les mois. On peut me retrouver au bar environ tous les soirs. Et en rayon, je crois. Dans le 17e arrondissement. Et en rayon. Et oui, c'est vrai que je représente aussi la BD franco-belge ce soir. Bah, c'est ça. On a Barouf, un auteur de BD, le mec, acheté Barouf. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu passer ça. Qui est sorti il y a environ un an maintenant, un peu moins que ça. Ça a l'air cool. On prépare le numéro 2. Ça a l'air cool, mais enfin, mais mets-toi à jour, mec. C'est incroyable. C'est cool. Mets-toi à jour, c'est incroyable. On sort le numéro 2, normalement d'ici environ un an. On a commencé à le bosser, donc ça va arriver. C'est une sorte du coup d'heroic fantasy de Lidl, c'est mais en mode c'est complètement con. Il y a absolument aucun. Il y aura pas de podcast dessus, même pas de fucking carnet. Il faut qu'on en fasse 50 ou pire. Faut qu'on en fasse 50. Presque sûr de ça. Bref, lisez ça si un jour vous aimez la BD. ZQSD, JV, la fucking kermesse, c'est super. C'est quoi, c'est la fin d'émission, le mec en freestyle complet, les choses, c'est naze. Voilà. La vie. La vie, c'est pas mal. C'est un naufrage. On vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. Le mois prochain avec une FK sur Lovecraft. Ah oui. On va potentiellement. Oui, on va devoir. Bah, cet homme qui sait mec, pas. Mec, j'ai acheté des bouquins. Qui est pas sûr. Arrête. Voilà, donc. Ça fait du travail, quoi. C'est tout. Tu arrêtes. Le mauvais esprit. À dans un mois et. Insmooth. C'est ce que je voulais dire, un truc comme ça, mais j'avais plus. Insmooth. Voilà. Insmooth. À tous. Salut. Tagline. Salut. Salut. Salut. C'est le pire au revoir que j'ai jamais entendu. Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher, fluncher à fond, fluncher fièrement. Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher, fluncher à fond, fluncher fièrement.